Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she says I pass it, and I said na bullet. No matter where I go, you know I love them all. She said hola, como esta? She said konnichiwa. She said pardon my French. I said bonjour, my dog. And she says I pass it, and I said na bullet. No matter where I go, you know I love them all. Ken Jones sur Skyrock, c'est bien parce que ça rappelle les vacances ce morceau. Ken Jones, c'est Don't Mind, une découverte Skyrock. Skyrock, D-Fool. You speak English? Romano. Oh, allez, vous n'allez pas me dire que vous êtes honnête quand même. Cédric. T'as pas peur pour le clash, ça va aller? Non, mais ça fait 10 fois que tu me poses la même question. Ça y était lourd là. Marie. Est-ce qu'elle est épaisse ou pas? Samy. Là, il y a un aéroport qui fait délirer, c'est à Gibraltar, dans le sud de l'Espagne. Et Karim. Ostracisé, ça déjà, ça vient du mot racisme? Non. D-Fool Radio Libre. 21h minuit, tous les soirs sur Skyrock. Et oui, la seule radio qui apprend des mots nouveaux, même aux membres de l'équipe le soir. Eh ouais. C'est Skyrock, Radio Libre, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On est mardi aujourd'hui, bonjour Romano. Bonsoir. Bonsoir la Marie. Bonsoir tout le monde. Samy. Salut tout le monde. Bonsoir Karim. Salut les filles. Ah, big up à Cédric, salut les filles. Bah oui. Salut les filles. Et à sa clavicool également. Et puis surtout un grand bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur Skyrock, merci à vous d'être là. Vous pouvez nous appeler dès maintenant en direct, on va suivre les matchs de foot. Ah, il y a Calson qui nous dit, est-ce que tu peux parler de Napoli-Kiev? On vous donnera les résultats des autres matchs. Il y a 0-0, mon pote. On est avant tout sur le match 0-0 pour l'instant. On est avant tout sur le match du PSG. PSG contre Arsenal ce soir. Bienvenue sur Skyrock, bienvenue dans la Radio Libre avec votre avant-centre, aussi petit que Messi, Romano. C'est la Champions League. C'est la Champions League. En plus, il s'est râpé, magnifique. C'est la Champions League, ouais. Marie, c'est la Champions League. Ouais. Marie, masseuse dans les vestiaires, elle est avec nous aussi. Bien sûr, masseuse, ouais. Bon, Karim, t'es quoi? T'es entraîneur du PSG? Moi, je suis l'entraîneur, moi. Entraîneur du PSG. Carrément, quoi. Pour l'instant, 1-0 pour le PSG face à Arsenal, au fait. Et Samy? Moi, je suis l'adversaire, moi. Je suis Arsenal, moi. C'est Giroud, Samy, ouais. C'est Giroud. Giroud, il joue pas, il est blessé, il est sur le banc. Oui, il joue pas Giroud. Donc Samy, tu es Giroud. Ouais, je suis Giroud, tu vois. J'ai bien noté. On suit donc PSG Arsenal ce soir en direct sur Skyrock dans la Radio Libre. Ouais. On fera un petit point, évidemment, dès qu'il se passe quelque chose. Pour l'instant, un but, et alors ça, c'est miraculeux. Un but de pied carré Cavani. Eh ouais, avec la tête. Hein, non, mais c'était ta révélation, ça y est. Non, mais il a marqué avec la tête, il a raison, Samy, c'est les pieds sont carrés. Il marque toujours avec la tête. Mais c'est vrai, tu sais que le dernier but qu'il a mis avant celui-là, bah, c'était contre Monaco, c'était de la tête. Oui, mais il a les pieds carrés. Faut changer les pieds, faites une greffe, un truc. Non, pourtant, quand tu le regardes, c'est sa tête qui est carrée à ce mec. Oui, la tête est carrée. Allez, en tout cas, elle a marqué un but 1-0 pour le PSG face à Arsenal. La Champions League à suivre ce soir. On suivra Lyon et Monaco aussi demain. Et oui, demain les autres matchs à suivre. On s'occupe de tout. Et puis on s'occupe de vous surtout. Hein. Si vous avez un truc à nous dire, si vous voulez faire les cons en direct, vous nous appelez au 01 53 40 30 20. Vous tombez sur la Marie, vous tombez sur Samy, sur Karim. Ouais. Et puis sinon, eh ben, vous faites péter le 41 759, le skyrock.fm et l'appli Skyrock pour nous laisser vos messages. On salue d'ailleurs le masturbateur. Bonjour le masturbateur. Il y a Gignac, 17 ans, qui nous écoute. Bonjour à Léo qui vient d'arriver. Il y a Zach d'Avignon qui nous passe un petit salut. Bonjour Iman, wesh l'équipe, wesh Iman. Eden est là aussi, bonjour Eden. Et Cédric, c'est le ballon, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Ouais. Peut-être, bien vu Eden. Cédric, ce sera un gros ballon. Ah ouais. Ce sera même une montgolfière. Tiens, ouais, pas mal. Ou un montgolfière, je sais pas. Cédric, on essaiera de prendre des nouvelles d'ici minuit. J'espère que ça va. Hein. Il a mal à sa clavicule, il m'a dit. Hein. Ah bah, il a très mal. Ouais. À mon avis, il doit dormir comme un porc là. Oui, c'est possible. Ouais, parce que je viens de l'appeler, il répond pas. Bon, Cédric. Il est sous cacheton. Les nouvelles très vite, ils se droguent. Vous savez qu'ils se droguent. Ouais, attention à la drogue, faites gaffe. On vous l'a fait écouter hier complètement bourré. Je sais pas dans quel état il est ce soir. J'espère qu'avant minuit, on aura des nouvelles. Bon. Pour pas répondre, j'ai la bouche pleine. Et pleine de quoi? Voilà, pleine de bites. Merci Cédric pour ce petit point. Bon, on va filer un petit coup de main à Freelance. Je vous en parlais hier soir de Freelance. Je vous avais même parlé en début d'émission. Ah, ouais. C'est les voisins. C'est un gars qui a un problème avec des voisins. Alors, je vous explique en gros. Il nous a écrit un mail. Il nous a expliqué que ses voisins, ils puaient. C'est-à-dire qu'en fait, quand il sort de chez lui, il y a tout de suite une odeur. Et il a repéré ses voisins. Il nous dit, c'est mes voisins de gauche. Les autres sont sympas et propres. Mais mes nouveaux voisins de gauche puent. Ça sent la poubelle chez eux. Ah. Faut peut-être qu'ils les sortent. Ça sent la poubelle. poubelles. Alors peut-être qu'ils ont pas compris qu'il y avait un local poubelle dans les immeubles. Ouais. Faut peut-être leur dire qu'il y avait un local poubelle. Ou alors ils ont la maladie là, des gens qui jettent rien. Le syndrome de Diogène. C'est, pas le truc. C'est, ah ça, c'est ça. Le syndrome de Diogène. Sales, ouais. C'est les gens qui qu'est-ce qu'il faut. Ils jettent rien. Ils gardent en fait, ouais, mais c'est même pas que les poubelles. Ils gardent absolument tout en fait. Ouais, tous les emballages et tout. C'est-à-dire par exemple, toi t'achètes des yaourts, les pots de yaourts, tu vas les jeter quand ils sont vides. Oui. Bah eux, ils vont les garder. Mais ils peuvent pas s'en empêcher, en fait. Mais ils les gardent sales? Ouais, ils les gardent dans la maison, ils entassent tout. Ils ont déjà retrouvé des appartements, mais Mais c'est une décharge publique, en fait, chez eux. Ah, mais ouais, ouais, mais ils avaient, là, une fois, ils avaient monté un reportage, bon, la personne était morte. Ah, bah, super, bah, c'est gay. Bon, c'est normal qu'elle ne sorte pas ses poubelles, elle, on peut le dire, elle a une excuse. Non, non, mais elle était morte, et en fait, la famille, ils l'avaient pas vue depuis 10 ou 15 ans. C'était un mec qui vivait un peu à l'écart de tout, quoi. Mmh. Et en fait, ils sont rentrés chez lui, mais genre, ils arrivaient à peine à ouvrir la porte. Tellement il y avait, ah, tellement, mais il y avait, ouais, des trucs, mais oh, genre, ouais, des journaux, mais il y avait des, jusqu'au plafond. Ils jetaient rien, quoi, en fait. Ah, mais rien du, ouais, tout. C'est ça, c'est la tout, tous les trucs que t'as, peut-être que le mec avait acheté pendant 20 ans, il les a pas achetés. Il garde. Ah bon, moi, lui, il fait pas de gaspillage, c'est bien. Ouais. Enfin, bon. Hein, le seul problème, c'est que les gens, là, ils parlaient, ils ont été obligés de réserver des bennes et tout, tellement il y avait de, oh, merdier, ouais, quoi. Et freelance, alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il a donc les voisins, et a priori, d'après ce que j'ai compris, ils sont trois sur le palier. Les voisins de gauche qui puent, bon, les voisins de droite, ça va. Peut-être qu'il peut s'allier avec les voisins de droite. Dites-nous si vous avez eu des problèmes, bah, avec des, ouais, voisins, si vous avez des voisins qui puent, par exemple. La copro. Ça peut exister. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'il peut faire dans ce cas-là? Mon voisin était bourré le week-end dernier. Il gueulait à 3h du matin et réveillait l'immeuble. Ça, ah, c'est, bah, pas mal. Merci pour ton message. Qu'est-ce que vous nous dites? Oh, bah là, t'appelles les keufs, hein. Oui, c'est vrai. À 3h du matin, tu peux. Je plains les voisins de Cédric. C'est peut-être d'ailleurs un voisin de Cédric, freelance. Ah. C'est possible. Peut-être, freelance. Ah, peut-être, ouais. Tu es peut-être voisin de Cédric. Tu n'as pas précisé dans ton, dans le mail que tu m'as envoyé. Comprends que Cédric ne soit pas joignable, là, sur ce genre de sujet. C'est possible. Ce genre de sujet le dérange un petit peu, peut-être, hein. Donc, si vous avez, deux, trois réactions sur, des voisins qui puent, qu'est-ce qu'il peut faire freelance? Vous nous dites. C'est au 41-759 sur l'appli Skyrock pour vos messages et directement au 01-53-40-30-20 pour débarquer, dans le studio. Mais et la puanteur, ça peut, la puanteur, ça peut venir de plusieurs trucs, hein. Soit c'est les gens qui puent, et il y a des gens, des fois, ils cuisinent, mais ça pue, mais. Ah ouais, ça sent, ah ouais, t'as l'impression qu'ils sont en train de faire cuire de la merde, quoi. Freelance, il précise bien, regarde, ça sent la poubelle. Ouais, bah, c'est à mon avis, c'est, ah ouais, plus là, en ce moment, tellement il fait chaud, ta poubelle, si tu la sors pas tous les jours, c'est, ah non, c'est l'horreur. Vite, hein. Tiens, regarde, on a, les cheveux de Romano qui nous parle d'un de ses voisins, d'une de ses voisines, même plus précisément. Ma voisine du dessous, elle laisse son chien faire ses besoins et bouffer les poubelles sur le balcon. Nous, on prend toute l'odeur. Ouais, mais c'est une grosse sale. Ah, c'est dégueulasse. Sale. Moi, j'ai mon voisin, il a vomi devant chez moi un jour où il puait l'alcool. Kevin, du 79, 26 ans. Salut à toi, Kevin. Eh bien, bienvenue à ton voisin. À Émile, toi, ça va, parce que c'est qu'épisodique, sauf s'il est bourré tous les jours. Mais c'est vrai qu'un voisin qui pue, ça, c'était... Ah, bah bon, ça casse les couilles, il y a le mec qui vomit sur ta porte. T'aimerais pas, toi, Romano? Ah non, non. Mmh. Ah non, moi, non. Non, ça ferait pas plaisir. Non, je pense que j'appelle une fois de plus les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, tout de suite. Tiens, mes voisins ont déjà laissé la merde de leur animal sur le palier, nous dit Hichem Futur. Ah non, dégueulasse, putain. Salut, Hichem. Moi, ma voisine, elle laisse ses poubelles dans le hall. Eh non, on a aussi, on a un voisin qui fait ça, là. Qui laisse ses poubelles toute la nuit. L'autre jour, il a mangé un truc chinois. Il a laissé les poubelles juste devant l'appart du morning, à l'étage. Nous, on est arrivés, mais ça puait la... Ça sent fort, hein. La mort, quoi. Ça peut être la merde. On peut dire, oui, ça peut être la merde. Il se con, il se plaint parce qu'on fume dans l'appartement et soi-disant l'odeur le dérange. Oui. C'est peut-être pour ça qu'il fait ça, non? Il se venge. Oui, non, mais bon, attends, ça va. On est chez nous, on fait ce qu'on veut, quoi. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Va pas nous casser les couilles, tu vois. Et en plus, comme vous faites bien de le préciser. Qui t'emmerde avec la cigarette, si en plus, à l'intérieur de chez toi. Mais tiens, en plus, il dit, ouais, ça sort par le balcon alors qu'on fume jamais sur le balcon. Donc, non, on fume à l'intérieur, nous. Voilà, ouais. Ah oui. Bon, en tout cas, si vous avez des problèmes de voisinage, comme promis pour freelance, vous nous laissez vos messages et vous débarquez ici en direct. Les familles du double appel, elles arrivent aussi. Et puis là, on a Bartek qui s'ouvre le match avec nous. Tiens, je l'ai pas dit. Ouais. Direction la Champions League. Et le Champions League. Ouais, ouais, c'est le Champions League. Pa. Direction le Parc des Princes. Salut Bartek. Bienvenue. Ouais, Bartek. Bienvenue à toi, Bartek, en direct du Paris, du Parc des Princes, en direct de PSG Arsenal. Tu vas suivre ça avec nous, Bartek, hein? Ah ouais, carrément, je suis carrément pour vous. Ouais. Très bien. Toi, t'es PSG, toi? Ouais, bah carrément. C'est marrant, je le sentais dès le début qu'il était PSG. Oui. On salue les supporters du PSG qui nous ont laissé des messages déjà depuis le début de l'émission. But à la première minute, on va gagner, nous dit Marquinhos fan. Salut Marquinhos fan. Il y a Estar qui nous laisse un message aussi, qui nous dit vive le parc vive le PSG. À lui aussi, il est au parc, mais toi on n'a pas réussi à te joindre. C'est marrant, quand on t'appelle, ça sonne pas en fait. Bon, Bartek, toi t'es avec nous. Dès qu'il se passe quelque chose, tu nous fais signe, tu nous tiens au courant. Ah, y a pas de souci. Et en direct du parc, nous, Sky Reporters, nos envoyés spéciaux ce soir. C'est la Champions League. Champion, mon frère. Papa. Champion et Champions League, plus précisément. Bien sûr, mon frère. Ça va. Bah écoutez, moi, ça va. Content d'être avec vous. Dès que vous avez un truc à dire, vous profitez, vous pouvez réagir à l'émission, allez-y. Il y en a qui sont en train de se faire la partie sur FIFA. Bonne partie sur FIFA. Tiens, je vous l'annonce, vendredi, on fera un morning spécial PlayStation. Il y a la PlayStation Slim qui sort, la nouvelle. Ouais. Eh bien, vendredi matin, on va vous la filer, elle sort vendredi. Donc, vendredi matin, morning spécial, spécial FIFA. Spécial FIFA, aussi, non, spécial. Ah bah, je sais pas si on en aurait une. Ah bah, normalement, il faut nous en donner pour qu'on teste et qu'on dise si elle est bien ou pas. Ouais, mais alors, je m'adresse à Monsieur PlayStation. Monsieur PlayStation, donne-nous une console. Envoie les consoles. Salut, ouais, Monsieur Sony. Truc, j'ai allumé la PlayStation. J'ai entendu, Romain, Elle est allumée. Oh, magnifique. Donc, magnifique, vendredi matin, on vous file la nouvelle Play à gagner sur Skyrock. Vendredi, matinée spéciale pour les fans de la Play et pour les autres. Et sinon, vous aurez droit à vos 1 500 € comme tous les matins. C'est encore tombé deux fois. Et ce matin, on est le premier gagnant de Strasbourg. Je suis content parce que ça fait pas longtemps qu'on est mis à Strasbourg. Ouais. Et déjà, ça écoute Skyrock. Bravo Strasbourg. Bravo l'Alsace. C'est tombé à Strasbourg ce matin à 8h30, je crois. Et c'est tombé même chez Philippe. Et puis c'est tombé à Toulon chez Abdou. On salue Abdou. Ouais. Et on salue Philippe. Les 1 500 € pour les gagner. Bravo. Bah vous répondez Skyrock dès qu'on vous appelle. Skyrock. Et ces 1 500 € dans la poche. Et sinon, vous pouvez même vous inscrire au 720-20. Vous envoyez 1 500 au 720-20. Pour augmenter vos chances de gagner. Et c'est ce qu'avait fait Abdou, je crois, ce matin. Vous inscrivez, vous gagnez. Et ces 1 500 € dans la poche. Ça fait du bien. Bravo Strasbourg. On est beaucoup à vous écouter à Strasbourg. Nous dit Dean sur SMS. Ben c'est gentil, Dean. On salue Strasbourg et la France entière et le monde entier. Et on va saluer Nathan de Nancy. Ah, puis dans un instant, les familles du double appel arrivent. On va double appeliser la France. Ah. Oui, a priori, elles sont prêtes. Je vois déjà des numéros de prêt sur la ligne 7, sur la ligne 8. Ouais. Il y a les familles en stock. En général, c'est les lignes qui sont réservées aux familles qu'on appelle. C'est ça, ouais. Vous n'avez pas d'autres numéros de familles qu'on les appelle pour leur dire que ça pue, pour essayer d'arranger les choses? Ouais, il y en a, t'inquiète. Parce qu'il y a plusieurs messages qui me disent par rapport au mail de Freelance que je vous lisais tout à l'heure, qu'il faut discuter avec la famille. Ah bah, ouais, oui, bah oui, bien donc, sûr. La famille, le voisin qui pue en gros. Hein. Non mais moi je pense qu'il faut même porter plainte à la copropriété. Tu irais pas discuter d'abord toi Marie, toi tu irais direct porter plainte. Marie, bah, c'est parti pas. Elle, c'est direct elle balance Marie. Eh ben j'ai porté plainte, d'ailleurs je vais aller voir la DGST. Ouais, non, mais je pense qu'il a déjà essayé de laisser un mot quand même. Et le FBI aussi. Bah, en même temps c'est pas évident de dire à ses voisins, bon excusez-moi de vous le dire, mais vous puez sacrément. Non, ou alors faut laisser un petit mot. Eh bien on va essayer tout à l'heure, préparez-vous, trouvez-vous des familles, on va les appeler, on va leur expliquer que bon on habite à côté de chez eux et que... Ça schlingue. Histoire d'aider un petit peu Freelance qui nous a envoyé son message tout à l'heure. Là. Ça pue la merde. Il y a Nathan qui est avec nous, qu'on va prendre en direct. Justement, c'est pour ça, je crois, en plus, qu'il nous appelle Nathan. Salut Nathan. Salut Romano. Salut Nathan. Non, mais dis donc, et moi, on me dit pas bonjour. Oh, bonjour. La jalouse. Bah, bonjour. Je dis salut Nathan. Vas-y Romano, dis-moi bonjour. Salut Difool. Salut Samy. Ouais, salut Nathan. Salut. Redis-moi bonjour. Salut. Salut Marie. Salut. Bon. C'est qui toi, tu dis bonjour. Bon alors Nathan, dis-nous, toi, c'est, par rapport à tes voisins, t'as des voisins qui puent aussi toi? Ouais, dès que je sors, ça pue la merde et tout là. Ah toi c'est la merde. Lui c'était les poubelles. Hein. Si vous venez juste d'arriver, Freelance, lui il a des voisins, il pue les poubelles, il sait pas trop quoi faire. Et toi donc... Du coup on a porté plainte et il a déménagé. Ah oui, donc toi t'as fait la méthode Marie. Voilà, t'as tout compris. D'accord. C'est marrant, je vous trouve un peu rude quand même ce soir. Non, mais je pense que le mec avait l'intention de déménager parce que moi, pour avoir fait chier des voisins non-stop pendant quelques années. Ah ouais, mais moi, je faisais le bordel aussi pour qu'il dégage, tu vois. Ouais, c'est peut-être plus ça parce que tu sais, c'est vachement dur d'expulser quelqu'un. Ouais, surtout ouais. Pour ce genre de motif, quoi. Surtout quand il est plus grand que toi. Ah, mais je faisais le gros bordel, je sonnais à sa porte, je me cassais et tout. Ouais, en fait, tu lui as fait la misère, le mec. En fait, tu l'as harcelé, donc il s'est barré au bout d'un moment. Ah là, t'as tout compris. Ce qui est bien, c'est quand il y a un interphone en bas. Ouais. T'appuies sur l'interphone, ouais. Après tu pars en courant. Bah, c'est ce que je faisais, je partais. Ah, t'avais l'interphone en plus, super. Donc l'interphone, plus la porte. Et donc le mec s'est barré, mais parce que c'est quoi? C'est tes parents qui ont porté plainte? Ouais. Et mais c'est quoi? T'es en maison ou t'es en appartement? Appartement. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est ça. Mais t'avais pas laissé un mot avant? Et Marie qui essaye de se rattraper, là. Tout à l'heure, la première idée qu'elle nous donne, elle va voir les keufs porte-plainte contre ces cons FBI. C'est clair. Non, va voir la CIA, va voir un truc, là, Grashom, là. Premier truc que je ferais, c'est de laisser un mot, et si ça s'améliore pas, ouais, je vais voir la copro direct, hein. Voilà. Donc, tu laisseras un mot, tu iras pas leur parler, toi. Non. Ouais. Et tu sais pourquoi, oui, mais toi, de toute façon, t'as géré, toi. Oui, bah, de toute façon, toi, tu sais pourquoi ils puent, tes voisins, toi, Nathan? Non, pas du tout. Bon, en fait, ça doit être des crânes. Mais pour que ça pue la merde, ils ont pas des chiens, des chats. Si, ils ont un chien. Ah, à mon avis, chien. Je suis partout, ouais, je sais pas. Il doit chier à la maison. Mais ça, c'est des porcs, les gens. T'avais pas vu à la télé, dans C'est du propre, là? Ouais, c'est ça. Dans C'est du propre, il y avait des gens, ils avaient des chiens, ils gardaient. Ouais, ils sur le lit, ouais. Ils gardaient les merdes de leurs chiens, il y avait plein de merdes de chiens dans leur chambre. Mais ils dormaient dedans? Non, mais même sur le lit, hein. Moi, j'ai déjà vu un. Les gens, ils dormaient dans la merde. Ah ouais, ouais. Ouais, ça les dérange pas. Bon, tu sais, ils étaient dans un tel état. C'est vrai qu'à un moment donné, ils pouvaient même se rouler dedans. C'est vrai. Et t'imagines, pour avoir l'idée d'avoir une maison dégueulasse, bon, déjà, c'est limite, mais appeler M6 pour dire, ah bah, je sais pas ce qui se passe, ma maison, elle est dégueulasse. Eh bah, déjà, arrête de faire chier ton chien dans la chambre. Bah, ouais. Hein? Non, mais ça, c'est, pour moi, c'est très l'animal. Ah, c'est quand on est rendu à ce stade. Ah oh, ouais. Moi, je fais caca dans mon ben. Ouais, bah, écoute, chacun son délire. Ah non, bah, je sais pas, un chien. Mais c'est logique, je sais pas, de le sortir, quoi. Ah bah déjà, ouais, pour le chien, oui, c'est vrai. Non, mais ouais, mais même pour toi, quoi. Tu sais, il chie forcément, à un moment donné, il va chier dans la maison. Et après, ouais, t'as du caca partout. Ils avaient du caca dans leur chambre. Ah, le caca, c'est bon. C'était des porcs. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Le caca, c'est bon. Ouais, bah, le caca, c'est bon. C'est bon, ça pue, Cédric. Donc, toi, la méthode simple, donc tu as porté plainte. Ça, c'était la méthode de Nathan. Merci, Nathan, pour le coup de fil. Appelez-nous si vous avez d'autres méthodes. 41759, skyrock.fm. Et puis, au 01 53 40 30 20, vous nous passez un coup de fil pour les solutions pour Nathan. Nous, on va essayer de dialoguer avec des familles. On va leur passer un petit coup de fil et puis on va leur demander s'ils pourraient pas faire 2-3 efforts parce que c'est chez eux, ça pue. Ouais, ça pue. Ça, en général, ça met les gens à ça. Ils aiment pas trop. Ouais. Voilà, c'est une méthode que t'auras peut-être pu utiliser, Nathan. Mais bon, tu t'en es débarrassé. Bien joué. Bravo, Nathan. Ouais. Malheureusement, bravo, c'est des gens qui les ont récupérés, ouais. Quoi. Eh ouais. Bah, on te remercie, Nathan. Et, Merci. Et on t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison et tu reviens quand tu veux. Salut Nathan. Ciao Nathan. Salut Nathan. Le Nancéen est double appel sur Skyrock. On attend d'en faire un petit. Allez, double appel, on y va. J'ai jamais appelé, j'ai jamais rien fait, hein. Ah bah moi non plus, je connaissais même pas votre numéro. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Votre ligne est piratée. J'entends qui a été piraté, c'est quoi ça? Ouais, bah moi aussi j'ai entendu. Le double appel de Default sur Skyrock. J'ai une bonne vie. Merci Patrick. La dame était choquée. Et c'est nous les pirates des ondes, les pirates des téléphones ce soir. C'est parti avec les numéros que vous nous envoyez au 41759 et sur la piste Skyrock. Eh, vous avez plein de trucs à faire dans l'émission. Hein. Vous réagissez à tout ce qu'on dit. Vous nous demandez tout ce que vous voulez. Et si vous avez des numéros que vous voulez qu'on appelle le soir, on peut le faire maintenant avec les familles du double appel. Est-ce qu'on est prêt? Tu vas chez qui, Samy? Vas-y, c'est parti chez Laurent. Chez Patrick. Laurent et Patrick, ligne 7 et 8, c'est ça? Ok. Yes. Allez, ok. Et Patrick, le nôtre, est prêt. J'ai même les joueurs du PSG avec nous. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va bien. Et j'ai Cédric aussi. Allô? Allô? Allô? Allô, oui. Allô? Oui. Oui, j'écoute. Allô, allô? Ça va. Allô? Oui. Allô? Des blagues téléphoniques, ça. Ah non, allô? Non. Alors, madame, faut arrêter vos blagues téléphoniques, madame. Est partie, merde. Ah, c'est et oui, au dernier moment, on a essayé de la rattraper, mais ouais. Elle n'était pas rattrapable, la dame. Bon, une autre famille, chez qui qu'on va? Vous êtes piraté. J'ai fait des essais, hein, techniques. On va dans le 01 dans un même bâtiment. Très bien. C'est Audrey qui nous a donné. Donc, c'est des voisins. On va dans le 01 chez des. Ah bah, chez des voisins, tu vois. Voilà. Allô? Allô? Ah. Oui? Oui? Allô? Ah oui, je vous entends mal. Bah, moi aussi. Mon téléphone marche très mal. Ah bon? Oui. Qui êtes-vous? Allô? Oui. Alors, vous êtes qui? C'est toi, René? Ah non, pas du tout. Ah bah, qui êtes-vous, monsieur? Ben non, mais c'est vous qu'on demandait. Pourquoi? Ben, je sais pas. Ben, c'est vous qui m'appelez. Mais non, monsieur, c'est vous qui avez sonné. Ah, pas du tout. Ah ben, si, monsieur, ça a sonné chez moi. C'est pour ça que j'ai répondu. Ah ben, moi, je viens de répondre à un coup de téléphone qu'on m'a donné. Ah bah écoutez monsieur, c'est ben moi ça a sonné, c'est pour ça que j'ai décroché, sinon je décroche pas d'habitude. Eh ben moi aussi c'est pareil, et puis là j'ai surpris. Ben moi aussi, si j'ai décroché. Oh là, vous avez des chevaux? Ah pas du tout, non. Bon écoutez les chevaux qui j'ai. Non mais à mon avis, il y a eu une erreur de téléphone. Il y a un autre qui est sur la liste, qui est sur le fil. Ah oui parce que. Oui mais les chevaux aussi devant la télé. Mais écoutez, monsieur, j'entends les chevaux qui hurlent alors. Ben oui, oui, mais c'est pas chez moi. Mais écoutez, je ne sais pas. Là, oui, je ne sais pas. On a deux autres personnes sur la ligne. Mais écoutez, je ne sais pas. Là, on m'a appelé, j'ai répondu, oui. Allez, au revoir. Allez, au revoir, monsieur. Au revoir. Voilà, voilà, madame. C'était mignon. Moi, je les ai trouvés mignons. Allez, les chevaux. Ils étaient mignons tout le temps. Mais j'adore la phrase, c'est de la femme. Ah, j'ai un téléphone, mais d'habitude, je ne décroche pas. Mais ça sert à quoi d'avoir le téléphone? C'est clair. Eh bien, ça ne sert à rien. Et là, heureusement pour nous, elle a décroché. Bah, exceptionnellement, j'ai décroché. Et il y a des chevaux. Ouais, j'entends des chevaux derrière. Moi aussi, j'entends des chevaux. Tu peux pas les rappeler? Ouais, vas-y. Vas-y, on va essayer. Ouais. Pour une fois, on a un bon contact. Ouais, bah, vous avez des chevaux. Ouais, ils étaient sympas tous les deux. Oui, ils étaient sympas. Donc on est dans le 01 là, ouais, ce soir. C'est toi, René? C'est toi, René? Elles habillent sympas, la dame. Alors, René, c'est toi. Allô? Allô, oui? Ah. Oui? Ah ben, c'est toujours pareil? Mais qui est-ce qui est au téléphone? Allô? Oui, qui est au téléphone? Ben, c'est le monsieur que vous avez eu tout à l'heure. Mais enfin, ça sonne chez moi, pour quelle raison? Moi aussi, on vient de m'appeler. Mais moi aussi, ça sonne chez moi, voyez? Voyez. Vous êtes où, vous, dans quelle région? À Villarézon. Dis-moi, je suis à Birieux. Ah ben, c'est un peu fort, ça. Eh ben oui, ça sonne chez moi, vous voyez. Eh ben, il y a une personne qui appelle, hein. Mais il doit y avoir un problème sur la ligne, on doit être mis en... Oui, moi, je suis monsieur de Villard. Vous entendez les chevaux? Oui, ben oui, je les entends, oui. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Des chevaux. Mais j'en sais rien. De moi non plus, oui. Et vous êtes de Birieux? Moi, je suis à Birieux, oui. Mais moi, j'habite juste en face, je suis au vers le parc ornithologique, monsieur. Oh là là. Moi, je suis madame. Hein? Madame? Ouais, ben moi, je... Vers le parc, là-bas, vous êtes? Comment? Vous êtes vers le parc? Oui. C'est pas vous qui vendez les saucissons? Non, c'est mon oncle. Sur le marché, à Villard. Ouais, c'est mon neveu. Oui, c'est votre neveu, oui. Mon cousin Germain. Oula. Salut les filles. Ben oui, mais moi je me sers là-bas, c'est vous ça, monsieur. Mais vous voyez, on entend une personne qui parle en même temps que nous. Ben oui, mais on n'entend rien, on n'entend que les chevaux. Ouais, ben moi j'entends parler quelqu'un. Écoutez, on va raccrocher, puis moi je ne décroche plus. On va raccrocher, puis on va laisser faire. Allez, au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Oh, ils étaient mignons, ils vendent du cochon. Ah ouais, ils vendent du cochon. Eh ouais, c'est mon cousin qui vend du saucisson. Allez, voilà le saucisson, bah je me sers là-bas. Bah oui. Eh, vous avez vu le monde des petits. Ah, le monde des petits. Vous allez voir demain quand ils vont se rencontrer au marché. Ah bah guignon, vous m'avez appelé hier soir. Hein. On a bien tapé la discute. Bon, ils étaient mignons tous les deux là. On était dans le 01. Si vous avez d'autres numéros à nous laisser pour le double appel, n'hésitez pas. Bah oui, je suis habilleux. Oui, j'achète du saucisson. 41-759 sur l'appli Skyrock. Trop fort le cheval derrière. Oui, t'étais pas mal. Remercie également la participation de Cédric, qui est toujours là, même quand il n'est pas là, et ça fait plaisir. Bonjour. Salut les filles. Salut Cédric. Salut les filles. Le gars avait la même voix que Marge Simpson, nous dit Zach d'Avignon. Ah, vous trouvez qu'il avait la même voix que un peu. C'est bizarre pour un homme avoir la voix de Marge Simpson, c'est vrai que c'est pas clair. Super. Être emmerdé quand même. Pour une femme, tu vas me dire, c'est pas super non plus. Hein. Oh merde. Ouais. Déjà moins pire que pour un homme. Oui, c'est Marie, elle est pas loin. Hein. Ouais, Marie, t'es pas loin d'avoir la voix de Marge. Pas le faire, moi. Et Cédric, il a le physique d'Homer. C'est magnifique. Ouais, magnifique. La famille Simpson dans l'équipe, quoi. Les yeux, le ventre. Oui, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est vrai que tu le peins en jaune, c'est un Simpson. Ouais. C'est vrai, ça va. Il faudra qu'on l'essaye un jour. Oui. Le peindre. Quand il revient de sa maladie, de sa clavicule, parce que vous savez que Cédric a la clavicule cassée. Voilà, j'ai mal à la clavicule. Oui, je sais que tu as mal à la clavicule, Cédric. Eh bien, on pourrait. Pourquoi ne pas le plaindre? On a déjà prévu hier soir de faire une soirée. On va fêter ça avec de l'alcool. Mais avec modération, vous nous connaissez. Bien sûr. Et puis on fêtera peut-être ça en le peignant en jaune et en faisant un Simpson, ce serait super. Mais une fois on l'avait vu jaune, il était malade, il était tout jaune. Ah ouais, il avait la jaunisse, on dirait. Ah. Tu te souviens? Si Cédric pouvait faire une petite jaunisse en plus de sa clavicule cool, hein, comme ça, il cumule. Bon, merci pour tous les messages, il vous a plu, double appel. Merci à Kenza, merci à Akito, merci à Claudia, merci à Cassius Clay qui vient d'arriver. Salut Cassius Clay. Ouais, c'était sympa, ouais. Ouais, sympa les familles. Si on a le temps, on s'en fera un autre avant minuit. Dans un instant, justement, problème de voisins à gérer. Vos témoignages par rapport aux voisins de freelance. Il a des voisins qui puent. Eh bien, vous êtes nombreux à avoir des voisins qui puent. Hein. Il y a des voisins qui mangent du poisson tous les vendredis et ça pue dans tout l'immeuble. Message de Vac sur SMS. Salut à toi, Vac. Ah oui, le vendredi, pour certains, c'est poisson. Ouais, c'est vrai. Bah, ouais. Voilà. Eh bien, c'est poisson pour tout l'immeuble. T'es contente? Ouais, c'est super. Bon, vos réactions, vos témoignages, racontez-nous tout ça et puis vos idées pour aider Freelance. Et on aura même Alex dans un instant en direct avec nous. Salut Alex. Salut, Alex. Alex du 51. Oh, la grosse voix. Ça va bien. Essaye de faire le lover, Alex. Mais c'est bien, Alex. Bon, quitte pas, reste avec nous. On se fait un petit Joule. Eh, ça marche fort ce soir. Radio Libre avec Joule et mon bijou. C'est mon bijou. Joule en concert avec Skyrock. À pas louper. Les places sont en vente depuis aujourd'hui, d'ailleurs. Hein, si vous voulez vos places pour aller le voir à Marseille, pour aller le voir à Amnéville, pour aller le voir à Nantes et pour aller le voir à Paris. Joule, sa tournée démarre. Et c'est évidemment une tournée Skyrock. Il arrive, le Joule. Il va mettre le feu. En 2017, Soprano choisit encore Skyrock pour sa nouvelle tournée dans toute la France.

Je suis fou de toi, je veux mon bisou. Dans mon bisou, oh, oh. Dans mon bisou, oh, oh. T'es mon bisou. Je suis fou de toi, je veux mon bisou. Sur Skyrock, le son de Jul et Jul en concert avec Skyrock, qui passe à Paris, qui démarrera par Marseille et il ira à Amnéville et à Nantes. Ouais. Les places sont en vente déjà dès aujourd'hui. Jul sur Skyrock, concert Sky. Radio Libre. What the fuck, 21h minuit sur Skyrock. Eh oui, plein de sons à écouter ce soir. Qu'est-ce qu'on a prévu pour vous avant de revenir aux voisins, les livoisins qui puent? Ah ben on a du son qui déchire. Écoutez bien. I'm ready to go. Go, go. Pitbull et Florida, écoutez tout à l'heure. Dale, dale, carico, carico. Green Lights. Ah bah c'est le prochain son qu'on va écouter tout à l'heure sur Skyrock. Qu'est-ce qu'on écoutera d'autre ce soir? Ah, il y a du Alonso qu'on vous a prévu pour ce soir. Hein. Gros son d'Alonso, c'est Binta. Rihanna qui était aussi en concert avec Sky. Rihanna et Calvin Harris à écouter avant minuit. Oh, mais Rihanna est avec nous ce soir. Salut Riri. Skyrock. C'est nous Skyrock. Ah, et puis un petit PNL aussi. Skyrock. Et PNL à écouter sur Skyrock. J'aime bien PNL, hein, c'est ça. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Fire. Et si on a de la chance, si on a de la chance, si on a du temps, surtout on se mettra un petit Drake. On verra le Drake qu'on se passera ce soir. Je sais pas pourquoi je déraille. Je suis QLF, ça c'est le son de PNL et du Drake aussi à écouter d'ici minuit. Restez bien dans le coin. Tout ça c'est pour nous, on en profite tous ensemble et on profite également de tout le reste. Et si vous avez le moins de soucis, on peut même résoudre des problèmes. C'est la Sky Solidarité. À n'importe quel moment de l'émission, ça arrive. Regardez, Freelance, on devait le prendre hier soir, on s'en occupe ce soir. C'est les voisins qui puent. Son voisin pue les poubelles. Il y a un instant, on a eu le témoignage de Nathan avec des voisins qui puent la merde. Bah, il les a fait déménager lui. Oui, il les a fait déménager. Cache comme ça. Et tiens, en parlant de voisins qui puent la merde, je salue Braza du 80. Qui dit mon voisin pue la merde. Quand il prend l'ascenseur, je dois attendre 10 minutes pour que l'odeur se dissipe. Peut-être que le mec, il y a un continent, peut-être que le mec il se fait caca dessus. Sur moi, une fois, je m'étais chié dessus. Je sais, Romano, tu as également, toi, un continent. Tu prends tes couches confiance. Non, mais non. Ah, pas de couches. Non, mais j'avais un problème à une période, ça fait un moment que ça m'a pas pris. Je me chiais dessus en voiture. Oui, c'était un cool, comme ça, un délire. Un stress comme ça qui lui faisait. Un trouble panique. Écarter le trou du cul, c'est ça. Ah non, mais j'avais une envie de chier carabiné. En général, ça commençait par des paix. Salut. Salut les filles. Voilà. Salut les gars. Salut les filles. Voilà. Voilà, tranquille. Et à un moment donné, j'avais une envie de chier, mais je pouvais pas m'en empêcher. Et peut-être une dizaine de fois, je me suis chié dessus dans ma voiture. Mais t'étais content? Non, content, non. T'avais honte? Ah bah, j'étais tout cacaouteux, quoi. Oh, il était cacaouteux. Cacaouteux. J'étais tout cacaouteux. Oh, le pauvre. Et un jour, je suis arrivé dans mon immeuble. Et j'attendais l'ascenseur. Et il y a un mec qui est arrivé dans le hall. Et il me dit, il monte dans l'ascenseur. Et moi, je pue la merde. Oui, il dit, mais t'as pu la merde ici. Non, non, mais j'ai dit au mec, monter tout seul, j'avais trop honte. Et si je montais avec lui, le mec, il aurait fait un malaise. Ça, ça arrivait plein de fois à Cédric où il pète quand il rentre dans l'ascenseur, puis l'ascenseur s'arrête parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'appelle. Oh non, c'est pas moi. Et à ce moment-là, Cédric est tout seul, il est là. Oh là, mais je sais pas ce qui se passe, ça pue. Oh, oh ça pue la merde, j'ai l'impression que ça sort de mon. Genre, il se fait pas capter du tout. Non, du tout. Bon, Champions League. 1-0. C'est la mi-temps entre le PSG et Arsenal. PSG qui a marqué la première minute avec Cavani. Cavani qui en a loupé 2-3, on nous a dit là, il y a des messages. Il a loupé 2, ouais, exactement. Ah, 2, oui. Mais bon, tranquille, c'est lui qui a marqué. 1-0, ça va. Très bien. Bon, 1-0 pour le PSG, il nous reste une mi-temps. C'est la Champions League. Et le match à suivre ce soir en direct sur Skyrock. Elle est bien cette musique, elle me va bien, je trouve. Ouais, magnifique. Je pourrais arriver comme ça tous les soirs et tous les matins. Bonjour, bonjour à tous. Tiens, une info-foot de mes couilles sur ton nez. Ah. Bonjour mes couilles sur ton nez. Il y a la démo de FIFA 17 qui est dispo. Yeah. Soyez là vendredi. Si vous aimez les consoles, vendredi on vous file la nouvelle PlayStation. C'est la vendredi matin. Slim. Ouais, la Slim. Et on vous offrira également le nouveau FIFA. Je vous le dis comme ça, je voulais pas vous le dire ce soir, mais bon. Tu m'as un peu titillé. C'est qui a envoyé le message? Mes couilles sur ton nez. Tu m'as un peu titillé, mes couilles sur ton nez. En plus j'ai un gros nez, tu peux avoir des grosses couilles avec moi. Donc vendredi matin on vous offrira vos places pour aller voir vos places. On vous offrira votre PlayStation. Ouais, la PS4, nouvelle, la Slim. Slim, ouais. Plus pour le jeu, donc. Et FIFA 17. Voilà, et pour les places, et ben, des places, il y en a à gagner tous les matins, c'est même toute la journée, et c'est même ce soir aussi avec nous pour aller voir Soprano. C'est le concert de la semaine dans la roulette, Soprano, ouais. La tournée de la semaine, puisqu'il tourne dans toute la France. Bon, on va prendre des nouvelles de Mehdi qu'on a eu jeudi dernier avec nous dans l'émission. Il nous avait appelé pourquoi, Mehdi? Il avait baisé avec une de ses voisines. C'est la daronne de sa voisine. Ah, qui était tombée amoureuse et il savait pas quoi en faire. Ouais. D'accord, on va voir s'il a suivi nos conseils. Il avait 4 gosses, il a suivi tout conseil, je crois. Putain, on est dans les soirées voisins ce soir sur Skyrock. C'est vrai, vous avez entendu les familles. Les familles habitaient à côté, elles se connaissaient. Ça c'était pour le double appel. Vous avez entendu le mail de Freelance. Ouais, lui, il a des problèmes avec des voisins qui puent la merde. Et Alex arrive pour témoigner là-dessus. Et Mehdi va nous raconter qu'est-ce qui se passe avec sa voisine qui baise. Voilà. Ouais. On va avoir des nouvelles. Avec un peu de chance, elle pue la merde, on a fait. Ah ouais, là, c'est la totale. Mehdi, t'es là, Mehdi? Oui, je suis là, l'équipe. Elle pue ou pas, la voisine? Est-ce qu'elle pue la merde? Non, elle pue pas, non, elle sent bon. Oh, tant mieux. Ah, elle sent bon. Tant mieux pour toi, tu la niques quand même. C'est ça. Est-ce que tu l'as enculée d'ailleurs, ta voisine? Oh non, mais. On parle de plus la merde. Bah essaye, tu nous diras après, tu nous feras un petit témoignage, tu nous diras comment elle ça voulait, se passe. Elle voulait. Bon, tu vas nous expliquer où t'en es avec ta voisine. Bah tu vois, puisque ça t'es marche. Là, explique-nous tout de suite et on reviendra au voisin là dans un instant. Alors comment ça s'est passé? Pour résumer l'histoire, bon, on l'a résumé, hein. T'es une voisine c'est une copine de ta mère en plus, hein. Voilà, c'est ça, ouais. Ce qui est important voisine, dans le témoignage. Donc voilà, c'est la voisine du premier étage, moi j'habite au 4. Oui. Et on a couché ensemble, quoi. Oui. Tout simplement. Donc un jour, elle était à sa fenêtre et elle t'a demandé de venir, c'est ça? Elle m'a appelé, elle m'a dit de monter pour discuter un petit peu avec elle. Ah, et sauf qu'elle s'est attachée, on m'en parle une heure, quoi. Elle s'est attachée à moi et du coup. Ah oui, elle t'appelait elle t'appelait mon homme. Ah non, elle cherchait un daron pour les petits. Elle t'a pas dit mon amour aussi? Ouais. Non, elle a dit pire, elle a dit mon homme. Mon homme. Ah, ouais, ah mon homme. Ah le papa de mes enfants. Ah, putain, oh, le truc qui fait flipper. J'en ai 23. Ouais, vous avez 12 ans d'écart tous les deux. Et elle a bien 4 gosses, c'est ça? 4. Ouais, c'est ça. 4 gosses. Ah, bah, elle a carburé. Et alors, heureux, le nouveau papa? Absolument. Qu'est-ce qu'on t'avait conseillé? On t'avait donné quoi comme conseil? Adopter les enfants. Tu m'as dit va la voir et tu lui dis que t'es terminé, quoi. Sauf que ce week-end, je l'ai croisée. Oui. Et je t'ai écouté et elle m'a menacé. Et de quoi? De dire à ta mère, non? Elle m'a dit clairement, quoi. Elle m'a dit, écoute, elle m'a dit, tu vas le payer très cher. Attends, laisse parler Mehdi, je n'ai pas entendu. Attends, j'ai pas compris, Mehdi, ouais. Alors que tu elle dis, m'a dit, tu parles à Gwynet, bravo Diffoul. Alors pourquoi bravo Diffoul? Bah parce que moi je vais vous dire, vous n'avez pas compris. Moi je vais vous expliquer. Diffoul a donné une méthode claquée qui n'a absolument pas fonctionné. Elle n'était pas du tout claquée, ma méthode. Bah c'est si, la preuve. C'est Mehdi qui l'a mal mise en place. Raconte bien. Vas-y, alors Mehdi, alors qu'est-ce qui s'est passé? La meuf, t'as été la voir, tu lui as dit stop. La fameuse méthode de Diffoul. Ouais, je le croisais dans mon Porsche. Je lui ai dit, faut qu'on discute. Elle m'a dit, tu veux parler de quoi? Je veux, faut qu'on discute de tous les deux, quoi. Mm-hmm. Bref, j'étais classé avec elle. J'ai dit, écoute, voilà, on a passé un moment ensemble. Maintenant, voilà. Méthode de Diffoul. Voilà, c'est ça, tout à fait. Vas-y, moi je passe la ligne. T'en bouge pas. Elle m'a directement répondu. Elle m'a dit, si tu mets une croix à cette petite relation, à ma vie, tu vas payer très très cher. Eh ben bravo, Diffoul. C'est du tag. Toi. Elle a claqué la porte de ma voiture. En même temps, il pouvait pas savoir que c'était une dingue. Ouais, très mauvaise méthode. Qu'est-ce que tu veux qu'elle te fasse payer très très cher, cette dingue? Bah ouais, elle va faire quoi? Je sais pas du tout. Elle va aller voir ta mère et dire, ouais, il m'a baisé. Elle va aller voir ma mère. Bah, elle va passer pour une salope. C'est pas vrai, ouais. Une folle, bah oui. C'est elle qui va passer pour une salope. Bah ouais, tu dis, c'est pas vrai, j'en ai de la main. En tout cas, elle est prête à tout, hein. Bien joué, Diffoul. Ta gueule, Diffoul. Au moins, j'ai donné une idée, dis donc. Ah bah, t'aurais mieux fait de fermer ta gueule. J'étais obligé d'être tampon, quoi. T'es obligé de quoi? D'être tampon. Non. D'être J'ai oublié. D'être son cou. Ah ouais, mais t'es malade ou quoi, tu lui dis pas. Bah oui. Ah, méfie-toi, elle va t'accueillir. Si elle est bonne, nique là de temps en temps. Oui, ça peut servir. Ouais, mais si elle est tarée, gros, laisse tomber. Bah, elle est dingue. Bah, de toute façon, ça y est, là, t'as déjà été. Mais en tout cas, les gars, moi, je vous le dis, s'il y a un problème, je vais demander à Diffoul un conseil. Alors, c'est quoi votre idée maintenant, puisque vous avez tous des idées dans les guides, vous êtes tous plus intelligents. Ah bah là, il va falloir rattraper ta méthode de merde, effectivement. Ah bah là, c'est, ouais, ça va être dur, hein, tu sais. Mais ça va être compliqué là. Mais toi, parce que c'est du quelque part, c'est presque du viol, puisqu'elle te oblige à faire l'amour avec toi au final. C'est ça, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Faut pas. Ouais, mais esquive là. Oui, moi je pense que si tu l'esquives, tu la baisses avec plus. Avec le temps, ça va passer, je pense. Bah oui. Et puis si elle t'appelle, tu lui réponds pas. Si elle te demande, tu lui dis j'ai pas le temps. Eh, voilà. Je vais te dire un truc, Mehdi. Cette nana, elle m'a pas l'air bien farouche. T'as pas un de tes potes qui voudrait bien la niquer? Ouais, c'est ça. Oh, maintenant tous mes potes veulent niquer. Tous mes potes. Bah vas-y, fais la une passe. Je sais pas. Essaye d'en présenter un sympa. Ouais. Moi je pense que bon, elle est pas regardante. Alors moi j'ai une idée. Si tu as des amis qui sont un peu en chien, n'hésite pas à les mettre en contact avec elle. Peut-être qu'ils auront envie de la baiser, qu'elle sera très contente, la dame. Ah là où on en est, à voler les méthodes des autres. Ou alors tu lui dis que t'en as parlé à ta mère et que, enfin tu vois, qu'elle est au courant. Quoi. Ouais. Et puis après elle va aller voir la mère, elle va lui faire bon bah alors puisque t'es au courant que ton fils me baise. Voilà, du coup t'as raison. Mais non, mais même si elle va le dire à ta mère, tu lui dis elle est tarée, je la connais même pas cette dame. Elle est tarée cette femme. Romano, toi tu coucherais avec une des amies de ta mère, comme tu nous l'as dit l'autre jour. Non, pas du tout, mais on en parlait, si je me rappelle, elle m'a dit. Non, mais je les baiserais pas, si tu l'avais dit. Est-ce que t'aimerais que ta mère soit au courant ou pas? Ah mais quelle horreur. Et alors si elle te menaçait, la dame, genre tu me baises ou alors je mets ta mère au courant, comment tu réagirais? Enfin la dame, la granny. La dame. Je la baise un peu. Ah, tu la baiserais quand même un petit peu. Ah ouais, donc tu le ferais. Bah, de toute façon, tu la baises une fois, c'est que t'avais envie de la baiser, donc bon, autant la baiser. Après, des fois, ça t'arrive de baiser une meuf, après, tu sais, t'as plus envie de la ken. Genre, elle te fait un truc comme ça, moi, elle me dégoûte à la meuf. Ah ouais, pareil. Elle doit te dégoûter, ouais, Mehdi, t'as plus envie de la baiser. Ta mère, ça la fout mal quand même. Mais tu dis que c'est pas vrai. Quoi. Ah, t'as pas envie de la baiser, Mehdi, maintenant qu'elle t'a fait ça, j'imagine. Franchement, ça me donne pas du tout envie, quoi. Bah ouais, quand t'es forcé. Je te dis, refile-la à un pote. Ouais, et fais très gaffe, il y a Dédé le trucker qui a 27 ans et qui nous dit fais attention parce qu'à force de la baiser, tu risques de la mettre enceinte et après c'est la fin. Ah ouais, putain, ouais, là c'est la fin. Non, mais mets des capotes. Oui, non, mais sur Couvert avec elle, oui. Et il y a Brazanov 2 qui. La première fois, j'ai tiré à balles réelles, en fait. Ah, t'es un ouf, quoi. Ah non, mais il faut mettre, une capote. T'es un ouf. Et ouais. Ah, mais attends. Le lendemain. L'hôtel va venir te voir. Ah, bah alors, j'ai une bonne nouvelle, Mehdi. On attend un enfant. Voilà, tu vas être père. Moi, c'est mon 5e. T'imagines? Non, la prochaine fois, je mets le cil en fil. Imagine, Romano, t'as par exemple que t'es mis enceinte, une meuf, un coup comme ça. Non, parce que moi, je fais gaffe. Je sais pas, l'autre dent de cheval, là. Comment elle s'appelait? Ratisha, tu vois, elle. Ouais. Bah, non, mais elle, je l'ai pas baisée parce que sa mère nous a surpris, elle l'a traitée de traînée. Elle a dit. C'est celle qui a traité sa fille de pute, c'est ça? Et qu'une traînée, tu n'es qu'une pute. Non, parce qu'en fait, la meuf, bon, je sais pas, elle avait un mec, tu vois. Ouais. Et sa mère, elle était jolie, ce bruit. Romano, je suis malade depuis un mois, donc. On a entendu la Morvelle. Tu sais, pour d'où ça vient, Romano, c'est ta clim à la maison. Non, je la mets pas trop, là. Mais t'es trop souvent à la clim. Ouais, mais c'est pour mon chien, parce qu'après, il pique du nez, sinon. Ah ouais, le chien, c'est vrai. Il a très chaud. Il a une grosse fourrure, il a très chaud. Ben non, mais la fourrure, ça le régule, mais il a quand même très chaud, tu sais, il est trop carpette et tout, donc on est obligé de mettre la clim. Alors, sur la clim, on l'a acheté que pour lui. Hein. Et ça, c'est un chien de luxe. Il boit de l'eau minérale, il mange de la dinde, et en plus, il a une clim. Ah non, parce qu'il a eu des problèmes de santé, donc l'eau du robinet, maintenant, c'est plus bon pour son ventre. Mm-hmm. Et la bouffe, tu sais qu'il faut que j'achète des croquettes, mais elles coûtent trop cher, quoi. C'est genre 60 tout, balles le sac, quoi. Ah ouais, pour ton chien, Romano, tu peux. Ouais. Ou alors, j'en veux, c'est des croquettes élevées. Non, pas élevé, mais c'est une très bonne marque. C'est clair qu'il vaut mieux acheter des filets de dinde qu'un paquet de croquettes, du coup. Non, mais il faut les deux. En fait, la dinde, c'est sa récompense quand il est sorti. Oh là là, les histoires. Parce qu'avant, il mangeait des pains au lait, mais maintenant, il n'y a plus droit. Donc si Romano tousse, c'est grâce à son chien. Et à sa putain de clip de merde. Voilà, sa putain de clip de merde, voilà. Bon, Mehdi, je sais pas quoi. Donc attends, non, mais j'ai pas fini mon histoire, du coup. De quoi? Sur Ratisha avec sa mère qui l'avait traité de pute. Ah oui. Bon, en fait, on allait dans un bar, c'était à l'île de Ré, et sa mère, c'était la propriétaire du bar. Et un soir, moi, je vais la galocher à la copine. Je vais la galocher à l'arrière du bar et je la plotte. Et je sais pas, la mère, elle est sortie, genre peut-être pour aller jeter une poubelle ou je sais pas quoi. Et elle la voit, mais elle s'est mise à hurler. Elle fait, tu sais, c'était un peu une chartière, la mère. Ouais. Elle fait, ouais, qu'est-ce que tu fais? T'es vraiment qu'une petite pute. Et tu penses à ton mec. Et moi, tu sais, j'étais en panique. Classe, quoi. J'ai retiré ma main de ses seins. J'étais comme ça. Pute. Si ta mère, elle était au courant, mais dit, ça te dérangerait? Comment elle réagirait, ta mère, toi? À fond, on va être gêné, puis après, on va limite, on me foutre à la porte, quoi. C'est chaud. Mais c'est une bonne copine à elle, c'est une super copine. C'est, c'est la voisine. C'est la voisine. Mais elle se voit régulièrement ou genre c'est tous les jours. Oui, mais bon, elle se, c'est quoi, elle se parle ou c'est genre bonjour sur le palier, tu vois. On se parle, on est ensemble. Ah merde. Ouais, vous avez confiance en tout ça, t'es dans la merde. Ah oui, ça c'est. Bah, tu t'es foutu dans la merde déjà. Et oui, c'est la merde. Ouais, non, mais bon, toi à la base, tu l'as niqué. Pour la niquer. Non, mais la meuf. C'est une cassos. Non, mais la meuf, elle avait envie de se faire niquer, t'avais envie de la niquer. Bon, voilà, c'est bien trouvé. Après, il se trouve que la meuf, c'est une timbrée. Bon. Oui. Est-ce que vous êtes déjà tombé, vous, qui nous écoutez, sur, je sais pas, sur quelqu'un que vous avez baisé, puis au final, après, vous n'arriviez plus à vous en débarrasser. Si vous avez ça, dites-nous. Bah, moi, tête de tortue. Tête de. Ah, mais oui, tête de tortue que tu avais baisé, bien sûr. Me harcelait. Bon, non, mais elle, je l'ai pas baisé non plus. Elle, je l'avais doigté au bord d'un égout. Ah, bah, tu l'avais presque baisé, Romain. À partir du moment où tu mets un doigt dedans, hein, Mehdi, à mon avis, c'est bien engagé. Hein. C'est l'engrenage. Ah, oui. Non, mais c'est à ce moment-là, je lui ai touché les tétons. Elle avait les tétons très longs et très mous. Et là, ça t'a donné envie de vomir, comme ça. Non, mais tu sais, elle me dit, viens, on va chez moi. Viens, Romain. Parce qu'elle parlait comme ça, la meuf. Viens, on va chez moi. Elle avait sa maison sur le dos. T'as nu chez moi. Et j'avais sorti une face que je me suis dit, ouais, putain, je peux pas la baisser. Tu sais, les tétons. Ouais. Mais genre, tu sais, je me les coissais entre les deux doigts, entre deux doigts, et ça dépassait. Genre des mamelles de vache. Est-ce que t'avais la chair de poule? Non, mais ça, tu sais, j'ai touché comme ça, tu sais, ça m'a dégoûté, je suis redescendu direct. Et après, j'ai pas pu la niquer. Et elle, je voulais plus d'elle, tu vois, et la meuf, elle me lâchait pas. Mon Romano. S'il te plaît, Romano, la bosse. J'étais là, non, je ne peux plus. Et c'est ça qui t'a dégoûté, les tétons. Ah ouais. Ça m'a trop dégoûté. Ah, les tétons, elle devait avoir peut-être un clito balèze aussi. Hein. Ah oui. Tu sais que j'en ai parlé avec des potes. Non, je l'ai doigté, ça allait. C'est juste les tétons qui étaient grands. J'en ai parlé avec des potes, là, des tétons cornichons, comme d'appel. Marie, elle a des conversations super avec ses potes. Alors aujourd'hui, les amis, on va parler des tétons cornichons. Je vais vous montrer le thème. J'en ai parlé aussi au repas de famille le dimanche. Ils m'ont dit comme toi que ça allait dégoûter. Ah, ça, mais c'est normal. Pas, mais quel mec aime ça du coup? Ah, t'imagines un téton en forme de cornichon. Non, mais tu vois, par exemple, j'ai remarqué Kate Moss. Ouais, Kate Moss, ouais. Elle a des tétons cornichons, elle. Ah ouais? Elle a les tétons très longs, Je suis déçu qu'elle ait des tétons longs, Kate Moss. Eh ben, elle a des tétons très longs. Ah ouais? Mais quand elle a des tétons cornichons, on peut se faire diminuer ou pas? Ouais, je pense, ouais. Oh, ils font tout, hein. T'en coupes un bout, hein. Oui, ils font tout aujourd'hui. 8 tétons. À coup de serpette là-dedans. Et hop, c'est vite fait, ouais. Non, mais j'imagine chirurgie. Ouais, chirurgie esthétique, tu l'as. C'est vrai que ça dégoûte un peu, ouais. Alors attends, bouge pas parce qu'on a une fille. Alors, je sais pas si elle a été ton cornichon, on va lui demander. C'est Dounia. Bonjour Dounia. Allô, bonjour. Bonjour Dounia. Salut Dounia. T'es en direct d'Argenteuil et t'as 23 ans et t'appelles pour Mehdi, toi Dounia. C'est ça. T'as entendu cette terrible histoire, il est obligé de baiser la dame, sinon... Ouais, j'ai entendu la première partie, donc là c'est la suite apparemment. Bah oui, oui, t'as entendu, oui. Malheureusement, mon idée géniale a été mal mise en place par Mehdi. Je t'en veux pas, Mehdi, hein, mais bon. Non, mais en fait, l'idée géniale, c'est révélé merdique. Mais pas merdique du tout, c'est une idée géniale. Non, mais elle a chié, là, mais Mehdi... Le dialogue, Mehdi, honnêtement, la méthode de Difool, elle a chié. Non, mais t'auras un cadeau, t'inquiète, hein. T'es pas peur de dire la vérité. C'est bien, n'ose pas, Mehdi, parce que le cadeau est au bout ou pas, d'ailleurs, hein, méfie-toi. Hein. Ouais, c'est clair. Attention. Ouais. Et donc, Dounia, qu'est-ce que tu voulais dire à Mehdi, toi? Bah, moi, je lui conseille, en fait, d'aller voir sa mère, tout simplement, ou même les enfants de l'autre vieille, là. Ouais. Et de lui. Enfin, bon, elle a 35 ans, dire, c'est pas non plus. Pauvre, oui, bon, voilà, quoi. Et de dire, ouais, elle me harcèle, elle me demande de passer chez lui et tout, c'est trop bizarre. Enfin, voilà, des trucs comme ça, elle va faire passer pour une folle, quoi. Donc, mais d'aller voir les enfants de la dame. Et sa mère, à lui. Mais non. Ah, d'aller mais voir sa mère, Mehdi va voir sa mère. Sa mère à lui, va voir la petite vieille, elle va avoir honte, et puis elle va se cacher, et au pire, elle va monter, elle va dire comme quoi ils ont couché ensemble, mais elle va pas le croire. Et en même temps, Mehdi va voir les enfants de la meuf pour dire, ta mère, c'est une pute. Oh non. C'est la méthode de Dounia. Voilà, c'est la merde dans toute la famille, toi. Mais on prend toutes les méthodes, vous en avez d'autres, n'hésitez pas, hein. Parce qu'il y a Asgardien qui nous dit, Mehdi, il est dans la merde. On essaye justement de le sortir de la merde ce soir. Le caca, c'est bon. Ah, mais comme ça, j'ai déjà foutu. Si c'est lui qui sort les premiers trucs avant, c'est bon. T'as jamais un mec qui t'en fait du chantage pour continuer à sortir avec toi ou à coucher avec toi? Non. Non, malheureusement. Parce que c'est vrai que j'aimerais pas être dans ta position, Mehdi. Ah ouais, c'est l'enfer. Et toi, t'as des tétons cornichons, Dounia? Non plus. Non, mais attends, ah bah tant mieux. Tu vas beaucoup exciter Romano, parce que ça lui rappellera des souvenirs, tête de tortue. Non, mais t'as bien raison d'avoir des tétons plus courts. Tiens, il y a une escorte sur Snap, nous dit Maxime, 23 ans, qui s'est fait réduire les tétons. Elle a partagé les résultats, c'était affreux à voir. Ah bah merci du renseignement. Ah merde. Elle a montré des photos. C'est peut-être ta tête de tortue, Romano, qui est devenue escorte. Après mais bon, escorte, Marie, oui. Je pense qu'elle a pas peur de sous ta poêle, hein, tu sais, c'est. Oui, c'est un peu. Ça, mais j'ai pas dit ça. C'est Karim qui a parlé. Hein. Ah bah, Karim, tu es la voix de Marie. Non, j'ai rien dit du tout, t'es complètement taré. Non, je n'ai rien dit. D'ailleurs, actuellement, je vous préviens, ce n'est pas moi qui parle. J'étais complètement ravagé. Complètement taré, ouais. C'est Karim, elle a dit, gros. C'est mon subconscient qui parle, vous ne m'entendez pas. Vous n'êtes pas sur Skyrock. Non. Peut-être que la meuf, oui, mais elle venait peut-être de faire l'opération. Après, c'est comme une meuf qui vient de se faire refaire les seins. Les premiers jours, c'est dégueulasse. Ouais, c'est vraiment dégueu. Ah oui, ça fait mal. Mais écoute, Mehdi, tu es la solution de Dunia. Merci Dunia pour ton coup de fil. N'hésitez pas, faites comme Dunia. Vous nous appelez. T'envoies le t-shirt collector Skyrock en plus, Dunia. Ok, c'est cool. Le collector, tu seras toute belle avec. Ouais, t'es pas mieux pour rien. Ouais. Il est très bien pour les filles, surtout si elles n'ont pas de téton cornichon. Absolument. Ouais, c'est mieux, ouais. C'est mieux. C'est parfait. On te fait un gros bisou, Dunia. Raccroche pas. Bisous, l'équipe. Bah écoute, Mehdi, c'est un feuilleton puisqu'on va suivre la suite des aventures. Ah ouais, c'est les feux de l'amour. Gros. Tu nous tiens au courant dès qu'il se passe un truc, c'est ça, c'est les feux de l'amour. La dingue. Je rentre ce week-end et on va. Ah ouais, tu rentres ce week-end, l'autre elle va te sauter dessus. Ouais, en tout cas, ça tirait le pompon quoi. Non, mais après, elle te fait un sale chantage à la con. Dunia, c'est peut-être un peu rude ce qu'elle a proposé d'en parler aux gosses. Mais bon, au final, pourquoi pas. La suite du grand feuilleton, très très très vite, sur Skyrock. Restez bien là, un feuilleton que vous attendez avec impatience. Les aventures de Mehdi et de la cassose voisine. Et c'est la suite du match du PSG. Et c'est reparti pour le PSG. Deuxième mi-temps, ouais. Ah ouais, deuxième mi-temps, 1-0 toujours pour le PSG. Et le Bayern, on n'a pas dit à la mi-temps, mais il mène 1-0. Non, 2-0, gros. Alors attendez, on fait les résultats. Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Faites-le, parce que les mecs sont morts de rire qu'ils disent « Marie est folle ». Non. Si, regarde, Jajaja qui nous dit Marie est folle. Marie a trop bu, ce serait le message de. Vos gueules, je ne parle pas. De mec sur SMS, salut mec. Et donc, le point les sur résultats, le foot ouais. de la mi-temps, allez. Bah, dans le groupe du PSG, il y a Bâle qui joue contre Ludogorets et c'est Ludogorets qui gagne 1-0. Bâle, ils ont un nom pour jouer au football. Ouais. Dans le groupe B, Benfica qui gagne 1-0 contre Beşiktaş. Benfica. Le caca, c'est bon. Non, Benfica, Cédric. Portugal. Portugal. Napoli qui gagne au Dynamo de Kiev 2-1 pour l'instant. Naples 2-1. Ouais, dans le groupe C, t'as le Barça qui gagne 2-0 contre le Celtic. Le match Manchester City contre Borussia Mönchengladbach, ça a été reporté parce qu'il pleuvait. Et dans le groupe du Bayern, donc t'as le Bayern qui gagne 2-0 contre Rostov. Et t'as le PSV Eindhoven qui perd à domicile contre l'Atlético 1-0. Et bien voilà pour les résultats footballistiques, bien sûr. L'Atlético de Madrid. Ouais, c'est ça. L'équipe de Grisi. C'est ça, ouais. Très il bien. N'a pas marqué Grisi encore. Il y a un autre Français qui joue d'ailleurs ce soir. C'est qui le deuxième Français qui joue pour l'Atlético? J'ai oublié. Deuxième Français qui joue pour l'Atlético. Ouais. Il y a Grisi et ben on dit elle est Grisi. Voilà. Elle est timbrée la Marine. Ça s'inquiète Clara là, regarde. Clara is lazy, 18 ans. Bah je pense un peu. Voilà, c'est ah je Marie. Pense aussi ouais. Marie elle là est en train de parler toute seule. Non, je parle. Elle ne m'entendait pas. Gamero avec Griezmann. Ah Gamero, voilà, merci pour les messages. Putain, vous êtes fort. Premier merci sur le Charles Mineuve. Tout le monde. Oui, vous êtes trois à envoyer des messages. Merci à Crotte de Nez, tu voulais dire, c'est ça? Ouais, merci à Axel aussi. Au câble HDMI de la PS4 qui est là. Il y a Brahms, il y a Clara encore, Eminem Beach, Lulu. Et merci à l'Alsacien également. Et à Greg le millionnaire, Greg le millionnaire. Gamero. Qui nous écoute, Kevin Gamero, ouais. Ah, Kevin Gamero. Bon, vous avez des numéros de voisins, faut qu'on appelle des voisins là ce soir. Ah oui, pue la merde. Oui, des voisins qui puent la merde. On va leur passer un coup de fil. On a juste Alex qui voulait réagir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc c'est pour. Il est où? Freelance, ouais. Freelance qui nous a envoyé un message et qui a des voisins qui puent. Alors ils puent pas la merde, mais ils puent la poubelle. En fait, ça pue la poubelle sur tout l'immeuble. Vous êtes plein à avoir des voisins qui puent. Hein. Mais sinon, ils stockent pas parce que tu sais, il y a des gens, des fois, ils stockent leurs ordures sur quoi un balcon ou sur le bord de la fenêtre. Oh. Ouais, mais c'est dégueu quand même. Mais oui, mais justement, mais avec la chaleur qu'il fait en ce moment. Ouais, ça pue sa mère. Ouais. Le truc, l'odeur, elle se disperse partout. Hein. Ouais, bah obligé, ouais. Ouais. Bon, alors, Alex, toi, t'avais un truc à nous dire par rapport à ça. Alex, t'es dans le 51 et t'as 23 ans. Salut, Alex. Salut. Donc, j'ai un truc à dire, en fait, c'est. Moi, tu vois, je sortais avec une meuf. Oui. Il y a un moment de ça, tu vois. Et en fait, sa mère, elle était, elle avait le syndrome là de Diogène. En fait, elle gardait tout, elle jetait rien. Alors, syndrome de Diogène, nous expliquait Romano, spécialiste des problèmes psychologiques. Ouais. Et des appelez-moi docteur. Docteur Romano. Oui, docteur Romano également. Professeur. Également proctologue, spécialiste des seins à téton cornichon. Ouais, c'est ça. Et également des cheveux. Et des cheveux également, spécialiste des cheveux. Et dentiste. Aussi, et des dents, oui. Ouais, dentiste. Des dents. Et ORL, ils auraient bouché la moitié de l'année. Donc tu as, elle a le syndrome de Diogène, donc elle jette rien. Ouais, en fait, c'est ça, elle jetait rien, tu vois, elle prenait soin de rien. Mmh. Et tu vois, en fait, moi, quand j'ai connu la meuf, tu vois, ça faisait un mois qu'il venait d'emménager dans la maison. Ouais. Donc au début, tu sais, tu remarques pas assez tout. Propre, ouais. Voilà, c'est, et puis même, je rentrais jamais, en fait, tu vois, donc je me posais pas trop la question au début, je dis, tiens, sa mère, elle m'accepte pas, tout ça, je sais pas, tu vois. Non, non, ne rentre pas chez moi. Non, mais c'est sa fille qui devait avoir honte. Bah toi. Ouais, tu m'étonnes. Ah bah ouais, t'imagines, bah t'as ouais, des parents comme ça, non? Elle le cachait, tu vois, c'était, enfin, tu pouvais pas voir, et puis quand, tu sais, quand t'es amoureux, tu sais ce que c'est, tu t'es un peu naïf, tu vois. Oui, et puis au bout d'un mois, c'est vrai que tu vas pas chercher pourquoi elle te présente pas ses parents, t'as le temps, quoi. Ah ouais, tu t'en ouais, ouais, même, c'est clair. Hein, ouais. Non, mais c'est vrai, ce qui est chelou, par contre, c'est si t'es devant chez elle, et pendant un mois, je sais pas, tu vas tous les jours devant chez elle, tu la raccompagnes, et jamais elle te propose de rentrer, tu trouves ça bizarre, en fait, quand même. Ça a duré comme ça pendant un an, tu vois, et là, ah oui, vois, ah ouais. Problème. Oui. En fait, tu vois, plus le temps venait, en fait, et je voyais la maison, c'était tout enfermé, une nuit et jour. Jamais une poubelle de sortie. Mais t'as jamais, moi j'aurais regardé. Ça puait, non? J'aurais regardé par une fenêtre, moi. Ah, Romano, il est curieux. En fait, tu vois, je peux pas te dire si ça puait parce que. Tu rentrais pas? Voilà, bah non, tu vois, je rentrais pas. Et puis, un coup, j'ai juste déplacé elle avait une livraison d'un meuble, tu vois. Je l'ai amené en bas du garage. Et, elle m'a dit, non, tu rentres pas, tu vois, tout de suite, laisse, on fera. Oui, tu ne rentres pas, ma mère est dingue. Ah, ça pue la mort, ça devait puer la mort. En fait, elle t'a sauvé en te faisant. Bah, tout dépend ce qu'elle entassait, quoi, réellement. Parce qu'elle garde tout. Ouais, c'est vrai. Bah, ouais. Elle entassait quoi? Et tu vois, en fait, mon ex, en fait, elle sentait rien du tout, tu vois, ça se cramait pas, tu vois. Surtout au début, parce que, à mon avis, pour mettre plein d'ordures, tu vois, faut quand même un petit moment, tu vois. Donc elle gardait quoi, des ordures? Elle gardait quoi? Ouais, elle gardait tout, tu vois, elle jetait rien. Mais et par exemple, elle mangeait un yaourt, comme disait Romano, elle gardait le pot. Ah. Ouais, voilà, c'est ça. Mais elle lavait le pot et le rangeait ou? En fait, le truc, le principe, c'est d'entasser des choses. C'est-à-dire que t'entasses. Je sais pas, il y avait pas de poubelle, tu vois. Mais par exemple, nous on va acheter une paire de pompes, la boîte tu vas l'acheter quoi. Ouais, ah non, moi je la garde gros. Ouais, ça dépend. Des Jordan, ah, c'est un drôle de Diogène quand même. Non mais que les boîtes de basket. Ouais, hein. Voilà. Ouais. Tu sais, pour remettre les baskets bon, dedans. Bon bah, alors allez-y, un autre exemple. Alors comme ça elle va me pas de me casser les couilles. Un paquet de cigarettes vides, tu voilà. Je le garde aussi. Elle va être complètement. Bah, par exemple, un fumeur, les paquets de cigarettes, au lieu de les jeter quand ils sont vides, le mec il va les garder, mais les stocker quoi. Genre pendant 10 ans ou 20 ans. Mais il garde aussi les mégots. Ah oui, il garde tout. Il garde tous les mégots de cigarettes. Ça doit être ouf. Et mais c'est une maladie. Ah, hein. Et tu l'as appris. Tu l'as appris comment au final? C'est ta copine qui t'a dit? En fait, si tu veux, mon ex, au bout d'un an, tu vois, moi je me disais, putain, il y a un problème et tout, tu vois, j'ai pété un plomb. Et genre, j'ai ouvert le garage, j'ai entrouvert, j'ai vu plein de trucs dégueulasses, mon gars, mais, tu sais, c'est hallucinant, quoi, tu vois. Ouais, voilà, pas... c'est ça. Non, mais t'imagines, tu gardes tout ce que tu consommes pendant un an, ne serait-ce qu'un an, mais c'est un truc de ouf. Je pense que c'est énorme. Mais tu sais que Difool, il a le syndrome, mais avec les journaux, lui. Oui, je garde les journaux. Ouais, c'est vrai que tu gardes, c'est un truc de fou. Ouais, mais après, c'est peut-être de la collection, tu vois, Difool. Ah, voilà, c'est ça, toi, tu le comprends, toi, Alex, t'es bien, Alex. De la collection, tu gardes les journaux. Non, mais c'est pas Difool, il a pas le syndrome de Diogène. J'étais plein de fois chez lui. Un mec qui a vraiment le syndrome de Diogène, c'est des journaux. Il va y en avoir 10 piles qui vont du sol au plafond. Ouais, puis il va garder même les trucs de pub. Oui, c'est ça, les prospectus, genre les catalogues, les trucs, il va tout garder. Vous imaginez? Donc ça existe, hein, on en parlait tout à l'heure en début d'émission, et toi, tu l'as rencontré, la mère folle qui a le syndrome de Diogène. Et tu vois, pour finir, en fait, même dans le jardin, je me rappelle, t'avais des chardons, genre ils faisaient, je sais pas, 40 cm, après c'était des cactus d'1m20 ou 1m50, tu vois. Mais ça, c'est des plantes dans un jardin, c'est normal. Mais je veux dire, entretenu. Mais le mec que j'avais vu à la télé, là, il avait le syndrome de Diogène, mais à l'intérieur et à l'extérieur. C'est-à-dire que le mec, il avait un terrain, mais le terrain, t'aurais dû une décharge. Il mettait tout dessus. Ah, mais tout, des bouts, tu sais, il récupérait genre des bouts de bois, des bouts de ferraille. En fait, le mec, il accumulait, mais des trucs qui ne lui servaient absolument à rien. Bon, dans un instant, on va s'occuper des voisins crado. Ça tombe bien, justement, là. T'es toujours avec ta copine ou dans ton ex maintenant? Non, t'es fou, ça fait longtemps. Non, au bout d'un mois, je me suis rendu compte, elle commence à sentir aussi. Oh putain. Ah ouais, parce qu'elle devait être crasseuse. Restez un an avec elle quand même. T'es pas une crasseuse, tu vois. Non, mais elle a été contaminée, ouais. Mais après, tu vois, l'odeur du renfermé sur les habits, ça reste sans. Non, mais c'est qu'à l'intérieur, ouais, ça devait tellement puer dans la maison que ça a contaminé ses vêtements, tout ça. Ouais, t'as pas tout imprégné. C'est vrai, si vous avez des potes qui puent, ils sont peut-être pour rien. C'est peut-être leurs parents qui sont un peu. Non, ou alors t'as aussi les apparts qui puent l'humidité, tu sais. Ouais, mais t'as renfermé. Oui, mais t'as des trucs. Maintenant, t'as des humidificateurs et tout qui existent. Tu peux quand même faire. Moi, j'avais un pote qui sentait la cave. Mais c'était sa maison qui sentait la cave. Ah, bah, tu vois, c'est ça. Je me demandais qui en avait parlé, ouais. C'est toi. Moi, j'ai une copine, tu vas chez elle, ça pue le chat, sa mère. Ah, dégueulasse. Parce que l'air jamais nettoie mal. Ouais. Moi, ça pue le caca. Bah, chacun son. Mais tu vis dans un chiotte, Cédric? Non, je suis non, d'accord. Tu sais qu'il n'arrive plus à se lever à cause de sa clavicule. Voilà, bah, je me chie dessus. Bah, il est bien obligé. Ouais. Non, il m'a raconté que bah, ça lui était arrivé. Malheureusement, il n'arrivait pas à se lever. Il a tellement envie de chier que paix foireux, il a taché les draps. Et là, il y a un message. Bon, salut Cédric d'ailleurs. Big up à toi, Cédric. Ouais, big up à lui. Il y a un message de Lulu. Ce syndrome est a de différents aspects passifs ou actifs. Les passifs conservent même leurs excréments. Bravo, vive les passifs. Merci Lulu pour ton message. Regarde, t'as des monticules de merde. Ah ouais, putain. Et faut que je fasse gaffe parce qu'il y a Katney qui nous dit il y a deux frères célèbres qui sont morts du syndrome de Diogène. Ils gardaient tout. Fais gaffe, dit Foul. Il y en a un des deux qui est mort écrasé par des journaux. Le mec avait tellement une pile de journaux. Oh là là, le truc, c'était la tour de Pise. C'est tombé, bam. Ça lui est tombé dessus. Eh bien, on t'embrasse en tout cas, Alex. Merci du témoignage. Et puis tu reviens quand tu veux. Tu quittes pas. On t'envoie le t-shirt Skyrock dans le 51. C'est fou, d'Ivoire, je voulais savoir, il y a moyen de gratter un jeu de PS4 ou quoi? Ah, jeu de PS4, c'est compliqué parce que tu es bien gourmand, Alex. Entouré d'un radin qui est là, Cédric est pas là en plus, c'est lui qui a la clé du placard. C'est lui qui contrôle. Ouais, c'est lui qui contrôle. Il y a un arabe à côté qui les a déjà tous pris. Non, mais vendredi, par contre, on a une matinée spéciale PS4. La grosse grosse nouvelle PS4, c'est la petite, la slim, ouais. Elle sort en novembre, on vous la filera aussi. Mais vendredi, on fera une matinale spéciale, un morning spécial. Avec la PS4 Slim, celle qui sort vendredi, on vous l'offrira et on vous offrira vos jeux vidéo qui vont avec en plus. On va faire une belle sélection, un beau morning pour vendredi matin. Loupez pas le rendez-vous. Dans un instant, on résout le problème de voisinage. On a promis d'appeler des familles pour voir un petit peu quand on engage le dialogue. Si on leur dit qu'elles puent, enfin que on est dérangé par leurs odeurs, est-ce qu'elles arrivent à le comprendre? On peut leur dire qu'elles puent la merde. Si tu veux, Roman, on peut leur dire comme ça aussi. Donc dans un instant, on va les appeler, on va leur dire qu'elles puent la merde. Préparez-vous, il y aura Pierre aussi en direct de Toulouse avec nous qui est dans le coin. Salut Pierrot. Ouais Pierrot. Salut. T'es là. Ouais Pierrot. Je suis là. T'es là. Et toi, tu veux qu'on choisisse entre deux meufs? Tu vas nous expliquer, on va choisir pour toi. Ouais. Vous entendez la bonne équipe. Voilà. Eh oui, vous allez pouvoir vous aussi nous aider à choisir. Hein. Au 41759 sur l'appli Skyrock et Pierrot, on arrive. T'as 19 ans, t'es toulousain, beau gosse, tout ça. Sensuel. Bah ouais, il y a deux meufs qui nous courent après. Laquelle choisir? Allez, on s'en occupe. C'est sur Skyrock, Radio Libre, en direct. Depuis la rentrée, Difool a déjà distribué plus de 30 000 euros en cash. Il faut me dire quelle est ta radio préférée. Bah, Skyrock. C'est Skyrock. Mais oui, c'est Skyrock. C'est gagné. C'est pas vrai. Plus de 30 iPhone 7. Ton iPhone 7. Le tout dernier. Putain, ça c'est bon ça. Romano a déjà arnaqué des commerçants. Des familles. C'est encore une arnaque ça, hein. Des vendeurs sur le bon coin. Et vous le vendez 50 euros, c'est ce qu'il y a de marqué sur l'annonce. 500, 50 euros. Non, non, bah t'enlèves les 500, tu me le lâches à 50 et puis ça ira bien. Ouais, ouais. Ah bah j'arrive. Et ce n'est que le début. Que le début. 6h-9h. The Morning Show. Le Morning de Difool sur Skyrock. J'étais chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'attrapent et me poussent dans une camionnette. Non. Alors là, on arrive dans une base spatiale où des ingénieurs me demandent à moi comment orienter leurs fusées qui vont faire décoller. Chaud. Mais t'es calé ton fusée? Pas des masses. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson. Une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, évitez de grignoter. The Morning Show. Envoie 1500 au 720 et multiplie tes chances de gagner 1500€ toutes les demi-heures dans le Morning de Difool. Des problèmes pointent toujours le bout de leur nez, hein? Moment au 71777. Les astres vous guident vers la voie. Moment, M-O-M-E-N-T, au 71777. Nos astrologues vous apportent les réponses. L'amour, le travail, le succès. Vous voulez savoir? Envoyez Moment au 71777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Julien Télouk. C'est un truc de fou! J'adore! Marcus. Tout le monde connaît son côté chafouine. Et tous les experts de la Team Game One vous présentent le talk show le plus fou sur l'actu du jeu vidéo. À mon avis, ça va être du lourd, ça. Team Game One, c'est tous les mercredis en direct sur Game One. Disponible chez tous les opérateurs et en ce moment en clair sur la TV d'Orange. Bon, pour la reprise de la Champions League, on attend Beansport sur tous les terrains. Alex, c'est toi le meneur de jeu. Avec deux affiches françaises en exclusivité par journée, on veut te voir à fond, ok? Ok, coach. La reine, les grands clubs européens sont aussi au rendez-vous. On est sur tous les matchs. Compris? Yes, sir. Allez, c'est parti pour une nouvelle saison. Vivez 100% de l'UEFA Champions League seulement sur beIN Sport. Avec ce soir, Paris Saint-Germain-Arsenal et demain, Olympique Lyonnais-Dinamo Zagreb en direct et en exclusivité sur beIN Sport. Voir conditions sur beIN Sport.com. Découvrez toute l'émotion de poser vos mains sur le volant d'une BMW. En ce moment, la BMW Série 1 est à partir de 275€ par mois, sans apport, avec entretien et extension de garantie. Alors cédez à vos envies. Exemple de loyer pour une BMW 1/14D 3 portes première Start Edition en location longue durée sur 36 mois pour 40 000 km. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance jusqu'au 31 octobre 2016. Détails sur bmw.fr. Hier soir, j'ai rencontré Pierre à un atelier cuisine mythique.

surprise pour ça. Jules, tournée en France, début, première tournée d'ailleurs pour Jules. Oh mon bijou. Eh oui, avec Skyrock, à pas louper, c'était la Breaking News, Jules, ouais, qu'on merci, a écouté tout merci. À l'heure. Bon, on écoutera merci. Du Drake, on sera One Dance tiens, tout à l'heure. J'ai demandé quel son de Drake vous vouliez écouter, et ben c'est One Dance. On écoutera du Alonso, Calvin Harris et Rihanna, PNL aussi, avec Je suis QLF, je suis que la famille. C'est bien, PNL. Que oui. Du bon son ce soir, c'est bien encore. Hein. Ouais, clairement. Une belle soirée. Et puis vous tous et vous toutes en direct, allez-y au 01 53 40 30 20. Vous pouvez nous appeler. Nous aussi, on va passer des coups de fil dans quelques secondes. Comment faire quand on a un problème avec des voisins? Eh bien, on préconise le dialogue. Sauf Marie qui a proposé d'aller porter quoi plainte directement. Direct, oui, moi que... je porte plainte, ils vont pas me casser les couilles. Non, mais je pensais qu'ils avaient déjà mis un petit mot. Non, pour l'instant, tu vois. Pas encore chez Freelance. Il sait pas quoi faire. C'est ses voisins et puis la poubelle. Ah ouais, ouais. En fait, quand ils sortent sur le palier, ça vient de ses chez voisins, les mecs puent la poubelle. On parlait tout à l'heure du syndrome de Diogène, bah, les gens qui gardent tout à la maison, il y a peut-être ça. On se dit que c'est peut-être ça. Non, mais je pense que c'est des pauvres. Ou alors tout simplement, c'est des, exactement, c'est des salles. Des grosses salles. C'est ouais, possible. C'est non, mais possible. Sinon, il y a un truc qu'on n'a pas dit qu'il pourrait faire, c'est la petite tête anonyme. Oui, vous puez, ouais, monsieur. Non, mais dans la boîte le corbeau. Ouais. C'est dans la boîte aux lettres, tu laisses un mot, tu dis ouais, excusez-nous, mais a priori, il y a un problème d'odeur provenant de votre appartement. Oui, vous puez la merde. De quoi s'agit-il? Est-ce vous? Vous puez la poubelle. Non, oui, mais c'est ça. Bon, on va leur passer un petit coup de fil aux familles de France. D'ailleurs, si, j'ai pas demandé, mais c'est pas con. D'ailleurs, si vous avez des voisins, vous avez des problèmes avec vos voisins parce qu'ils puent, n'hésitez pas à nous laisser les numéros. On peut peut-être résoudre ça en direct dans l'émission. Bah là, on en a reçu un, là, déjà. Avant même qu'on demande. Ah. Avant même que je demande, j'ai pas vu ça, tiens. C'est PSG77. Salut PSG77. Merci d'appeler une voisine qui pue. Elle s'appelle Marie-Claire. Très bien. On a le numéro 09 81, ah bah, etc. Pourquoi pas. Très bien. Bah écoute, on va s'occuper de toi. Si vous avez le moins de soucis, on est comme ça à Skyrock. On résout tout sans aucun problème. Et bon, moi j'aimerais bien faire un petit sondage tout à l'heure parce que cet été j'ai lu plein de sondages, oui, que j'ai notés. Et ah, j'aimerais en faire un moi aussi. Non, je voudrais vérifier. Le sondage est: est-ce que vous êtes là? Non. Vous répondez oui ou non. Non, mais Liliane, j'aimerais bien vérifier. C'est pas mal. Oui. Parce que ça m'a fait assez. Alors c'est quoi, Marie? Vas-y, va droit au but comme l'OM. C'est des trucs de cul. Mais pose ton putain de question de cul. Merde. Par exemple, est-ce que vous savez un mec, oui, en 24 heures combien de temps il est en érection? Mais c'est un sondage. C'est un sondage, c'est un QCM. Je comprends rien, oui, non, c'est un QCM. C'est un questionnaire, quoi. Bah oui. Ouais. Mais le, oui, le plus longé de sperme. Elle est bourrée, hein, c'est pas possible. Mais non, bourrée, je suis pas bourrée. Mais si, t'es bourrée, ouais, ça s'entend, Marie. On prend rien à ta feuille. Ah, mais je voudrais savoir. Si bah, tu voudrais savoir, mais t'as les réponses, non? Oui, j'ai les réponses. Bah voilà, peut savoir alors. Qu'est-ce que tu lui pètes les couilles, hein? Tu lis tes réponses et tu nous emmerdes pas, quoi. Mais je voulais vérifier. Alors, mais tu veux vérifier quoi, Marie? Parce que t'allais déjà les chiffres. Ah, mais Marie veut peut-être qu'on se branle tous pour qu'on mesure à combien exemple on chicle. Alors les gars, vous nous écoutez, n'hésitez pas à prendre un double, un triple, je sais pas, un truc décimètre. Et vous mesurez, vous vous branlez, vous laissez couler sur votre lit ou sur la moquette. Non, ah bah si, t'es obligé. Je voudrais savoir. Tu peux pas prendre de mouchoir. C'est comme le saut en longueur, là. Et tu mesures. Merci Marie, j'avais compris ta question débile. Il y avait aussi le nombre moyen de partenaires sexe. Alors attends Marie, on va faire une liste. Alors le plus long jet sexuel. Ok. Ouais. Putain, moi je me rappelle. C'était en revenant de vacances, je m'étais pas branlé pendant toutes les vacances. J'étais parti en vacances avec mes parents. Et arrivé à la maison, première chose que j'ai faite, c'était la même chambre qu'eux, alors ne branle pas. Ouais. Première chose que j'ai faite. Ah, moi je me serais branlé aux chiottes, je me suis pas. Bah non, mais j'avais pas fait. Je me suis branlé. Alors là, je peux te dire que j'ai giclé à 2-3 mètres. Le truc était impressionnant. C'est normal, t'avais les couilles pleines. Mais impressionnant. Le truc c'était. Je vais avoir 14-15 ans à l'époque. Je peux te dire que j'ai fait un jet. Moi, je me suis déjà agité dans l'œil, mais à part ça. Oui, c'est vrai. Dans l'œil. Ah ouais, tu t'es fait une faciale, toi. Ouais, parce que c'était mon kiff. Romano, il était allongé, il s'est mis sur le dos avec, tu vois ce que je veux dire? Ouais, genre roule à derrière. Non, non, j'étais complètement allongé et j'avais un jet extrêmement puissant ce jour-là. Puissant, oui. Alors, le plus long jet de sperme. Par exemple. Après, il y avait quoi d'autre, Marie? Il y avait, en moyenne, vous avez eu combien de partenaires? Ça dépend de l'âge que t'as aussi. Je veux dire, si t'as 16 ans, t'as moins de partenaires que si t'en as 30. Oui, ça, je suis d'accord avec toi, mais c'est une moyenne. Une moyenne, très bien. Sinon, ouais, j'avais demandé, vous avez. Mais t'as demandé à qui? Non, mais à vous. Ah. Combien d'érections par jour, par exemple? Putain, combien de temps ça dure? Je les compte pas, moi, mes érections. Et par nuit. Quand je suis avec vous à l'antenne, les filles. C'est impossible à compter, on dort. Bah oui. Sinon, il y a aussi l'orgasme dure en moyenne combien de temps chez les femmes et chez les hommes? Ah bah chez les hommes, il y en a qui sont rapides, ça dépend ça aussi. Moi, c'est 10 secondes, nous. J'ai un ami qui est assez rapide. Non mais le temps du plaisir, quoi. Bah, c'est quand on éjacule, donc c'est vite fait, quoi. Ouais, c'est, ouais, rien. Ah, bah, ça va pas durer deux heures, ouais. Non, mais bah c'est ouais, tu sais, tu vas pas éjaculer pendant deux heures. Autrement, t'as une fuite. Ouais, il y a un problème. T'imagines un mec qui éjacule pendant deux heures. Le truc t'arrête pas, quoi. Le truc ignoble. Bon, bah, très bien. Bon, le plus grand jet sexuel, vous pouvez faire le test pour la Marie, hein, pour le reste. Ouais, dites-moi. On la laisse se démerder, hein. Ouais, mais... non, mais moi, j'ai les réponses. En ah, bah, plus. Écoute, ça nous en fait une belle. Je voulais savoir si c'était vrai. C'est quoi le plus long jet sexuel? C'est 5 mètres 400. Ah, t'étais pas loin du fou là. Ah ouais, 5 mètres 400. 5 mètres 400. C'est un truc de ouf. 5 mètres 400. Ouais. Le mec, il a une lance à incendie à la place de la bite. 5 mètres 40. Ah ouais, 400 quoi, ouais. Ah oui, 5 mètres 40, Marie. 5 mètres 400. C'est pour ça que je comprenais pas. Ouais. Comme ça. Oui, voilà. Non, même. C'est... non, mais quoi. Alors vas-y, alors une autre réponse, Marie. Non, mais c'est bon, on a fait le tour, non? Le nombre de partenaires, vas-y, toujours. Ah, 9,9 pour les hétéros. 9,9. Il y en a qui ont manqué des bouts. Ouais, mais c'est oui. Ça, mais c'est une moyenne. Manque un bras, une tête, peut-être. Et pour les homos, 25,8. Ah, les homos sont beaucoup. Putain, les c'est homos, 25,8 hein. Et les. Bah putain, je suis pas homo, mais je crois que je suis plus près des 25,8 que des 9,9. Eh bien, méfie-toi, Karim. Questions. On sait jamais. Bon, allez, pour la suite, il y a Pierrot qui est avec nous et puis il faut qu'on appelle les familles. Il faut qu'on le fasse là parce qu'après ça va être un petit peu tard. En tout cas, Marie, je voulais dire c'était passionnant. Pourquoi? Ah oui, vraiment. Franchement. Mais non, mais attends, respect, je voulais Marie. Savoir. Et un sondage, Marie, c'est un truc que tu demandes et les gens ils te donnent leur avis. Par exemple, si je demande à Romano, est-ce que tu sortirais avec une fille chauve, par exemple? Ouais. Alors là, tu dis oui ou non, Romano? Non, mais bien sûr, mais bon, bah, après, on fait des sondages pour savoir. Ah bah, je suis désolé, je préfère une fille qui a les cheveux. Hein. Bah ouais, mais bon, c'est. Non, mais c'est une perruque, ça me c'est de l'intolérance et du racisme anti-chauve, j'appelle ça, moi. Bon, alors, Pierrot est avec nous. On le prend en speed s'il doit choisir entre deux meufs et que ça, c'est un sujet important. Salut, ouais. Salut Pierrot. Salut l'équipe, comment coucou, ça va Pierrot. Ça va bien, Pierrot, ce soir, comme tu l'entends, en pleine forme. Bon, à part Cédric, il sait que la vie coule. Hein. Ouais. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Cédric a toujours sa clavicule cassée et il peut pas se laver. Et non, et ça, c'est quand même assez grave. Ouais, il a fait un peu foireux parce qu'il avait très envie de chier, il voulait sortir, il a pas réussi, il a fait un effort en voulant sortir et il a fait un peu foireux, il m'a dit, il a attaché mon slip et mon lit. Donc, T'as l'horreur. Oh non, mais j'ai pas pu le changer. C'est vrai qu'avec une clavicule cassée, tu peux pas faire grand chose. Pourquoi tu veux que je fasse un non, snap? Non, en fait, je voulais prendre une photo, mais pas toi, en fait. Ah, d'accord, ok, merci. Moi, je faisais un sourire. Tant pis. Alors, Pierre, toi, tu dois choisir entre deux meufs. Ouais, c'est ça. Ben, vous voulez que je vous explique la situation, du coup? Bah ouais, parce qu'on va essayer de choisir pour toi. Nous, on va faire comme ça. Ok. Bon, alors, en gros, je vous explique. J'étais dans une longue relation de 3 ans. Et j'ai 19 ans, là, actuellement. Mmh. Et en fait, on s'est quitté, donc, avec mon ex, maintenant, pour des raisons un peu bêtes. Parce que, en fait, genre, c'est la distance. Et, du coup, il n'y a pas de vraie engueulade, quoi. Et, du coup, depuis... Elle habite à combien de kilomètres, pour qu'on se rende compte, à peu près? 300, 400. D'accord. Elle habite où? Toi, t'es à Toulouse. Elle est où, elle? Ouais. Elle est vers Bordeaux, dans ces eaux-là, quoi, dans la banlieue, tout ça. C'est pas super, super loin, mais c'est pas super, super près non plus. C'était une voiture, ça va? Exactement. Ouais, j'ai la Vago, mais bon, c'est chiant, les allers-retours, c'est de l'argent, tout ça, tu vois. Bon, vous avez donc décidé d'arrêter. Ouais. Non, parce que moi, j'ai un ami personnel qui est resté en couple avec une fille qui habitait en Bourgogne, qui était gothique. Hein. Enfin bon, ça, c'est un détail. Et la distance n'a fait que renforcer leur amour, puisqu'ils étaient très amoureux qu'un jour, il lui a même proposé de venir vivre avec lui. Non. Si, bah si. Non, ça s'est pas passé du tout comme ça. Bah, bien sûr que si. Bah, bien sûr que non. Moi, bah, quand même. Elle était en Bourgogne. J'ai quand même mieux vaut d'histoire d'amour que toi, quoi. Mais tu mens. Non, je mens pas. Elle est venue en vacances, elle est pas repartie. Eh ben voilà, il a. C'était pas prévu, hein. Il l'a attaché. Ouais, je l'ai séquestré, ouais. Oui. Et donc, entre temps, du coup, depuis que j'ai quitté ma copine, enfin mon ex, j'ai rencontré une fille que je connaissais, avec qui j'ai couché, et en fait, du coup, je suis un peu embêté parce que j'ai cette fille avec qui j'ai couché qui habite à deux pas de chez moi, Toulouse. Et l'amour que j'ai toujours pour mon ex qui habite loin, quoi. Alors, donc, histoire de 3 ans avec ton ex. Bon, c'est ton ex, mais t'aimerais ressortir avec, d'un côté. De l'autre côté, un petit coup comme ça avec une meuf qui habite juste à côté, l'ex habitant à 300 kilomètres de chez toi. 300, 400 bornes, ouais. Moi, j'ai la solution. Moi aussi, tout de suite. Franchement, t'appelles la meuf qui est loin, tu lui dis ouais j'ai couché avec une autre meuf et le choix sera vite fait, il en restera plus qu'une. Non mais moi j'ai encore mieux gros. Alors ça c'est la solution de Romano. Moi j'ai encore mieux, t'appelles la première, tu lui fais une déclaration d'amour, c'est ta meuf, ok, et pendant ce temps là la première, donc l'officiel de 3 ans. L'officiel, tu restes avec elle, tu vas la voir et pendant ce temps là tu gibonnes celle qui habite à côté de chez toi. C'est pas très moral ça. J'y ai pensé mais pourquoi je passe pour un gros baiser mec. Et ça, c'est génial. Bah, tant que ça se sait pas, tu passes pour rien. Le jour où tu dis à personne, gros. T'es dans la merde. Oui, c'est vrai. Après, elles se connaissent pas, les deux, j'imagine. Elles sont loin. Elles se connaissent, en plus. Non. C'est vraiment encore une méthode de merde donnée par une foule. Ah non, c'était Karim cette fois. Non, mais ça va pas. Bon, après, je vous dis, elles se connaissent, mais bon, elles ont déjà parlé ensemble vite fait, quoi, c'est tout. Ouais, ouais, c'est bon. Pas des grandes amies, quoi. Oui, connaissances. Bon, jamais, voilà. Comme on dit, le monde est petit. Hein. Ou alors, tu déclares à la deuxième, celle que tu peux gibonner, tu lui déclares que t'as ta meuf, mais que tu veux bien la gibonner si elle est d'accord. Mais la deuxième, elle est amoureuse dans sa gueule. Ouais, en fermant sa gueule. En fait, ben la deuxième, je sais pas, moi pour l'instant je ne sens pas d'amour pour la deuxième, mais elle, bon, c'est pas rien quoi, du coup, ben ouais, comment, enfin, disons que je la rendrais jalouse si je vais voir l'autre quoi. Mais elle habite juste à côté de chez toi, c'est bien pratique ça quoi. Ouais, c'est ça, ouais, elle est la même fac que moi. Pour gibonner, c'est génial ça. Gibonner. L'autre là, elle revient souvent ou pas? Comment ça, elle revient souvent? Celle de Bordeaux là. Ouais, c'est celle avec qui t'es resté là. Non, elle va rester sur Bordeaux, ouais, elle viendra un week-end de temps en temps, quoi. Ah ouais, gibonner, gros. Gibonner moins souvent avec celle de Bordeaux, hein. Ah ouais, ouais. C'est ça. Et donc toi, mais pourquoi tu fais pas la méthode de Karim, ouais, c'est-à-dire que tu, bon, c'est pas très honnête, hein, c'est pas très moral. Ouais, c'est ça, mais genre, moi, j'ai jamais fait ça, tu vois. Ouais, donc toi, tu veux une meuf et t'en veux pas place. Là, moi, je pense que c'est trop plus simple. Déjà une, c'est compliqué à gérer, mais non, mais en plus, là, elles se sont déjà parlé. Ouais, connaissance. Il suffit qu'il y ait quelqu'un, qui connaisse les deux en commun, qui a le bavé. Bah, il y a forcément des potes en commun. Même des fois volontairement, tu sais, dire vu que le mec il peut savoir très bien que t'es plus avec l'autre meuf, tu sais, il peut l'avoir et dire ça va avec Pierre. Ah, j'ai vu Pierrot, dis donc, il était avec Machine. Oh, il l'a bien baisé. Non, mais tu vois, non, c'est mais ouais, bien sûr, c'est trop risqué. C'est risqué, c'est vrai. Bon, si vous avez une petite idée pour Pierre, bah déjà on va choisir, vous prendriez laquelle? On va faire ça en fait. Vous prendriez l'histoire qui dure depuis 3 ans mais qui est en stand-by puisque vous avez rompu en gros. Ouais. Mais ou alors le petit coup qui habite à côté, l'histoire loin, ou alors le petit coup près. Déjà, est-ce que t'es sûr de pouvoir la récupérer la première? Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah en fait, elle me supplie quoi, elle me supplie pour que je reste avec. Et ah, moi, toi aussi, côté, ça t'arrive, moi aussi, ça m'arrive souvent. Ah ouais, mais c'est... D'un côté, genre, je suis amoureux d'elle quand même, je peux pas le nier, tu vois. Ouais, mais ça t'excite pas quelqu'un qui te supplie et tout, non? Bah, laisse-le être amoureux, moi. Ouais, mais si, amoureux d'elle. Pas, mais ouais, voilà, c'est l'amour. Enfin, genre, en vrai, y a pas eu d'engueulade, y a pas de bonne raison de la quitter, tu vois. Ouais, moi. Non, mais tel que je t'entends, moi, je te conseillerais de rester avec la première parce que c'est elle que t'aimes. Oui, c'est ce que t'as dit. Je pense pas qu'il soit très amoureux d'elle parce qu'il aurait même pas calculé la deuxième, sinon il aurait ça, même il aurait même pas parlé. Non mais attends, quand tu baisses pas pendant 15 jours, 3 semaines, t'as forcément envie de baiser. Ouais, mais t'as quand une meuf à côté qui t'excite. Ouais, mais quand t'es amoureux, dis foule. Ouais. L'autre, elle t'a chauffé comme une chienne. Ah. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu entends par te chauffer comme une chienne? Mais c'est-à-dire comme une chienne, c'est comment, Romano? Oui. Non, mais c'est-à-dire, c'est elle qui t'a allumé comme une. Comme bah, disons que comment. Je vais dire ça assez simplement. Non, mais tiens, il y a des meufs. Des fois, ça arrive, tu vois, la meuf, genre, limite, elle te saute dessus, quoi, donc. Non, m'a pas sauté dessus, mais disons qu'avec cette deuxième meuf, j'ai appris ce que c'était que de baiser et pas de faire l'amour, quoi. Ah ouais. Ah ouais, c'est quand même plus sympa. Elle, tu la baises, l'autre. C'est quand même beaucoup plus mignon. Non, non, mais t'as. C'est plus sympa de se faire bien baiser. Non. But d'Arsenal. Ah là, but en direct, c'est Alexis Sanchez. But d'Arsenal en direct sur Skyrock. On vous tient au courant de tout ce qui se passe sur le terrain du Parc des Princes. Ils vous ont bien baisé. Paris, définitivement, rien ne va plus. Ah ouais. Et ouais, l'entrée de Giroud est en train de faire la différence. Je crois que c'est ça, ouais. Non, mais vous vendangez trop devant, franchement. T'as vu ou pas, c'est un 15. Ce qui est bien, c'est que vous avez bien fait changer d'entraîneur. Oui. Ça veut dire quoi, vendanger? Vendanger, c'est-à-dire tu vendanges, tu tires au-dessus des cages, tu rates tes occasions, tu vois. Alors on a, c'est quoi, 10 occasions, moi. Ouais, je j'avoue, crois, ils ont eu plein d'occasions à chaque fois, ils se manquent, ils tirent souvent sur le goal, ils tirent à côté. Ça vendange, donc. Ouais, ben ça vendange, tu l'entends dans tous les matchs de foot, c'est une expression. Et c'est la sanction immédiate. Ils gâchent des occasions, en fait. But d'Arsenal, un partout, Champions League, c'est le Champions League, à suivre sur Skyrock. Et donc, il reste combien? Il doit rester 20 minutes à peu près, hein. À un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Ouais, un quart d'heure, 20 minutes. Un quart d'heure, ouais. Eh bien, il va falloir marquer le PSG parce que vous êtes à la maison et c'est pas un bon résultat. Ah, ouais, c'est pas cool ça. Non, mais je pense que cette année, ça va être une saison de merde. Vous allez, moi j'ai on vu tout à l'heure. On va fermer ta gueule, on va marquer. On va en reparler en juin. Ouais. Y a pas de souci. Vous aviez Laurent Blanc, tu aimes bien Laurent Blanc est parti avec 20 millions, donc ça va pour lui, hein. Bah ouais, tu sais, on serait tous partis avec 20 millions. Oui, vous aviez Laurent Blanc, vous avez pris Emery. Alors, Emery, tout à l'heure, il regardait la pelouse. Ah. Il était là, il disait, il y a un trouche, il appelait les mecs, il venait bousser le trouche. Sérieux? C'est normal, gros. Ouais, non, mais c'était marrant. Ouais, c'est normal. Peut-être plutôt que de s'occuper de la pelouse, il ferait peut-être mieux de s'occuper de son équipe. Bah, il s'en occupe de l'équipe, il y a un partout, gros. C'est Arsenal, c'est la Ligue des Champions, gros. C'est un gros match. C'est la Champions League. Non, mais vous comptez quand même passer le premier tour. Bah, c'est la plus grosse équipe qu'on joue, c'est Arsenal du groupe. Bon, bah, en tout cas, pour l'instant, Arsenal. Méfiez-vous. Un partout. Avec méfiez-vous, les gars. Attention, c'est la Champions League. Et oui. La Champions League sur Skyrock vous est offerte par par qui d'ailleurs, tiens. Ah. T'as pas un sponsor, Romano? Ah non. Par le prince du hip-hop. Faut que je paye? Bah oui. Ah non, mais ça m'intéresse pas. Bah, sponsorise les trucs. Non, je sponsorise, mais gratos. Ouais. Et là, il y a Pastore qui rentre. Ah, à la place de Krikoviak. On est sauvé. Très bien. Bon, alors, Pierrot, on lance l'appel pour tout le monde. Donc, vous choisissez laquelle? Celle qui est loin et voilà. Donc, depuis 3 ans. Ou alors celle qui est près et avec laquelle t'as découvert ce que c'était baiser. Est-ce qu'éventuellement, sexuellement, tu penses que la meuf avec qui t'es resté 3 ans, tu pourrais arriver à la baiser comme l'autre? Dans tous les cas, j'ai préféré faire l'amour que baiser. Bien joué, bravo, bravo. Ah, c'est beau, c'est beau. Non, mais c'est t'es beau. Bizarre aussi. Non, mais frère. Des fois, tu peux aimer et baiser. Hein. Bah, Marie. Allez. Oui. Ah, non, mais évidemment, allez, mais. Alors. Mais c'est quoi? C'est toujours love, votre truc avec ton ex, là? Non, mais ouais, plus quand même qu'avec la deuxième. Ah, mais bon. Mais tu l'as fait quoi, la deuxième? Raconte-nous un peu, parce que ça m'intéresse. La deuxième, disons que, je sais pas moi, comment dire ça? Oh, bah, j'ai trouvé. Des familles, quoi. Comment? Hein? Grosse leleu des familles. Grosse levrette. Oui. Et avec ta meuf, tu faisais pas de levrette? Ah ouais? Tu peux le faire avec ta meuf? Non, pas trop. Ah ouais, donc elle était niveau cul. Bon, Romano, tu prends laquelle? C'est du cul. On fait un petit tour de table. Laquelle tu prends, Romano? Celle qui est prête, tu baises, ce que tu viens de dire, je pense celle qui baise bien. Donc tu prends celle qui habite à côté, celle de Toulouse. Et en plus, elle est sur place, donc. Karim, tu prendras laquelle? Putain, moi je vous ai dit les deux, mais bon, quitte à choisir, je prendrai celle qui est à côté, comme ça pareil. Je réagis bonne, vite fait, bien fait. Toulouse, ok, donc deux Toulouse. Ouais, pareil. Trois Toulouse. Ouais, bah ouais. Oh là là. Marie. Ah ouais, non, moi je prends l'amoureuse et j'essaierai de baiser l'autre aussi. De la bouger un petit peu, quoi. D'accord, Marie. Mais moi, le problème, Marie, c'est qu'au départ, je pensais comme toi, mais ce que je me dis, c'est qu'au bout de 3 ans, si t'as jamais réussi à la bouger, bon courage. Ouais. Moi, évidemment, je choisis l'amour, donc je choisis la fille de Bordeaux. All lover. Mais oui, bah faut bien garder un dessus. Beau gosse. C'est moi. Ouais. Bon, bah écoute, aussi. Pierre, vous nous dites au 41-759 sur la piste Skyrock et on te dit tout dans un instant. Tu bouges pas, Pierrot? Ouais, ça marche. À tout de suite. À tout de suite, Pierrot. Si vous aussi vous posez une question, n'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil. On ira refaire un tour au Parc des Princes tout à l'heure. On aura Bartek. Ah ouais, c'était un bordel là. Notre envoyé spécial au Parc des Princes pour suivre le match Arsenal PSG, PSG Arsenal plus précisément. T'es là, Bartek? Ouais, ouais, je suis là, ouais. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé, le PSG? Oh putain, c'est la merde. On joue trop en retrait. Ah. La merde, ça va, ils ont mangé Krikoviak. Parce que franchement, ils jouaient pas. C'est un bon joueur de base, mais ils jouaient pas. Bah ils ont bien fait de le sortir, ils ont fait rentrer Pastore à la place. Ouais, ouais. Il s'appelle le mec Krikoviak. Ah, et Savandange. Attendez, une occasion, une belle occasion. En plus, c'était bien parti le PSG, hein. Belle ouais, contre-attaque ouais. Du PSG. Mais un centre de merde. Et malheureusement exactement. Dégagé. Et en direct sur Skyrock. À tout à l'heure, Bartek. On te retrouve en direct. Bon, on s'occupe des voisins tout de suite. Le temps d'écouter Drake. Il y a Drake, One Dance. Et merci pour les numéros des voisins que vous nous avez laissés. Là, on va les appeler. On va s'en occuper. Il y a Arthur, tiens. Arthur qui dit, moi j'ai mes voisins, ils gueulent toute la nuit. Et à chaque fois, ils se tapent et s'insultent. Ma petite sœur est choquée parce qu'elle les entend. Ah, oh, l'enfer. Ça va, si tapent sur la gueule, faut appeler les flics quand même. Ah, bah ouais. On était plus sur les voisins qui putent, c'est d'ailleurs le problème qu'on va résoudre. Encore les flics, décidément. Le problème de Freelance qui nous a laissé un message. On va vous montrer comment faire. Vous avez des problèmes de voisinage? Un téléphone suffit, vous allez voir, c'est en direct et c'est sur Sky, après Drake. La radio qui t'offre le plus de places de concert, c'est Skyrock. This is Rihanna. C'est Nekfeu sur Skyrock. Black M. C'est MHD sur Skyrock. C'est Jules sur Skyrock. Maître Gims sur Skyrock. Après les 200 premières places pour la toute nouvelle tournée de Maître Gims, Skyrock double la mise. Soprano Baba. Il t'offre 200 places pour voir Soprano en concert dans toute la France. Soprano. Écoute Skyrock à tout moment et choisis ta ville. 200 places de concert Soprano en exclu sur Skyrock. Ouais, ouais. Soprano, un concert avec Skyrock. Skyrock. Est-ce que ça va ou pas? Promets sur Soprano. Julien Télouk. C'est un truc de fou. J'adore. Marcus. Tout le monde connaît son côté chafouille. Et tous les experts de la Team Game One vous présentent le talk show le plus fou sur l'actu du jeu vidéo. À mon avis, ça va être du lourd, ça. Team Game One, c'est tous les mercredis en direct sur Game One. Disponible chez tous les opérateurs et en ce moment en clair sur la TV d'Orange. J'arrive chez McDo. Je prends un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'embarquent. On arrive dans une base ultra secrète où des mecs bossent sur une équation de physique moléculaire et me demandent la solution. Mais tu t'y connais en physique moléculaire? Ben non, je suis en L. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson. Une moyenne frite et une moyenne boisson.

Higher powers taking a hold on me. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. C'est toujours trop court, Drake, hein. Drake et One Dance sur Sky. D-Fool, Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. C'est nous en direct sur Skyrock et en direct avec les dernières minutes du match qui oppose le PSG avec un but de Cavani à Arsenal. Avec encore un résultat Sanchez. De merde. Qu'est-ce qui se passe, le PSG? Mais moi, qu'est-ce qui se passe? Ça va être une année noire. Une année noire. Non, mais bon, on en parlait ce matin. C'est pas facile. C'est pas la folie. Bah ouais, c'est compliqué. C'est je pense que Laurent Blanc, il est mort de rire dans sa télé ou quoi? Ouais, je pense que Zlatan est mort de rire aussi. Moi, je pense que Laurent Blanc, il est je sais pas où en train de compter ses billets, gros. Ouais. Je pense que Zlatan, il s'en bat les couilles. Ah, il regarde pas le match. Zlatan. Zlatan est content, a priori. Zlatan. Zlatan ce matin là. Zlatan il attend son oseille du PSG quoi. Tiens, on a aussi parlé de Chris Brown ce matin dans l'émission. Vous avez entendu la dernière de Chris Brown? Ah non. Bah il s'est encore battu. Aïe. Le 11 septembre, invité tiens par la radio de Los Angeles dont on vous parle là, Power on the Six. Invité par Power on the Six, un grand match de basket de charité. Bon, Chris Brown joue au basket et puis bon, déjà il y avait des célébrations pour le 11 septembre. Bon, c'est le seul à pas s'être levé, le mec se levait pas avec ses potes. Il rigolait avec ses potes alors que tout le monde était debout en train de célébrer le 11 septembre. Bon, Chris Brown lui rigolait, il était content. Ça c'est mal vu au state. C'est mal vu, c'est vrai. Et après il a vu un mec qui soi-disant lui parlait mal et allait le choper dans les tribunes. Donc pour le match de charité, Chris Brown lui s'est tapé, il s'est fighté. Voilà, il s'est fighté. Ouais, c'est bien. Il a défoncé la gueule d'un mec tranquille. Merci Chris. Aïe. Mais pourquoi? Parce qu'il était pas content, Marie. Ah ouais, le mec lui a rien fait. Si, en fait. Il est trop dans la cam. Tu crois qu'il est trop dans la cam, Chris Brown? Il a un souci. Quand il était venu nous voir, il avait 17 ans, Chris Brown. Et je sais pas, il était frais, il avait pas l'air. Ouais, non, mais pas l'air camé. Ouais, il était cool. En déjà, ouais. Cédric, il l'a croisé cet été. Et moi, Oh là, il m'a forcé à le sucer parce qu'il était drogué au MDMA. Il m'a sorti sa grosse tub. Non, mais a priori, ouais, le mec, il a une grosse tub. Bon, je sais pas si. Je sais pas si c'est à l'année, mais là, a priori, il est dans une période où il se défonce sacrément la gueule, quoi. Ouais. Et le mec, il est difficilement gérable. Parce que apparemment. Je connais un mec qui a fait une soirée avec lui à Ibiza et le mec c'était c'est Mike Posner, hein, on le connaît très bien Mike Posner. Il a pris une pilule à Ibiza, il a fait une soirée avec Chris Brown. Tu sais que a priori le mec il devait faire un showcase, ça a été un bordel, le mec il voulait pas monter sur scène parce qu'il était défoncé. I'm défoncé, va te faire enculer fils de pute. Ouais, ça va pas bien quoi. Oui, ça allait pas fort. Allez, viens que je te tape sur le crunch. Bing bam boom. Donc voilà, dans un match de charité le 11 septembre en plus, Chris Brown s'est battu. Décidément, Chris Brown c'est un feuilleton. Lui tout seul, il est super lui. Ah mais laisse tomber. Bon alors, j'ai les résultats du sondage express pour Pierre, je vous les donne dans un instant, mais tout de suite occupons-nous, parce que c'est un manque, je vous le promets. Des voisins, c'est parti, on file donc chez les voisins. Que faire quand vous êtes comme freelance qui nous envoie un message, que vous avez des voisins qui puent. Donc vous avez des voisins qui puent sur le palier, ça emboucane tout l'immeuble et c'est terrible. Moi j'ai une voisine, elle pue le poisson, mais j'ai l'impression que c'est parce qu'elle se lave pas la culotte. Oh là là. C'est Elroy qui nous laisse un message. Salut Elroy. Il y a Téléfoot aussi qui nous laisse un message et qui dit: moi c'est un problème avec un voisin, non seulement elle pue mais en plus c'est une grosse conne, une salope, elle parle mal sur tout le monde. Et elle a mal parlé sur ma mère. Parle pas de ta mère. Voilà, parle pas mal, je vais te mettre une voilée. La meuf qui pue le poisson, il y a aussi les gens là qui plus le poisson. Ouais, le fish sent leur peau. Ouais, non, mais bon, là, elle, a priori, ça devait être la culotte qui sent la pisse, quoi. Ah non, mais t'imagines le truc. Bah ouais, ouais. Oh. Bah oui, il y a des gens, c'est des gros crades. Alors, la solution qu'on a proposée, c'est la solution de. Bah leur dire. De médiation. Simplement. Donc, on va leur parler, on va leur dire, on va leur demander. Donc, on a pris des numéros, mais alors complètement au hasard. Tu veux que je sois ta femme? On sait même pas s'il pue. Romano, je te nomme femme de D-Fool. T'as envie de te faire une demande en mariage, quoi. Tu es contente? Oh, je suis ravie. Voilà, et c'est pourquoi c'est pas moi, la femme de D-Fool. Eh bien Cédric, parce que tu n'es pas là ce soir. Voilà, c'est bien ça Romano. Parce que tu n'es pas là et que tu souffres très très très fort avec ta clavicule. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, excusez-moi de vous déranger, je vous appelle, c'est à la suite d'un petit problème, je suis votre voisin, je veux pas vous dire qui je suis, mais j'habite à côté de chez vous. Et on est assez dérangé par les odeurs qui sortent de chez vous. Ah bon? Donc, oui, donc on aimerait savoir d'où ça vient, parce que ma femme a le nez très très sensible. Et remarquez ça en passant devant chez vous à de nombreuses reprises, elle était un petit peu dérangée. Donc si vous pouviez faire quelque chose, ça serait très gentil. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je vous passe immédiatement ma femme qui va vous en parler un petit peu plus. Ma chérie? Oui, bonsoir madame. Ah, elle est là. Oui, bonsoir. Oui, vous n'avez pas un problème de canalisation chez vous? Bah non. Il y a comme des remontées d'égout. C'est moi. Allô? Oui. Oui, parce que j'entendais une voix derrière. Non. Votre mari est là? Oui. Ah bah je vais peut-être voir avec lui directement. Bah oui. Pour y me passer, merci. Oui, C'est parce que ma femme est très chaude, hein, je vous l'ai pas dit. Ah bah. Dès qu'il y a un homme aux alentours, elle y saute dessus. Ah ouais. Ah, donc, allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je suis avec mon mari, nous sommes de... Oui, bonjour monsieur. Nous sommes des voisins. On n'habite pas très loin, oui. Et j'ai remarqué une odeur nauséabonde en passant devant votre domicile. C'est moi. Et je me permettais de vous appeler pour vous prévenir et je sais pas, vous en êtes rendu compte, vous? Pas du tout. Vous habitez où, vous, madame? Ah ben, j'habite pas très loin de chez vous, là. Mais encore. Mais pour être clair, ça pue la merde. Je préférais qu'on reste anonyme, ma chérie, parce que je veux pas avoir des problèmes avec des voisins. Ouais, mais ça pue la merde chez eux. Je sais, on est passé devant, c'était ignoble. ça pue la merde, c'est vrai. Ah c'est... ouais. T'es gentil, les gens. Je l'ai pas fait, ouais. Vous voyez, habitez où, madame? Non, mais tu vois, Freelance, toi qui nous envoyais le message, je pense que la méthode, plutôt que d'aller voir les keufs tout de suite, la méthode du dialogue, elle est pas mal. Non, mais s'il rappelle le voir, là, j'aimerais bien sa voix au mec. Oui, ou, et après, on en a d'autres. Ah, bah oui, bah après, on appellera d'autres. Oui, s'il s'appelle Patrick, le mec, en fait. Absolument, oui. À qui vous avez parlé? Bonjour, c'est Patrick. Moi, je sens le sperme. Oh. Ils doivent parler. Mon collègue de travail pue la transpi, nous dit la bonne couille. Ah ouais. Ah bah, ces temps-ci, ça doit y aller, ouais. Ah, tu vois, tu les as vexés, la famille, elle répond plus, ils ont honte. Ah oui, tu vas en parler. Ils ont honte. Oui, il est parti voir dans les chiottes. Oui, il nous a dit qu'on pue la merde. Tu penses que c'est qui? Et c'est fini pour le match. Ah, c'est fini pour... Allô? Allô? Allô? Allô? Bonjour, vous êtes bien? Bonjour. Bonjour. Bah bonjour alors, hein, il dit bonjour. Fin du match du PSG et des autres matchs. Et encore aussi. Match de merde pour le PSG, quoi. Bah ouais, mais qu'est-ce qui se passe en Champions League? C'est la Champions League? Pa. En fait, j'ai compris le délire. C'est qu'ils jouent bien, mais ils galèrent à marquer des buts. C'est un truc. Bah, c'est quand même le but du foot, hein, quand même. Ouais, je sais. Mais mieux jouer mal et marquer plein de buts que jouer bien et pas même marquer. Même Samy, il a vu, on a eu un nombre d'occasions. Non, j'ai vu, putain, en 15 occasions, vous avez marqué 10 buts. C'est un truc de fou. Après, Arsenal, ils ont bien défendu, ils ont fait leur match aussi, tu vois. Bah, un partout, hein. Ouais, un partout, et à la fin du match, il y a Verratti qui s'est pris un carton rouge avec Giroud. Les deux. Ah, Giroud aussi, carton. Ouais, carton rouge, les deux, ouais. Bah, Giroud, il sera pas resté longtemps, en fait. Ouais, c'est clair, ouais. Et Verratti aussi, qu'est-ce qu'il a fait, Verratti? Bah, il s'embrouille, ouais, je sais même pas, gros. En fait, je crois que c'est Giroud qui a poussé Verratti. En fait, Verratti est arrivé vers Giroud. Giroud a pas bougé. Verratti s'est pris Giroud. Et ils sont tombés les deux en même temps. Genre, Giroud, il a dit, t'as Giroud 1m90, Verratti 1m60. Ouais. Après, ils sont un peu pris la tête, ils ont eu un rouge. Et l'arbitre, il a dégagé les deux. Voilà, comme ça, c'est géré. Un partout, donc, entre le PSG et Arsenal pour le match de la Champions League. Ce soir, demain, on aura Monaco et Lyon à suivre. On en reparlera dans l'émission. Et puis pour les autres résultats de ce soir, Barcelone, ils ont cartonné. Ah, Barcelone, ils avaient perdu le week-end dernier, Barcelone. Ah, en là, ils sont rattrapés, là, tu vois. Combien ils ont fait? 7-0. Oh putain, 7-0. Ah ouais, quand 7-0. Même. 7-0. Combien de buts de Messi? 3. 3, pas mal. Ça va. Combien de buts de Neymar? Neymar 2 aussi. Ou 2, ça va. 1 ou 2. Ouais. Suarez, il en a mis 2. Bon, tout va bien. Putain, le Bayern aussi, ils ont gagné 5-0 contre Rostov. Et PSG qui fait match nul. Il y a Paris qui galère, gros. Non, il y a Bâle contre Ludogorets. Ils ont fait un partout, les gars. Très bien. Il y a quoi d'autre comme match? Il y a deux poules en plus. Il y a Benfica, Besiktas contre les Turcs. Ça fait un partout. Il y a Dynamo Kiev, Napoli, ça n'a pas bougé. Il y a 2-1 pour Napoli, c'est fini. Donc City, ça a été reporté. Et l'Atletico qui a gagné sur le terrain d'Eindhoven 1-0. Merci pour ces résultats, les résultats du PSG. Zlatan, on t'entend. Mais oui. Zlatan is the best. Bah oui, mais Zlatan, il est plus là. Et ouais, ça manque un peu. Tiens, il y a Mathudi qui parle à la télé, on va mater. Ah. Mathudi, Charo. Plutôt bon. Maintenant, voilà. Maintenant, il faut marquer les buts. Quand on oui, mais elle est très oui, bien sûr, mais ça va venir, ça va venir. Elle a compris. C'est bien, faut être confiant, faut être positif. Oui. Voilà, tout n'a pas été parfait, mais je pense qu'on a fait quand même un bon match ce soir. Il y a 4 séances. Même Samy disait que le PSG avait fait un bon match. Bien le croire, Alex. Un bon match, c'était un peu laborieux, je trouve. Un bon match de merde, oui. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire. Match tout pourri. Ah, il galère un peu. Et voilà, tout claqué. Moi, je pense toujours que ça va marcher pour Paris. Un bande de cagoles. Il galère un peu, c'est vrai. Bon, voilà pour les résultats du foot. Et le foot à suivre demain sur Skyrock. Puis demain matin, si vous avez des matchs ce week-end dans votre ville, on vous offrira vos places à 8h, 8h moins 5. Sur Skyrock dans le morning, les places de foot pour aller voir les matchs de la Ligue 1. Les matchs du week-end prochain, c'est à gagner. Ouais. Et on va avoir Bartek qui sort du stade là. On peut avoir des voisins en attendant. Ouais. Alors on retourne chez les voisins tout de suite. Et puis on n'oublie pas le sondage qu'on a lancé pour Pierre. Vous choisissez une meuf avec laquelle vous êtes depuis 3 ans. Mais bon, au niveau baise, c'est pas super. Et elle habite à 300 bornes. Et ils sont séparés. Ou alors vous prenez le petit coup que vous baisez régulièrement, qui habite juste à côté de chez vous, qui elle est une chaudasse au lit, mais comme jamais t'en as rencontré une. Laquelle vous prenez? Les résultats arrivent dans un instant. Est-ce que vous avez choisi l'amour ou la meuf qui baisse bien? Résultat du sondage express, juste après nos voisins de ce soir. Alors nos voisins. Voisins qui puent, hein. Oui. C'est le thème. C'est le thème, c'est pour aider Freelance. Dès que vous avez un souci, vous nous faites signe. Répondeur. Allô? Ah non, allô. Oui, bonsoir monsieur. Allô? Oui, bonsoir, vous m'entendez? Allô? Allô? Ça va pas d'appeler à cette heure-là. Ça va pas d'appeler à cette heure-là. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire le mot hygiène, monsieur ? Hygiène, monsieur. Vas-y, rappelle-le. Lui, il est à bout de nerfs. Lui. Il décroche, il est vénère. Lui, il décroche, il t'insulte presque. Oui. Bon, attends, il est 22h43, ça va. Ça va, oui, ça va. Regarde, on est là jusqu'à minuit, donc ça va tranquille. Vous aussi, vous êtes là, hein. Ça ne va pas d'appeler à cette heure-là ? Non, mais dis-donc. Bah si, ça va, ça va. Ça va très bien, nous. Pour résoudre un problème, on essaie de résoudre le problème, là. Ouais, il a débranché son téléphone. Bon, son téléphone marche. Il l'a arraché. Bon, si vous essayez de joindre la personne qu'on en a eue juste avant, la famille. Il était injoignable pendant quelques jours. Pendant quelques jours, le mec est en crise de nerfs. Ah, c'est lui ? Ouais. Ah, très bien. Alors, attention. Tu as un bon contact avec lui dès le départ, j'ai remarqué. Ouais. Le mec a décroché dès le début, tu sentais que lui, eh ben, il serait pas facile. Des voisins comme on aimerait en avoir plus souvent. Et merci pour tous vos messages. Hein. Des voisins qui puent le poisson, des voisins qui puent la pisse. Ça, c'est à peu près dans la même catégorie. Ah, répondeur. Je ne suis pas disponible pour le moment. Oui, car je suis énervé. Romano de Skyrock m'a appelé. M'a foutu à bout. Je ne répondrai plus au téléphone jusqu'à vendredi prochain. Merci, au revoir. Et va te faire enculer, Romano. Oh, merde. Très beau message, ce répondeur. Ouais, sympa comme tout. Ouais. Allez, vas-y, fais péter. Allez, hop. On va chez Pierre. Pierre, très bien. On va donc chez Pierre. Moi, je pense que le dialogue, c'est mieux dans ces moments-là. Après, tout dépend si t'as vraiment des voisins à la con. Hein. T'as pas le générique des chers voisins ? Il y a Fekir qui nous laisse un message qui, lui, a des voisins ivres tout le temps. Alors, c'est vrai qu'avec des voisins ivres tout le temps... C'est lui, voisin ! C'est, par exemple, un bel exemple. C'est pas forcément facile... Allô ? Désolé, mais la messagerie vocale Orange 2... Régis, Poinsignon. Ah, Régis, Poinsignon. Qu'est-ce qu'elle a la messagerie Orange de Régis? Je ne peux plus recevoir de messages. Veuillez rappeler ultérieurement. Lui, il a une messagerie, mais il la consulte jamais. Voilà. Jamais. Il n'a pas compris comment ça marche. Je lui laisse un message. À lui, ça sert strictement à rien. Bon, écoutez, on préconise la méthode, cette très belle méthode du... Théo, tiens, mon voisin pue la bœuf. Ah. Non mais je préfère un mec qui pue la bœuf plutôt que les poubelles. Ah bah moi comme aussi. Hein. Ouais, c'est mieux, ouais. Ou la merde ou la pisse. Ouais, non mais c'est clair. Moi c'est les oignons. Bah, après, il y a des gens qui ne supportent pas l'odeur. Hein. Parce que la bœuf, ça sent bon. Hein. Ouais, non, mais il y a des gens qui ne supportent pas l'odeur. Oui, ouais, mais oui, enfin, je trouve que comme ça sent bon. Après, c'est vrai, il y en a qui. Oui, mais il y a des gens qui ne supportent pas l'odeur. On a compris, Il y en a qui ne supportent pas l'odeur. Non, mais surtout, et puis il y a des gens surtout qui peuvent appeler les keufs aussi. Oui, allô ? Allô ? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui ? Allô ? Dites-nous, monsieur et madame Lapince au téléphone. Oui, on se permet de vous appeler, on ne vous réveille pas. Non, écoute. Oui, en fait, nous sommes des voisins. Oui, attendez, je prends le téléphone, ma femme est un petit peu perturbée. Nous sommes des voisins, ils nous sont passés devant chez vous tout à l'heure. Oui. Et ma femme a remarqué une odeur assez nauséabonde. Vous voulez savoir si c'était pas chez vous, si vous n'avez pas un problème de canalisation ou d'hygiène, tout simplement. Hein. D'accord, je sais pas, je vais voir. Attendez, oui. Je vais descendre parce que. Oui, parce que ça sent très. De quel côté sent... Du côté de la grange ou du côté. Non, de tous les côtés. On était sur la route, hein, le trottoir, tout ça. Hein. Mais d'accord. Une odeur pestilentielle. Pestilentielle, oui. On a un ami qui sent exactement la même odeur et lui a des problèmes. Il a des problèmes d'incontinence, mais bon. De défécation sur lui-même. Oui. Donc c'est peut-être ce genre de souci. D'accord. Oui. Vous sentez c'est en bas là. Non. Mais je suis pas descendu encore. Ah ben il va falloir aller faire un tour. Mettez peut-être un masque. Hein. Ouais, c'est un peu comme des égouts ou pour être un peu plus vulgaire un paix. Hein. C'est de la merde. Le caca, c'est bon. Oui, ma ça sent la merde. Je sais, ma chérie, je sais. Oui. C'est le monsieur qui est pas très propre. C'est vous, monsieur ? Ouais. C'est qui, vous êtes qui ? Ah, on est des voisins, mais on préfère garder l'anonymat. Monsieur et madame Lapin, nous sommes. Mais nous restons anonymes. Oui. Mais ça sent la merde. Ça sent le fumier. Merde, hein, c'est parti. Ah bah voilà, ça s'appelle lui. Il est parti. Il a pas aimé. Voilà, c'est pour illustrer l'appel. Merci Cédric, toujours là. La grande classe. Ah bah évidemment. Pour nous faire plaisir. Bon, voilà pour Freelance, tiens-nous au courant. Et là, la prochaine fois, laisse ton numéro, parce qu'on aime bien vous avoir à l'antenne. Ouais, c'est bien, c'est mieux même. Après, ton message, il m'a fait rigoler. Tiens, j'ai un autre message qui m'a fait rigoler, c'est celui de Ilyes. Et on a toujours Pierre aussi. Tiens, faut que je te donne les résultats de ton sondage express. Ah ouais. Vous nous demandez ce que vous voulez sur Skyrock et nous, on fait. On fait de la radio ensemble tous les soirs, dès 21h. Alors, avant les résultats de ton sondage, juste le petit message que nous envoyait Ilyes tout à l'heure. Ilyes du 94 qui dit... Alors ça c'est étonnant, j'avais jamais... Mais ça doit exister, la preuve, regardez. J'ai un pied qui fait du 44 et l'autre du 43. Ouais. Ça me pose des problèmes pour acheter des baskets. Ah mais ouais. Y a-t-il des gens qui sont comme moi ? Ouais. Donc, t'achètes deux 44 gros. Non. Bah... Comme ils disent tous les vendeurs de chaussures, on a tous un pied fort. Ouais, t'es pas con, ça c'est vrai ça. Ouais, mais t'achètes une paire 44 et tu les mets, t'as un pied plus un peu. Ouais, mais tu nages dans la paire de gauche. Non, mais tu mets une semelle. Ouais, tu mets une semelle et ça passe. Ça arrive à tout le monde. Ma sœur, elle a ça et elle fout une semelle. Qui a ça? Ma sœur. Alors elle chausse du 28 et du 48. Ah, non, ça, non. C'est un peu, mais ta sœur est difforme. Complètement. Elle a une demi-pointure, mais une vraie demi-pointure, et du coup elle a des petites semelles. Ouais. Bah comme il y a des gens qui sont bancales, tu sais, qui ont une jambe plus grande que l'autre. Ouais, ça c'est relou parce que tu boites. Bah, non, mais pareil, tu mets une semelle dans la pompe et ça équilibre en fait. Mais c'est pas Beckham qui avait une jambe plus grande que l'autre, hein? Ouais. Ouais, je crois, il me semble. Ah, Beckham. Ouais, où il avait un sixième doigt de pied. Ça n'a pas empêché de jouer un truc comme ça. Un sixième doigt de pied. Non, non, sixième doigt de pied, je crois pas. Ouais, je crois il avait les pieds bancales ou un sixième doigt de pied, je sais plus, un des deux. Alors il y a Charles Villeneuve qui nous propose de le raboter le pied, qui est une, c'est une bonne c'est idée. Bien. Ah, il y a Cerise, elle a 22 ans, dans le Calvados, et elle nous dit, moi j'ai un pied plus grand que l'autre. Ah bah tu vois. Bon, en tout cas pour l'histoire de la chaussure, c'est vrai que c'est pas con, Karim, tu prends des chaussures plus grandes. Bah oui, c'est ce qu'ils disent dans les magasins. Et une semelle. Une semelle. Et une semelle. Bah par contre, il voulait savoir s'il y avait d'autres gens qui étaient comme lui. Est-ce que vous avez. Bah c'est vrai que Sabine a raison, on a toujours un pied plus gros que l'autre. Bah ouais, moi c'est mon pied gauche. Bah c'est le pied d'appel en général. Ouais, non, parce qu'il est un peu plus costaud en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ou sinon, tu peux te couper les doigts de pied qui font du 44. Et comme ça, ça te fait. Ouais, mais 43. Super, merci Karim. Elle est super. Eh oui. Elle est bien, quelle idée. Il a pris la place de Cédric, hein. Oui, vous avez remarqué. Il a récupéré l'humour aussi. Tiens, Usain Bolt, il a un pied plus grand que l'autre, lui aussi. C'est Nas, elle a 18 ans, elle nous envoie le message. Bastia 2B, bonjour la Corse, qui nous dit pareil. Ah, il y a mes couilles qui nous laisse un message et qui nous dit, ben justement, mes couilles, moi, elles sont bancales. Mais ça, c'est normal. Ouais, mais ça, c'est normal, c'est pour pas qu'elles s'entrechoquent. Ça se cogne, ouais. Ouais. Ouais, c'est logique. Et on parlait foot il y a un instant, il y a aussi Saint-Etienne et Nice qui jouent cette semaine. Europa League, ouais, c'est jeudi. En Europa League. Et Marseille, vous êtes pas vous? Non, nous tranquille, nous, c'est, on regarde la télé cette année. Bon, on suivra ça. On suivra ça. Donc demain Monaco et Lyon, et puis Nice et Saint-Etienne, grandes équipes de Ligue 1 hein, quand même. Ouais. Jeudi soir dans la radio libre, à pas louper. T'as pas un pied plus grand que l'autre, toi, Pierrot? Non, pas du tout. Est-ce que t'as des trucs plus gros? Enfin, je sais pas. Ouais, alors c'est vrai que la couille gauche, logiquement, elle est plus basse que la couille droite. Je sais pas si c'est pareil pour toi. Ça dépend. Hein, bah, pour tous les garçons, hein, il me semble. Ouais, mais non, je crois que c'est toujours la gauche qui est plus grande, qui est plus basse que la couille. Ah ouais. Je sais pas, Romano, c'est la couille gauche qui est plus basse que la droite ou pas? Ouais, vas-y, t'as. Il est en train de se tripoter les couilles pour bien vérifier. Vérifie. Ah, non, mais c'est bon, c'est pareil. Non, c'est bon. Moi, je sais pas, attends. Alors là, je sais pas du tout. Tout le monde, la main dans le ben. Non, c'est. Main dans les caleçons, les gars, vous nous dites. C'est la couille gauche. Ouais, c'est la gauche. Non, je sais plus, j'avais lu ça. On avait parlé dans l'émission. C'est là que j'avais appris. Ouais, c'est la gauche. Qu'est-ce qu'on apprend comme truc sur Skyrock? C'est quand même un truc de fou, hein. Bon, vous nous dites pour ça, si vous aussi. Ah, tiens, j'ai un sein plus gros. Ouais, mais ça, c'est normal, les filles. Ouais, bah, ouais, Pamela, par exemple. T'as le jingle de Pamela Romano? Oui, bien sûr. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, quand tu voulais faire ma femme tout à l'heure, t'as oublié de faire une voix de femme. Mais le mec, il a rien capté. Hein. Non, mais ça l'a pas gêné. Hein. Non, j'ai vu, ça l'a pas dérangé, le gars, là. Bon, vas-y, fais voir Pamela. Elle, c'est les seins. Elle est blonde ou brune. Hein? Son sein gauche fait 85A et le droit 95E. Voilà, 85A, 85E. Enfin, elle est modéliste, quoi. Attendez, Pamela, hein. Pamela, le moment le plus sensuel de l'émission. Oui, en général, Pamela, on la retrouve le vendredi, mais elle peut venir n'importe quand. Et c'est vrai qu'elle a un sein, mais alors vraiment un sein beaucoup plus gros que l'autre. Ouais. Mais elle est si belle. Parce que. Oui, parce qu'avec un ça en A, c'est ça, un ça en E, c'est ça. Ouais, c'est Vraiment disproportionné. Toi qui la connais bien, Romano, elle est bancale ou pas? Non, elle est pas bancale, mais ça fait étrange. Oui, c'est mais elle est si sensuelle. Non, mais d'abord, avec ses trois doigts. Petite différence sur le sein, enfin sur le sein, ouais, c'est normal. Toutes les meufs font ça, ouais. Tiens, les pieds de Marie qui nous dit, moi, ma couille droite est plus grosse. Mais à noter. Ah, tu vois, donc on sait pas. Non, mais plus grosse, ça veut pas dire qu'elle tombe plus. Non, mais c'est, ouais, il y en a une qui est plus basse que l'autre. Ah oui, d'accord. Ouais, ce qu'on disait. Tiens, mes deux couilles sont pareilles. Gaël, 17 ans, qui est très inquiet parce que j'ai une testicule plus grosse que l'autre. Ça, c'est le message de Yaka. Oui, ça arrive. Moi, mon index est plus grand que mon majeur. Mais ça, c'est normal, ça, c'est le normal, panda. Ça. Merci, oui, c'est le panda. Logique. Panda du 95. Non, si l'index, non. Mais si l'index n'est pas normal, c'est pas normal. Ah, l'index, c'est celui qui montre. Ah oui, non, c'est pas normal. Ah bah non, c'est pas normal. Tu es E.T. Ah ouais, c'est bizarre. Non, mais c'est comme les pieds, il y a plein de pieds différents. Téléphone maison. Téléphone maison. Et on a E.T. qui nous écoute ce soir sur Sky. Les stars sont là, vous avez vu ça un peu. C'est pratique pour se gratter le nez ou l'oreille. Ah mais c'est comme les pieds, des pieds différents. Bon, ouais, il y a les pieds égyptiens, tout ouais, ça. C'est ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas quoi. Ouais, Océane, elle a la tête qui est bancale, elle penche du côté droit. T'as le cerveau qui est plus lourd à droite. Ah, et Kenny s'inquiète aussi, dit, moi, c'est ma couille droite qui est plus basse. Ouais, ah bah pareil, grand, alors. Pareil pour Carmelo aussi. Non, mais tant qu'il y en a une des deux qui est plus basse que l'autre, c'est l'essentiel. C'est le principal. Ouais. Marie a un anus plus grand que son vagin, nous dit Greg. Mais comment tu sais? Non, je te rassure, non, pas du tout. Merci Greg. Et Maxwell, 27 ans, lui, il a les couilles. Bon, lui, c'est les mêmes. Moi, c'est ma bite qui est un peu courbée vers la gauche. Mes potes m'appellent la banane. Salut à toi. Bon, donc c'est normal, c'est pas grave. Donc faut, il faut prendre du 44 pour les deux paires de pompes et tu mets des semelles. Ouais, tout simplement. Ouais, voilà, si ça te gêne, tu mets une semelle. Sur le pied qui est plus petit, ouais. C'est ça. Non, mais c'est, je savais pas qu'on pouvait avoir des. Bon. Ouais, je savais pas non plus. A priori, ça paraît logique, mais c'est vrai qu'on n'y avait jamais pensé à mais ça. Merci, Ilyes, pour ton message. En fait, le corps, il est pas symétrique. Donc ça veut dire qu'en fait, on croit que tout est pareil, mais rien n'est pareil. Bah, moi, j'ai un ami, il a la gueule en biais. Ah ouais, bah, tu vois. C'est pas symétrique. Ouais, oui, il est pas symétrique. Pas de la gueule bancale. Non, non, pas, ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, il dort. Mais je l'ai appelé à midi, il répondait pas. Je l'ai appelé à 19h, il répondait pas. Je l'ai appelé à 20h, il répondait pas. Il est sous cacheton, man. Je l'ai appelé, il se drogue. Non, mais il dort. Ouais, c'est ça, ouais, il se drogue. Ouais, il dort. Des trucs à bloc, ouais. Pour oublier la douleur, ouais. Pour oublier le pauvre Cédric. Ouais, ouais. En tout cas, ça fait mal, une clavicule. On a reçu plein de messages même des mails que j'ai regardé ce matin. Les mails que vous avez envoyés. Clavicule cassée, ça fait mal. Ah, bah, ouais, quand on entend. Ouais, parce qu'il arrêtait pas de gémir au téléphone. Bon, je sais que c'est une grosse balle. Tringue, mais je me suis dit, ouais, petite nature. Je me suis dit, il fait son cinéma, mais a priori, non, ça fait vraiment mal. Mais tu peux dire, Romano, que moi j'ai eu aussi un problème à l'épaule et que j'ai pas fait autant de cinéma que ça. Ah non, mais c'est clair. Toi, on t'a, et pourtant, j'avais beaucoup plus mal. J'ai juste cassé les couilles pendant 15 jours, mais. Voilà. Qui, moi? Moi, je mais moi. Ah non, mais t'étais un relou, hein, tu te rends pas compte. Ouais, c'est clair. J'étais pas relou. Ah si, si, t'étais relou. J'avais plus mal que Cédric. Ah, Pierrot, que c'était un gros relou, dit Foul, pour qu'il avait sa tendinite de merde. Ah, Pierrot, j'étais pas un gros relou, hein. Ah, pardon, non. Merci, Pierrot. Oh, t'as un gros suceur, toi. Eh bien, comme t'es cool, je vais te donner les résultats du sondage, puisque tu voulais savoir avec quelle meuf sortir. Ouais. Exactement. Il y a deux meufs. Il y a celle avec laquelle t'étais depuis 3 ans. Vous êtes séparés un peu parce que vous étiez loin. Elle est du côté de Bordeaux, t'es du côté de Toulouse. Et ouais. Donc il y a elle et qui baise un peu comme maman. Enfin bon, tu vois ce que je veux dire. Non. Quand tu veux dire, t'as des mamans, elles sont chaudes. Hein, moi, j'en ai vu sur le net. Un peu comme maman. C'est dégueulasse. Mais non, mais c'est une expression. Ah, mais t'es, c'est dégueulasse. Mais ouais, pas trop quoi. Mais vous êtes dégueu les gars. Alors comme tata, on va dire. Voilà, mais t'es dégueu aussi. Hein, laisse tomber les gars. Vous êtes bizarre. Bon, qui baise comme mamie, on va dire. Voilà. Ah, t'es encore plus heureux, mais c'est bon, j'ai rien avec toi. Bon, en tout cas, qui fait pas grand chose au niveau cul, et t'as l'autre qui est du côté de Toulouse, donc juste à côté de chez toi. Elle, c'est un petit coup que tu vas baiser, et elle te fait la totale. Fraîche. Elle envoie le bois, quoi. Oui. Alors, voici le résultat du sondage express. L'amour va-t-il gagner? J'espère que l'amour va gagner. Alors, attendez, je les ai mis où? Je les ai mis là, les résultats. Alors, vous préférez la meuf qui baise bien, qui habite à Toulouse? Ou alors la meuf à qui tu fais l'amour et avec laquelle tu étais depuis 3 ans. D'après vous, les réponses à mon avis, Toulouse. Hein. Tu penses que les auditeurs ont voté pour Toulouse? Les auditeurs veulent baiser les autres. Ah ouais, moi je crois. Ouais. Moi, parce qu'il y a eu l'argument que l'autre est le baiser moyen. Ouais. Eh bien, vous avez raison. Je pense que ça a joué en sa défaveur. Bah ouais. Vous avez raison. Ils ont choisi la Toulousaine à 61%, Pierre. D'accord. Celle qui baisse bien. Et l'amour seulement à 39%. Ça me rend un peu triste, les résultats de ce sondage express. Oui. Les auditeurs de Skyrock un peu. Sexuellement beau, hein. Excités. C'est ce des baiseurs. Oui, c'est des gros baiseurs. Ah, mais bon, tu nous as quand même expliqué que l'autre en 3 ans, pour la mettre en levrette, c'était la croix et la bannière, quoi. Bah, pour l'instant, c'est pas. Mais tu l'as jamais prise en levrette. Si, non, mais dis donc, en fait, voilà, c'est juste la différence entre baiser et faire l'amour, quoi. Oui, non, mais bon, tu peux être amoureux et donc, en gros, en fait, avec celle de Toulouse, il y avait vraiment aucune tendresse, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'était direct de la baise, tu baises direct. Ouais, mais des fois, c'est du bien, même quand t'es amoureux, hein. Ouais, bien sûr. Bien et sûr. Ça, avec ta meuf, tu te sens pas de le faire, ou alors elle te le refuse, ou elle aime pas ça? Ouais. Non, je sais pas, c'est différent, c'est juste un autre feeling, tu vois. Enfin, mais ça vient de toi, ou ça vient d'elle, ou c'est. Mais peut-être qu'elle, elle attend que ça aussi, hein. Non, je pense pas. C'est que vraiment, en fait, c'est beaucoup plus tendre. Voilà, c'est un couple, quoi. Tu vois. Alors que la Toulousaine, pas du tout. Oh, ouais, c'est une scène d'amour romantique et l'autre, c'est de la baise, quoi. L'autre, c'est un film de cul, quoi. Oh, ouais. Je mets la musique romantique. Ah ouais, c'est beau. Ouais. Le saxophone. Quand tu fais du YouPorn, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoute, voilà, Pierrot, pour l'avis des auditeurs. Merci. Après, moi je t'ai dit, tu sembles vraiment amoureux. C'est pour ça que j'avais sorti la musique de l'amour. Bon, malheureusement, ça marche pas avec les résultats du sondage, mais. Quand on en parlait tout à l'heure, on te sentait vraiment amoureux de plus de la première. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais. Bah, c'est toujours le cas. Hein. C'est toujours le cas. Non, mais bon, il faut essayer de la décoincer un peu sexuellement. Oui, à la limite, c'est un objectif. Ouais. Ça peut être excitant, ça, d'avoir une fille un peu coincée, de la décoincer. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Le seul truc qu'il y a, c'est que ça fait 3 piges. T'es resté 3 piges avec elle. Elle s'est pas décoincée des masses. Elle est pas décoincée. Non, elle est coincée. Ça va être compliqué. Il y a juste Samy de Toulouse qui voulait réagir. Ouais, il a eu la même en fait. Salut Samy. Putain, Toulouse, ça y va. Ah ouais, ça y va. On est là. Salut Samy, 21 ans et à Toulouse, c'est toi. Salut tout le monde. Salut. Coucou, Samir. Tout le monde. Qu'est-ce que tu voulais dire à Pierre, toi? Bah, après, il fait comme il veut. Mais moi, j'ai eu exactement la même expérience. Ouais. En plus, ben, mon ex était de Bordeaux aussi, donc enfin, voilà. C'est la même. Oh, c'est ouais. Pareil. Vous sortez avec la même meuf et vous avez baisé la même chaudasse à Toulouse. Non, non, je pense pas, mais c'était vraiment la même chose, donc c'est pour ça, c'est assez drôle. Et t'as fait quoi toi alors? Au final, j'ai choisi celle qui était de Toulouse, c'était beaucoup plus pratique. Ouais, ça c'est ça, ouais. Il y a des messages qui nous disaient c'est un vide couille à domicile, c'est quand même mieux. Message de Chris ouais. Sur SMS. Non, mais pour un peu, ça se transformera en amour. Hein. Peut-être. Non. Ouais. Bah, t'en sais rien. Ouais. Bah, en tout cas, j'ai entendu rigoler tous les deux. Je sais pas, mais moi, c'est pas ce que j'ai vécu. En fait, au final, elles l'ont su. Mm-hmm. Donc, elles se connaissent pas du tout, mais elles l'ont su. C'est ce qu'on vous disait, ouais. Donc, au final, j'ai tout perdu. Ah ben voilà, qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure, la méthode de Karim. Karim dit le même combat, méthode de merde. Mais quoi, ouais, méthode de merde? Et toi, ta méthode, Romano, c'était quoi? Bah, ma méthode, moi, c'est de niquer celle qui est sur place. D'accord, ok, donc tu choisis... Voilà ma méthode. Tu tranches à la majorité, c'est ça? Ah ouais, non, mais depuis le début. Hein. Ouais, celle qui baisse bien, donc. Et donc, au final, maintenant, il te reste tes mains, Samy. Non, maintenant j'en ai une autre parce que bon, c'était il y a un moment de ça, mais. T'en as qu'une là maintenant. Bah, quand même. Maintenant j'en ai choisi qu'une, oui, parce que j'ai fait l'expérience une fois, c'est bon. Ouais. Oui, c'est dur à gérer. C'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, une meuf à gérer, c'est pas facile. Mais alors, en fait, elle l'a su parce que je savais pas, mais elle avait encore mes comptes Facebook, donc forcément. Ben... Ouais, mais tu vois, on s'est souvent grillé avec Facebook. Plans, hein. Non, voilà. Mais en plus, toi, Pierrot, tu nous as dit les deux meufs, elles se sont déjà parlé et tout. Je t'ai dit, surtout qu'il y a une connaissance. Donc, après, je sais que venant de la deuxième, elle soufflera jamais, quoi. Mais après, si elle parle à une pote, qui parle à une pote, tu vois ce que je veux dire? Ça va vite, le monde est petit. Au pire. Mais si toi, ça va très vite. Et, oui, c'est vrai, mais au pire, essaye les deux si l'hôtel parle. Et du coup, toi, tu regrettes ou pas d'avoir choisi la deuxième? Ouais. Ah, t'aurais préféré. Ah, tu vois, l'amour, c'est bien ça. Merci, Lévi. Après, moi, c'est un cas à part. Enfin, je sais pas, nous, on allait se fiancer, on avait habité ensemble. Ah ouais, t'as tout niqué, toi. Mon pauvre Samy. T'as bousillé ton histoire d'amour, quoi. J'aime bien quand vous me parlez de vos histoires d'amour. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, et voilà, j'ai déconné, et je l'ai payé après, quoi. Oh merde. J'aime mieux quand les histoires d'amour se terminent bien, mais bon. Ouais, en général, c'est plus sympa. Merci, Samy, du coup de fil. C'est pas grave, je suis plus heureux maintenant. Ah bah, bisous à ta chérie, alors. Eh ben, oui. Ta chérie. Bis, Samy, merci à toi. On t'envoie le t-shirt Skyrock et Pierrot, tu nous tiens au courant. Ouais. Allez, merci. Ah, tu nous tiens au courant et tu nous expliques ce qui se passe pour la suite, hein, Pierrot. Ouais, ça marche, mais je pourrais vous rappeler. Et est-ce que je peux passer juste une petite dédicace? Une petite dédicace, c'est moi, je prépare Alonso qui arrive. On avait promis Binta. Bah, Binta, c'est dans un instant. Ça marche. Bah, alors, un bisou à Rémi, à BO2BY et aussi un gros big up à Tarte qui enregistre tous les replays des émissions et qui les met sur YouTube. Et bah, salut à Tarte, salut à toi. Salut monsieur Tarton. Salut Pierrot et des nouvelles très très vite. Allez, on est de retour tout de suite. Il y a Théo qui arrive. Ah, Théo, qui a un petit conseil à nous demander juste après Binta. Elle de la nuit, c'est une bombe, c'est une case. Binta. Minuit, elle fait tomber les enfants. Alonso, on écoutera du PNL tout à l'heure aussi. Et puis Calvin Harris et Rihanna qu'on avait promis. Tout ça avant minuit. Et vos places de concert pour aller voir Soprano, c'est sur Skyrock évidemment, hein, dans la radio libre avant minuit. Depuis la rentrée, Difool a déjà distribué plus de 30 000 euros en cash. Il faut me dire, quelle est ta radio préférée? Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. C'est Skyrock. Mais oui, c'est Skyrock. C'est gagné. C'est pas vrai. Plus de 30 iPhone 7. Ton iPhone 7. Le tout dernier. Putain, ça c'est bon ça. Romano a déjà arnaqué des commerçants. Des familles. C'est encore une arnaque ça, hein. Des vendeurs sur le bon coin. Et vous le vendez 50 euros, c'est ce qu'il y a marqué sur l'annonce. 550 euros. Non, t'enlèves les 500, tu me le lâches à 50 et puis ça ira bien. Ouais. Eh ben j'arrive. Et ce n'est que le début. 6h-9h. The Morning Show. Le Morning de Difool sur Skyrock. Julien Télouk. C'est un truc de fou. J'adore. Marcus. Tout le monde connaît son côté chafouine. Et tous les experts de la Team Game One vous présentent le talk show le plus fou sur l'actu du jeu vidéo. À mon avis, ça va être du lourd, ça. Team Game One, c'est tous les mercredis en direct sur Game One. Disponible chez tous les opérateurs et en ce moment en clair sur la TV d'Orange. The Morning Show. Envoie 1500 au 720 et multiplie tes chances de gagner 1500 euros toutes les demi-heures dans le Morning de Difool. Le 36-92 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 36-92, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 36-92. C'est très simple et surtout rapide. Télone, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. J'arrive chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ et là, un groupe d'hommes habillés en noir m'attrape et me jette dans un taxi. On arrive dans un amphi où plein de profs à lunettes m'attendent pour que

Romano. Oui, j'arrive de l'enfer, je suis Satan. Bonjour Satan. Non. Bonsoir. Difool. I say fuck you. Fuck ugly bitches. Cédric. Et je t'appelais ça pour savoir si ta femme elle était disponible pour venir. Je suis pas marié. Marie. Bonne chance. Elle en bouffe du chibre. J'adore ça. Ah ben elle adore ça. Samy. T'es sûr que c'est pas un bonhomme, elle avait pas une bite entre les jambes. Et Karim. Que veut dire mélancolique? Waouh. Difool Radio Libre. 21h minuit. Tous les soirs sur Skyrock. Bon, ça va la colique. Voilà. Ah, c'est voilà. C'est bien ça. Joué. Bien joué, Cédric. Voilà. Bravo. Parfait. Bravo. Bon, et sans Cédric, mais avec vous ce soir, hein, en direct, ouais. 01 53 40 30 20. Jusqu'à minuit, vous pouvez débarquer ici à n'importe quel moment. Faites le numéro, tombez sur la Marie, sur Samy, yes. Ou sur Karim. Nous, on a les messages qui défilent sous nos yeux, hein, Romano, sous tes yeux à lunettes. Tu vois plein de messages. Ça, le dernier, là, Why Knows. Vous prenez des stagiaires pour le stage de troisième. Ah putain, mais vous êtes plein à demander. Donc oui, on prend. Mais il y a la queue. Il y a la queue, ouais. Et ça m'arrive, vous avez vu qu'elle est contente. Ah ouais, grande queue. Et puis elle est grosse, hein. Une file d'attente. Non, mais on prend, ouais. Bah, tu peux. En fait, tellement il y a la queue, t'es en troisième, bon, tu pourras le faire quand tu seras à la fac. Ah, ouais. Tu feras ton stage de troisième. Ouais, il y a beaucoup de demandes, ouais. C'est marrant en plus faire un stage ici. Ah, ouais, c'est bien, ouais. Bon, salut Crotte de Nez qui vient d'arriver. Oui. Salut Crotte de Nez, bonjour à Fédor. Oui, bonjour également à Romain qui a 21 ans. Ah, puis il y a un message de Ondi qui nous dit tornade à Saint-Junien. C'est à côté de Limoges, ça, Saint-Junien. Dans le 87. Et à Confolence aussi, il y a des arbres partout sur la route. Mais tout à l'heure, il y avait des messages du côté de La Rochelle et de. J'ai eu Poitiers, moi. Et Poitiers. Ouais. Ah, t'as vu Poitiers aussi? Ouais, ouais, ouais. Il paraît qu'il y a des orages. Oui, sévères. Hein. Orage tropical, on nous disait du côté de Poitiers. Tiens, mais voir une chaîne info, Karim. Pour savoir comment si ça marche, gros. Bah, avec une télécommande. T'appuies sur le bouton, tu sais. Tiens. Je regarde. T'attrapes. Vas-y, j'ai. Marie se renseigne immédiatement. Marie, c'est un peu Evelyne Delias. Ouais. Non, c'est mais ça. Dites-nous si vous avez des gros orages du côté de. Ah, il y en a qui n'ont plus la télé. Tiens, on n'a plus la télé à La Rochelle. C'est, ouais, c'est, a priori, c'est un bordel. T'imagines, Romano, plus la télé. Non, mais heureusement, Skyrock fonctionne encore. Oui, j'espère qu'on est là. Bah oui, puisque tu nous écoutes là. Ou alors, vous avez Skyrock sur les réseaux, si les réseaux fonctionnent encore. Ah, bah tant mieux. Bon, allez, sur l'appli Skyrock, par exemple, pour écouter. Bon, on va mater ça. Merci pour les messages que vous nous laissez. On salue PSG aussi qui vient d'arriver. Il y a plein de PSG. On a un PSG 77. On a un PSG. PSG. 92i aussi qui nous a laissé un message. Et on avait avec nous Bartek qui a suivi le match et on va le saluer Bartek. Ouais. On vous le rappelle si vous voulez l'arriver. Il y a eu un partout Bartek, le PSG. Ouais, Bartek. Ah là là, il marche avec ses potes. Bah, Oh là là, putain. Marie, Marie, elle a toujours l'anecdote qui percute. Qui fait plaisir, ouais. C'est intéressant. Il est sous sa couette. Non. Il a mis ses souliers. Non. Il marche dans la rue avec des potes et ils ont des baskets. Là, tu sors du Parc des Princes, toi, Bartek. Ouais, je sors du Parc des Princes, mais franchement, je suis un peu dégoûté. Bah ouais, c'est décevant. On donnait la balle. C'était de la charité. Ce match, c'était de la charité. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, c'est-à-dire que vous avez eu beaucoup d'occasions et Samy disait que Cavani avait vendangé dans toute la surface. Ah, mais carrément. C'est le cas. Non, mais Cavani, il a fait son Giroud, c'est tout. Giroud, il s'est fait sortir en plus. Ouais, Giroud, carton rouge avec Verratti. Mais à Paris, j'avais pas d'autres mecs qui peuvent marquer que Cavani. Et il y avait Ben Arfa. Il était écarté. Ouais, mais c'est pas un numéro 9, les gars. Ben Arfa, c'est un ailier. Ouais. Là, pour jouer en place. Zlatan. Ah, moi, je prendrais Zlatan. Zlatan, the best. Zlatan, bah voilà. A priori, Ben Arfa, ça se passe mal. Ouais, ça se passe mal. Ça va mal. Ouais, on a parlé ce matin. Il l'a même pas mis sur la. Là, il est écarté la feuille. Il était au stade, il est parti regarder le match. Il le trouve trop perso, le. Eh ouais. L'entraîneur. Ouais, problème. Mais à chaque fois qu'il le fait rentrer, il le met en numéro 9 aussi, il fait chier. Qui est Marie. Ouais, alors que c'est pas son poste. Mais là, j'ai l'impression qu'il est peut-être pas prêt de rentrer. Ouais, non. Là, je suis aussi chez lui, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. Pas sûr qu'il ait fait l'affaire de venir à Paris, mais bon. C'était bon. Sûr. Bah, en tout cas, merci Bartek pour le match. Et, salut. Ah, c'est moi qui vous remercie. Salut aux potes parisiens. Et ben, on salue tous ceux qui sortent du stade et qui nous écoutent. Je peux passer une petite dédicace? Vas-y, fais péter. Je passe une grosse dédicace à Mathieu qui est avec moi et qui m'a trouvé les places. Oui, Mathieu. Franchement. Eh bien, Mathieu. Donne son numéro à Romano. Tu as 2 minutes. Ça peut lui servir. Je passe le numéro de Romano, il peut lui trouver des places. Voilà, oui. Pas de problème. Salut les gars, ciao. Une grande, grande dédicace au lycée Montalembert de Courbevoie. Ouais, Montalembert. Ouais, Corbitch. Montalembert de Courbevoie. Et du coup, il y a même Greta Maillot. Ouais, on t'envoie, tu bouges pas. Salut à toi, Martin. Bisous. Ciao, Martin. Bisous. Et des nouvelles des orages. Il y a 80 000 foyers privés d'électricité dans le sud-ouest. Ah putain, c'est énorme. Un message que vous nous envoyez, Ressé qui nous envoie le message. Eh bah, dis donc. Ressé comme le joueur du PSG. C'est ça, ouais. Salut, Ressé. Tiens, il y a Adrien. 80 000 foyers, ça fait 4 personnes par foyer, ça fait du monde. Hein. Sans électricité. Faut pédaler dans ces cas-là. Ah ouais. Hey. Tiens, il y a Adrien, lui, il a 15 km de Poitiers, 15 minutes, pardon, de Poitiers, et il a un peu de vent, mais il a toujours le courant. Très bien. Bon, bah, écoute, t'as de la chance. T'es tranquille. Profites-en. Bon, sinon, vous dormez, hein, s'il n'y a plus de courant. À Angers, gros orages toutes les 10 secondes. On a un éclair. Non, mais, ouais. Ouais, j'ai vu du côté d'Angers, de Nantes, là, entre les deux, il y avait des orages, on nous disait aussi. Non, mais ils disent, ouais, l'art orage hyper violent, dans l'Ardèche, l'Aveyron, la Charente. Hyper violon. Merci Romano pour les violons. Ça, c'est les hyper violons. Charente-Maritime, Dordogne, Gare, Gers, la Gironde. C'est ce qu'on vient de dire. Les Landes, le Haute-Garonne, la Lozère et les Pyrénées-Atlantiques. Ouais, donc, sur un gros non, mais elle a raison de faire. Bah ouais, je dis à tout le monde. Comme ça, on sait au moins où il y a des orages. Les Pyrénées alcooliques. Voilà. Atlantique. L'Atlantique. Oui. Atlantique. Eh bah, bon courage. Hein. Dégueu courage. Bon, en effet, bon courage à vous. C'est qui est con. Bon, voilà pour le foot, voilà pour la météo. Et bon courage si vous êtes sous les orages. Tiens, j'ai trop peur des orages et mon chien hurle à la mort. Ah bah tu vois, ah ouais, regarde, Adam qui nous laisse un message sur le 41759. Ah, j'aime pas ça non plus. Hein. T'as pas dit bah, où tiens, moi c'est pratique, mon chien il est un peu sourd donc il entend plus. Ah, il saute pas quand il y a. Non, il a jamais. Non, les orages, non. Ah, mon chat il aime pas. Hein. Non, c'est les feux d'artifice qui flippent. Ah, ah ouais, mais ouais. Les chiens ils aiment pas les feux d'artifice. Ah ouais, bah de toute façon, en général, quand il y a un feu d'artifice dans une ville, t'entends tous les chiens hurler. Ouais, oui, c'est vrai. Gueule. Bah il. Pour la musique, c'est... ouais, c'est bien les ambiances, ouais. Cet accompagnement. Bon, alors on est où là? On est en... ah, on va aller en Belgique. C'est bien, ouais. Ça. Bonjour. Et on a Théo aussi qui arrive. Alors il y a que j'ai eu des frites. Moi. Alors Théo, il est pas belge, lui. Non, il est parisien. Théo, parisien. Donc ah oui, tu peux pas parler trop fort parce qu'il est parent qui dorme à côté. C'est ça. Ouais. Théo. Oui, je suis là. Ah, t'es obligé de parler comme ça. Ah, ça va être un peu galère. Ah oui, si on parle, vous savez. Non, mais je peux parler quand même un peu fort. Ah, ça va là. Ah, putain, voix de beau gosse quand même, Théo. Voix de beau gosse. Tout de suite. Non, mais c'est mieux que comme ça. Oui, c'est mieux. Ah ouais, tu parles comme ça. Salut, c'est Théo. Belle voix. Ouais. Ouais. On me dit souvent que j'ai une voix grave. Je sais pas pourquoi. Parce qu'elle est grave. Ah si, c'est. Belle voix, belle queue. Marie, elle aime bien les grosses voix. Ah ouais, moi aussi, ouais. En plus, t'as 14 ans, putain. C'est une voix comme ça, 14 ans. Ouais, bah j'espère que putain, ça va pas trop salut, salut, ça va. Ouais. Bah ouais, j'espère que je vais pas commencer à avoir une voix trop grave, ça va être compliqué après. Non mais bon écoute, a priori non, quand on a sa voix, on la garde. Romano, ta voix, ouais, ta voix de prince du hip-hop, tu l'as depuis ta mue. Depuis ma mue, oui. Oui depuis ma mue. Mais... non, parce que j'ai déjà entendu des émissions il y a quelques années. Et... t'avais la même voix? Ouais, il n'y a pas vrai. D'évolution. Ouais. Non, ouais, c'est vrai. Non, mais de toute façon, sa voix, à partir du moment où non, je pense non, mais des fois, ça peut évoluer. Par exemple, ceux qui fument comme des porcs, tu vois, au bout d'un moment, la voix. Elle... oui, salut, salut, c'est Marie. Je te comprends. Toi, Théo, t'as eu ta grosse voix en même temps que les poils et tout ça? Ah, t'as des poils à la Osgeg. Tout de suite, t'as vu où elle en vient, Théo? Non, mais c'est vrai. Tout de suite, il faut qu'elle te parle de ta bite. C'est quand même un truc de fou. Est-ce que tes couilles, elles sont bien descendues? Enfin, Marie, calme-toi, je n'ai seulement 14 ans. Hein. Oui, non, mais attends, mais je suis pas excitée. Espèce de sale, hein. Marie. Non, mais je te pose une question. Tu as eu en même temps ta grosse voix et tes poils? Oui. Ah, voilà. C'était juste un petit sondage. Merci, Marie. Marie fait plein de sondages tout au long de la soirée. Ce soir, ouais, des sondages. C'est ça, exactement. Voilà, c'est sa nouvelle passion. Hein. C'est Marie Ipsos. Si vous voulez lui faire plaisir, envoyez-lui des réponses à ses questions. Les questions qu'elle se pose comme ça. Voilà, questions à merci. Con. Hein. Alors, Théo, qu'est-ce que tu voulais? Toi, tu voulais nous parler d'un problème de problème familial que vous avez peut-être connu si vous êtes un petit peu plus grand que Théo. Ah. Ou que vous connaissez si vous avez le même âge que Théo. Ta mère, elle flippe d'un truc. Mais tu vas nous expliquer. Dis-nous. Alors. Moi, je fais du handball depuis maintenant, ça va faire 4 ans, je pense. Moi aussi, j'ai fait du handball à l'UNSS. Voilà, bam. À l'UNSS, c'était voilà. À l'école, gros. Ah, mais c'est vrai, je faisais l'équipe, la meilleure équipe du Bahut, j'étais goal. C'est là où tu t'es pris la balle dans le pif. Non, mais je m'en suis pris une dans le pif, mais c'est pas là que je me suis cassé. Ah, j'étais goal, c'est vrai, non, mais c'est goal avec le pif. Ça devait être impressionnant. De quoi? Ah ouais, de ouf, ouais. Vous étiez super nul, non? Mais non, on était super bons. Ou alors les mecs en défense, ils déchiraient tout. Parce mais non, mais c'est vrai, ils déchiraient. Franchement, je te vois pas goal, quoi. Mais pourquoi tu me vois pas goal? Bah non, mais t'as pas un physique de goal. Mais bien, tiens, en général, dans les goals, c'était les. Trop fort au goal. Ah, tu vois, même. Je pense que Difou, il était trop fort au goal. Avec son nez, il arrête tout. Il crevait même les ballons. Bande de con. Non, mais bon, j'ai fait goal, hein. J'ai arrêté parce qu'un jour, j'ai reçu un ballon dans la gueule et j'ai vu tout tourner pendant longtemps et donc je t'arrête pas de tourner là, ça a pas arrêté. Tu as arrêté. T'as pas fait handball toi? Si, j'ai fait moi handball, mais pas au bahut quoi, en cours quoi. T'as fait UNSS même pas? UNSS, non, moi j'avais autre chose à foutre, moi je faisais de la trompette mec. Voilà, moi j'ai rencontré des SS. Ah bah c'est sympa, c'est sympa la fête ça. Du FN, c'était super. Oh ouais, trop cool. Ah, ouais. UNSS, ça existe toujours l'UNSS? Ouais. Ouais, si ça existe. Ah, ouais, si ouais. Théo, toi qui es le seul qui est au bahut dans ce studio. Ouais. Ça existe l'UNSS encore? Ça existe toujours. L'UNSS, ouais. Ouais, on a. Ouais, je crois bien. On c'est les trucs sportifs entre Bahut, départemental ouais, et tout, là. On était premier du département, non? Ah ouais, ça, ouais, je connais, mais je m'en fous. D'accord, ok, je ne poserai plus jamais cette question. Excuse-moi t'avoir fait chier pendant deux minutes. C'est trop bien l'UNSS. Ouais, c'est bien, moi j'ai j'ai bon souvenir. Il y a la rivalité entre les Bahut. Ouais, ouais, c'est cool, moi j'aime bien aussi. Bon, surtout quand comme on était premier. Bah hein. Oui, bah, un petit peu comme le PSG, mais l'année dernière, pas cette année. Pas cette année. Non, pas cette année. C'était grâce au goal, ouais. Eh oui, c'est clair. Bah, attends, c'est fou, ouais. J'ai niqué tout le trap de Saint-Chamond, du coup. Ouais, vous savez qu'on m'appelait Bouffon. Ouais, Bouffon. Le Bouffon du Hand. Le Bouffon du Hand, mais c'est bizarre. Le Bouffon de Saint-Chamond. C'était les mecs de l'équipe adverse qui étaient là tout le temps. Bouffon, Bouffon. Ah, ouais, je me dis, ils me prennent pour Bouffon, la classe quand même. Ouais, ouais, grave. Bon, alors, donc, Théo, explique ton problème. Ton problème. C'est un problème qu'on va résoudre. Donc, moi, ça fait 4 ans que je fais du handball. Mmh. Je suis goal aussi. Ah, bienvenue à toi, collègue. Collègue, ouais. Ouais, collègue. Et en gros, chaque année, donc je change d'entraîneur et je change aussi d'endroit où je m'entraîne, mmh. et parfois les heures. Et cette année, donc j'ai appelé mon nouvel entraîneur pour savoir c'était quand. Donc il m'a envoyé un message, il m'a dit c'est dans le 12e, 18h-20h, mercredi. Moi, j'habite dans le 7e. Alors. Donc déjà, ça fait une heure. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est un peu loin. C'est pas à côté. C'est un peu loin. Après, moi, je suis allé dire ça à ma mère. Ma mère, elle a dit, ah non, tu vas surtout pas aller dans le 12e à 20h, tu vas te faire racketter. Ah ouais, donc ta mère, elle filme, il y a plein des darons comme ça. Tu vas me dire, il y a aussi du racket. Non, hein. Mais ça existe. Hein. Alors, c'est racket sadique. Oui. Etc. Ah ouais. Racket sadique, etc. Tu diras ça à ta mère pour la rassurer. Donc toi, t'es dans le 7e, c'est non, ça? Non, mais attends, mais tu sais que, ouais. Non, mais tu sais qu'il y a des dingues. Dans l'immeuble de, la sœur de Carriole. Ouais. Elle a reçu un mot d'une voisine. Et en fait, la voisine, elle a un fils qui a, quoi, 12 ans, je crois. Mmh. Ouais. Et l'autre fois, il y a un mec qui l'a suivi dans l'entrée. Et le mec, il lui fait, tu voudrais pas me montrer ton ventre? Oh non! Mais non! Tu sais, le gosse s'est barré en courant et tout, normal. Bon, la mère, elle a prévenu tous les gens de l'immeuble en disant de faire attention que ce mec-là, c'était un tordu, quoi. Est-ce que tu peux nous passer ta mère pour qu'on lui raconte la petite histoire de Romano pour la rassurer un petit peu? Ouais, bah, je vais lui raconter ça, je pense qu'elle va tout de suite accepter après. Non, mais en plus, dans le 7e, il y avait eu l'histoire, là, le mec qui balançait de l'acide sur les gens. C'était dans le 7e. Pardon? Alors, passe-nous vraiment ta mère, parce qu'on a vraiment des trucs à lui raconter. Non, mais c'est très bien, il traînait du côté, mais il n'y avait pas qu'une station, hein. Je sais qu'il y avait métro invalide. La mode piquet, là, des stations de métro qui sont dans le 7e arrondissement. Ouais, 7e. Ouais, bah, je sais, je suis pas très loin. Et il y avait un mec, en fait, ce qui se passait, c'est que le mec, il avait une seringue dans le métro, et avec la seringue, dedans, il avait de l'acide, et ça brûlait les gens. Et le mec, il balançait imagine ça sur le les gens. Quand même. Putain, mais c'est un céréal. Non, mais le mec, mais ils ont mis super longtemps à le choper. Ouais. Hein. Il prend de l'acide, ça te défigure, non? Non, mais il y avait des histoires, il y avait des gens qui avaient été brûlés et tout, putain. Bah, tu passes toute ta mère. Je vais plus sortir de chez moi. On a des trucs à lui dire à ta maman. Bah oui, après elle va plus vouloir laisser sortir. Oui, mais bon, tu sais que vivre est un risque. C'est beau ce que j'ai dit. Tiens, regarde, il y a des messages du 12e, on en a plein là. Il y a Vivi, tiens, par exemple, on a des années qui est arrivée, Vivi de Paris, 75-0012. Il nous dit, j'habite dans le 12e et ça va, c'est pas le Bronx ici. Bah non. Tu vois. Non, mais après, de toute façon, c'est même pas la question de l'arrondissement ou quoi, c'est que... C'est les transports. Non, mais puis même sans ça, c'est-à-dire que dans n'importe quel arrondissement, tu peux te faire agresser ou racketter. Bien évidemment. Bah ouais, mais bon, il y a pas d'endroit, il y a pas de... À ce moment-là, comme disait Diffoul, ouais, tu sors plus de chez toi. Ouais, en sortant de chez toi, il peut y avoir un con en voiture qui a bu une bière. Bien. Attends, moi, j'ai eu cette année, là, juste cette année, j'ai eu deux amis qui se sont fait racketter, un qui s'est fait poursuivre par un mec chelou, et un autre qui s'est fait voler son portable. Ah, enfin, bah c'est vrai que c'est relou tout ça. Ouais, parce que c'est vrai, rien dire. C'est tellement bien qu'on vive tranquille. Je connais clair. Quelqu'un qui s'est fait carrément kidnapper dans le 8e. Très bien, Marie, elle te dit bon. C'est non, mais ils l'ont kidnappé pour lui demander tu sais son numéro de carte bleue et tout. Et ils l'ont relâché en dehors de Paris. C'était pas quelqu'un bourré. C'est en 8e. Non, mais faire ça pour un numéro de carte bleue, les mecs, ils risquent quand même. Ils risquent 10 ans de prison. Kidnapper quelqu'un, c'est au moins 10 ans. Ah, bah ouais. Ouais. Et pour un numéro de carte bleue. Suivez plutôt les conseils pas chers de Romano, c'est Maurice. Ouais, c'est pareil. Quoique. Ça dépend lesquels. Ça dépend des jours, ça dépend des matins, ouais. Et ouais, donc. Non, mais en plus, je pense que ta mère, il y a eu tous les trucs. Je pense qu'elle a ça à l'esprit. Il y a eu l'histoire des attentats et tout. Tout ça, le cumul de tout, ça doit pas la rassurer, quoi. Ouais. Je pense que ça aurait été dans n'importe quel arrondissement, elle t'aurait dit la même chose, c'est quoi. C'est clair. Oui, c'est vrai. Bah, c'est quoi le 12ème? Le 12ème, il y a pire. Hein, à, partir, ouais, ouais, à partir du moment où t'as une heure de transport, je pense que c'est ça qui dérange ta mère. C'est ouais, mon, ouais, analyse, mon analyse. Ouais, bah, une heure de transport, c'est vrai que c'est beaucoup. En plus, quand je vais, que je rentrerai chez moi, il sera 21h. Encore, je termine à 17h, ça peut aller. Mais... sinon, si c'est une heure, t'arriveras à l'heure pour l'émission, c'est déjà pas mal. Ou alors, ta mère, tu lui dis, bah, si t'as peur, paye-moi le taxi, ça m'arrange. Oui. Ça fera cher le. Ouais, l'aller-retour, ça va faire tout. Mais moi, je voulais te demander. Et après, je pense que tu regardes sur le net, tu trouves forcément une histoire d'un taxi qui a sauté sur un client un jour. C'est certain. Ouais, il y a eu. Et ben, il y a eu une meuf qui s'était fait tuer. Par un taxi. Ah bah alors, les histoires de Romano continuent. Non, mais en fait, la meuf, elle s'était fait ramasser à la sortie d'une boîte. Le mec, c'était un faux taxi. Et le mec, en fait, il l'avait buté, il l'avait violé et buté, je sais plus où, en banlieue parisienne. Ah ouais, je m'en rappelle. Non, mais c'était, ouais, ça avait fait des histoires. Parce que le mec, pareil, ils avaient mis un moment à le retrouver. Hein. Le mec, c'était dans Fontainebleau, je crois, dans la forêt. Il l'avait été jeté là-bas. Ouais, ouais, ouais. Il l'avait récupéré dans une. Ah, ouais, il lui a fait un truc de ouf. À la sortie d'une boîte sur Paris, ouais. Voilà. Donc, je vais vraiment envoyer l'enregistrement à ta maman pour la rassurer. Ouais. L'enregistrement Paris, de l'émission la vie et tout d'amour. Ce qui s'est passé. Non, mais moi, ouais, je voulais te demander, t'as des potes qui font du hand avec toi? Ah oui, bah, j'en avais la première année, mais après, bah, ils ont arrêté. Ah ouais, parce que c'est vrai que si tu vas y aller vraiment tout seul, t'auras pas un pote avec toi qui va t'accompagner. Ouais, mais tu vas te faire des potes. Non. Non, mais ce serait bien. J'ai des potes du handball, mais ils habitent pas, vers chez moi. Et il n'y a pas un club qui est plus près pour assurer ta mère? Bah, c'est pas, mais non, parce que ça fait 4 ans que je suis dans le même club. Ah ouais, du coup, ah ouais d'accord. Mais l'année dernière, pourquoi elle te laissait y aller? Moi, j'ai une équipe, j'ai mes. Mais l'année dernière, t'allais déjà dans le 12ème, non? Ouais, pourquoi elle te laissait y aller l'année dernière et que cette année, elle a plus envie? Non, l'année dernière, j'allais à Vaugirard, dans le 15ème, je crois. Ah ouais, c'était plus près, c'est vachement plus près. Exactement. Compliqué. En plus, c'était devant l'UMP, du coup. Il y avait de la sécurité, il y avait Sarkozy qui était là tout le temps. Allez, les putes. Bonjour. Bonjour, tu viens jouer au handball? Viens. Allez, donne la baballe, donne. Et ta mère, elle peut pas t'amener. Sarkozy joue au baby foot, mais sur la table. Ouais. Hey. Il rigole aussi. Ouais. Il rigole. C'est vrai. Ta mère, elle peut pas t'amener au hand? Bah non, parce qu'elle travaille, et puis en même temps, une heure aller-retour. Non, mais après, c'est vrai que c'est dommage d'arrêter. Putain, c'est con. D'arrêter de jouer, alors c'est un équipe, c'est pas. En plus, encore. T'as pas dans le Bronx, il avait raison avec son message. Non, mais en plus, t'as de la chance, t'es à Paris, peut-être t'as des moyens de transport. T'es dans certaines villes en province, t'es obligé de. Ta mère ou ton père t'emmène. Il y a Bassem du 69 qui nous dit: dégote-toi une gazeuse, je travaille. C'est interdit. Je travaille dedans, je t'en fournis une si tu veux. Ah bah Romano l'a dit, c'est interdit. Désolé Bassem. Non, mais en fait, la loi elle est mal foutue, t'as le droit d'en avoir une, mais t'as pas le droit de l'utiliser. Et t'as pas le droit de la déplacer. Et ça sert à quoi en fait? Bah, tu te bandes au mec qui a fait la loi, moi j'en sais rien, mais la loi c'est ça. Mais il n'y en a pas d'autorisée celle au poids? Non, t'as rien d'autorisé. Non, tu peux pas. De quoi qui est pas autorisé? Les bombes lacrymo. Les bombes lacrymo, c'est interdit. Non, puis tu veux pas te balader avec une bombe lacrymo. Non, tu peux pas. Ah, mais si tu te fais contrôler que t'en as une, c'est toi qui vas avoir des emmerdes. Donc, ouais. Et qui va se promener avec une bombe lacrymogène dans la poche? Ouais, il y en a. Il y en a. Marie? Ouais, il y a plein de meufs. Ouais, je l'ai fait moi à l'époque. Ou dans la portière de la voiture, des fois. J'avais du gel. Non, mais moi, je connais plein de meufs cordons. Ouais, pareil. Ouais. Après, c'est pas forcément énorme. Sac, hein. Ça tient. Non, c'est comme des petits dions de sac. Ah ouais, c'est tout petit. Comme la ventoline. Ouais, c'est ça. Ah non, c'était un peu plus gros. Non, il y en a des toutes petites maintenant. Toutes petites. T'as toutes les tailles, ouais. Ouais, un peu plus grosse que Yvan Malé. T'en as quasiment, c'est la taille d'un rouge à lèvres. Ouais, c'est ça. Ouais, toute petite. Ouais. D'ailleurs, l'autre jour, j'étais bourré. Je me suis défoncé la gueule. Trompé. Non, mais t'imagines. J'ai gazé la gueule en faisant du rouge à lèvres. Non, mais cela dit, une fois, je m'étais retrouvé comme ça dans une rame de métro où il y avait eu une un problème. Une rame de rétro. Non, une rame de Cronenbourg. C'est bien à toi de te foutre de ma gueule. C'était grave. Non, mais t'arrives pas à aligner deux mots. Non, mais ils avaient gazé, c'était l'enfer. Ah bah ouais, c'est-à-dire que toi, t'es dans le truc, mais c'est. Moi, ça m'est arrivé à Bâle du 14 juillet. Ouais. Ah bah sympa. Non mais il y avait un connard du rouge à lèvres aussi. Mais non mais il y avait putain il y avait un connard qui devait avoir une bombe lacrymo et ce con il s'est mis au milieu de tout le monde et il en a balancé mais tu sais les gens ils sont tous barrés du coup. Bah oui, évidemment. Parce que encore c'était en plein air hein, mais ça s'est répandu mais laisse tomber comment ça. En plus ça te nique la gorge, les yeux. Alors il y a des messages qui nous disent que c'est autorisé jusqu'à un certain pourcentage, il y a PG c'est le qui dit si lacrymo autorisé jusqu'à 6%, 6% c'est de quoi? C'est le poivre, elles sont autorisées. C'est quoi de 6%? En fait, tu as des bombes qui font le même effet que les lacrymos, mais qui sont faits avec un truc genre naturel, et celles-là, elles sont autorisées. Ouais. Je t'ai dit, c'est du poivre et je sais pas quoi. Ouais. Et c'est ouais, les lacrymos en mode vraiment avec du. J'avais immédiatement consulté mon code pénal. C'est ça, ouais. Tiens, regarde, Mathieu du 49 qui dit: moi, j'ai une bombe lacrymale dans ma voiture. Lacrymo, ça va être. Oui, c'est les corrections automatiques de l'iPhone. Ouais. Une bombe lacrymo dans ma voiture. Une fois, j'ai gazé un mec qui frappait mon ex. Je m'en suis pris aussi plein dans l'œil comme un con. Oui, c'est vrai. Il suffit d'un petit coup de vent et c'est toi qui ça te revient sur la gueule. De toute façon, même quand t'en mets, même s'il n'y a pas de vent, tu t'en prends dans la gueule quand même. Tiens, Greg nous dit qu'il a du gel lubrifiant dans sa poche au cas où il rencontre Romano. Ah, ah bah, très bien. Bah, écoute, nickel. C'est parfait. T'auras moins mal au cul. C'est bien, tu fais, tu prends soin de mon anus. Mm. Bercy, c'est dans le 12e, on nous dit? Ouais, je pense, ouais. De quoi? Quel truc? Bercy. Ouais, c'est dans le 12e. Ouais. Bah, ça va, c'est pas super, super, super dangereux. Bah ouais, voilà, cool. C'est pas un quartier. Bon, c'est, je comprends après les transports. Après tous les petits quartiers. Bon. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Théo? J'ai à peu près compris. Il faut qu'on solution. Bah, solution pour ta mère. Putain, c'est pas facile. Bah ouais, voilà, faut essayer de la convaincre, trouver des arguments, je sais pas. T'es comment? T'es baraque? T'es tout petit? T'es tout fragile? T'es comment? Je suis français. T'es transformé en Black M ou quoi? Tu es. Bah, je suis pas tellement baraque, je suis combien je tu suis pas gros. Combien je mesure? 1m60 peut-être. Ah ouais, t'es pas, ouais, d'accord, je comprends. Ouais, t'es un poids. T'es encore petit. Tu vois, par exemple, Romano, moi, je le laisserais pas faire une heure de transport, j'aurais peur pour lui, il est trop petit. Non, mais c'est ouais. Vrai, je prends. Tu t'es déjà fait agresser par une punk SS. Je te le rappelle, Romano. C'était dans un octobus, il était 4h du matin. Mais la punk SS t'a agressé quand même. Eh, tu l'aurais gazé si t'avais une lacrymo, elle? Ah bah si elle avait fait la folle un peu. Non mais si elle avait non mais si la meuf je vois qu'elle commence à nous sauter dessus ouais j'en ai une je lui fous un coup de gaz aux ailleurs. Bah les couilles. Parce qu'elle avait pas été gentille avec toi la punk SS. Non mais c'était une grosse facho. C'était une cassos un peu ouais. Aussi. Ouais c'était elle une grosse un cassos la meuf elle dormait dans le bus. C'est marginal ce qu'elle faisait. Elle était sale. Ah bah ouais tiens elle avait un bomber's dégueulasse. Tu sais elle était rasée sur les côtés mais au début j'ai pas vu parce qu'elle était en boule. Elle était en boule. Elle roulait. Non, mais ah, elle était couchée en boule. La meuf, elle était en boule par terre. Non, parce qu'en fait, on est rentré dans ce bus de nuit. Il y avait absolument personne. Et j'étais avec deux potes. Et la meuf, elle était tout au fond du bus. Mais au début, on l'avait même pas vue. Et la meuf, à un moment donné, elle fait vous voulez pas fermer vos gueules? Et moi, je lui réponds, bah, je sais pas si tu vas te dormir, va à l'hôtel, tu vois. Voilà, ça c'est bien. C'est un punchline, quoi. Et la meuf, ouais, mais en fait, c'est là où j'ai vu la bête, quoi. Et là, la bête s'est levée, et la meuf, en fait, elle était rasée, mais genre à blanc, tu sais, tout autour de la tête, avec une espèce de mèche dégueulasse qui tombait. Comme Cédric de temps en temps. Voilà, Cédric est un punk. Le bomber se noir, la meuf, elle met sa main, tu sais, à l'intérieur, elle fait, vous voulez que je vous gaze la gueule? Et là on répond bah non. Allez. Bah non merci madame ouais. Et après bon elle a tenu des propos voilà. Des propos pas très sympa. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non mais c'était arabe machin Ouais ouais bon les trucs Yaboul des propos. Exactement ouais. Yaboul. Bon donc on voit Théo on peut peut-être vous demander si vous étiez parent. Est-ce que ça vous inquiéterait? Vous avez un fils, t'as 14 hein, toi Théo. Ouais voilà. Donc imagine-toi parent. T'as un fils de 14 ans. Il t'explique, bon, qu'il fait une heure de transport, à 21h il fait nuit, tout ça. Ah, moi je le laisse. Est-ce que tu le laisses ou pas? Ah, bah ouais. Toi Théo, tu ferais quoi? Tu le laisserais? Bah, ça dépend. Si je vois qu'il est mature, je sais qu'il va pas faire des conneries, je pourrais peut-être le laisser, si j'ai confiance en lui. Ouais. Après, si je sais qu'il va aller dans les vieilles ruelles pour prendre un raccourci tout pourri, bon, bah, bof. Oui, viens dans les vieilles ruelles, c'est pas très bien. Oui, absolument, oui. Moi, je l'ai fait, il n'y a jamais eu aucun problème. Hein. Ouais, de quoi, t'as fait quoi? Mon fils. Elle a fait Marie. À 4 ans, elle allait en rêve parti. À 4 ans, le fils de Marie, il allait en rêve. Prenez l'avion tout seul. Ouais, tranquille. Ah non, mais sérieux. Hein. T'as pas des grands frères ou des grandes sœurs, Théo? Si, bah, ouais, mais ils sont un peu loin. Enfin, mon frère, il a 25 ans. Il est chez mes grands-parents et ma sœur, elle a 24 ans, mais là, elle est au Cambodge. Ah oui, c'est vrai que pour prendre l'avion pour t'amener au hand. Ah, mais t'as pas un pote qui fait du hand qui habite près de chez toi? Non, on a déjà demandé, Marie. Non, c'est pas grave. Ouais, c'est chelou parce que moi je vois. Un but de Cavani. Non, ouais, il a marqué un but. Il est vraiment trop fort, ce Cavani. Ouais, d'ailleurs, qui a gagné? Vous êtes vraiment un partout, il y a eu. Parce que moi je vois, j'ai un neveu, il a 12 ans, tu sais, il fait, je sais pas, une demi-heure. C'est la Caïra? Non, l'autre. Mais l'autre, le grand aussi, maintenant, qui a 13 ans. Parce que Romano, il a un neveu, c'est une Caïra. Bah ouais, ouais. Ah ouais, mais il faudrait qu'il se calme un peu. À force d'écouter Skyrock? Non, justement. Non, mais si, il écoute, mais... Ouais, non, mais il fait que des conneries, en fait. Il est dans la phase où il ne fait, mais que des conneries. D'ailleurs. Il doit se faire démonter par sa mère. Ah ouais, mais ils n'en peuvent plus, tu sais, ils savent plus quoi faire. Même pas. Mais il est en cinquième? Ah ouais. Il est... ouais, c'est ça. En cinquième? Bah, c'est normal. En cinquième, en sixième, c'était comme moi, vu qu'on se sent beaucoup plus libre par rapport à la primaire, on fait n'importe quoi. Bah, sixième et cinquième, et tu vois, ils font une demi-heure de bus, un peu plus même, tous les jours pour aller au bahut tout seul. Hein. Et bah, jusqu'à maintenant, il n'aurait rien arrivé. Oh là là, égalisation d'Arsenal. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. C'est dommage. Raté, Marie. Ouais, c'est ça, ouais. Pas loin, mais raté. pas mal d'émissions. Enfin, je vais vous épingler à chaque fois. Et alors attention, on va se faire épingler, je sais quoi. Ouais. Les expressions, voilà les trucs. Ça veut dire quoi? Je vais vous épingler. Les gars, tu sauras quand tu te feras épingler, man. Et je crois que tu rigoleras moins. Tu rigoles comme quand le Arsenal a marqué. Ah ouais, putain de ouais, merde. Ouais, exactement. Bon, donc pour Théo. Bah, de toute façon, tu l'as. Romano, tu laisserais, toi? T'as 14 ans, ouais. Ouais. Moi, je laisserai, ouais. Moi aussi, pareil. Ouais. Moi aussi, je laisserai, mais bon, je tresserai un peu quand même. Ouais, de temps en temps, parce que tu vois, tu mesures 1m60, bon. Non, mais tu peux laisser des. Mais souvent, hein, tu vois, le matin, tu vois plein de petits dans les bus. Ouais, dans le métro, bien sûr. Hein. Ah ouais, tout seul, ouais. Après, faut pas vivre dans le flip, ouais, c'est chiant. Moi, je l'ai fait avec mon fils, tout va bien. Ouais, je vous dis, à 2 ans. Non, mais. 2 ans, il allait au bar. Je l'ai laissé dans le métro. Non, mais. Il allait rentrer à la maison maintenant. Démerde-toi. L'avantage, c'est que t'as le téléphone, tu vois, donc s'il y a un souci. Après, Théo, franchement, essaye de voir avec tes coéquipiers ou même ton entraîneur. Peut-être qu'ils peuvent pas te ramener jusqu'à chez toi à chaque fois que tu entraînes, mais t'avances un peu. Et ta mère, elle aura plus qu'à faire 10 minutes de route, tu vois. Toi, ouais. T'avances dans un quartier plutôt tranquille, enfin que ta mère juge plutôt tranquille. Et où elle peut venir, peut-être ta mère, te récupérer, même si elle doit rouler un quart d'heure, elle le fera pour toi. C'est ouais, t'as raison. Tu n'es pas en sport études, tu n'as pas entraînement tous les jours. C'est tu as quoi? Tu as 2 entraînements par semaine? Ouais, enfin non, j'ai seulement un entraînement là. Un entraînement, ça va, ta mère, elle peut faire un entraînement, elle peut rouler une fois. Et il y a Charles Villeneuve, alors là, qui a fait le trajet complet. Il y a 12 stations entre Grenelle et Bercy sur la ligne 6 du métro. Merci Charles Villeneuve, qui travaille à la RATP maintenant. Ouais, salut Charles. Sinon, il y a Jojo Abarth qui dit, il fait du Krav Maga. Ah oui, il fait du sport de combat, comme ça ta mère, ça la sécurisera, elle dira, ouais, mon fils, c'est un combattant. Ouais, franchement, je pense que ça va pas changer grand chose. Hein. Bon, reste à l'écoute, si on a des idées, on te fait signe, Théo, et puis on t'envoie ton t-shirt collector Skyrock à la maison à Paris. Cool, merci beaucoup. Franchement, c'était grave plaisir de vous avoir, parce que ça fait, seulement 3 ans, mais c'est quand même pas mal. Mais écoute, merci Théo. C'est bien, tu tiens le choc. Merci Théo, raccroche pas et puis tiens-nous au courant pour les autres. Un conseil à la con, mais j'ai d'autres conseils qui vont arriver. Et dans les transports, tu vois, évite de sortir les trucs de valeur que t'as sur toi. Ah, quoi. Oui. Et d'ailleurs, évite d'en prendre trop. Ouais, c'est vrai, c'est chiant. Mais c'est plus prudent. Mais c'est la base du truc, quoi. Parce que forcément, les mecs, ils voient que t'as les derniers iPhone, que t'as un Samsung dans l'autre main. Ouais, que t'écoutes tout ça avec un Beats. J'ai un vieux Samsung. Ouais, et puis que tu regardes une vidéo sur un iPad. Bon, il y a plus de chances que les mecs qui viennent te casser les couilles. C'est clair. Ok, Théo. Ouais, t'inquiète. Eh ben, merci à toi. Et je peux gratter un maillot? Oui, je t'envoie. Tu bouges pas, Théo. Alors, cool, merci. Pour Théo, c'est géré. Dans un instant, je vous ai promis un tour en Belgique. Ouais, il faudrait rappeler Marion, ça a coupé pour l'orage. Vas-y. Ah oui, c'est vrai, on a un point à faire, point météo, avec des orages de fou. On aura Thibaut. Ah, il est à Poitiers, Thibaut. Il va nous raconter. Ah, salut. Elle est à Angers, elle, ouais. Salut, Thibaut. Thibaut. Ah, si ça marche. Ça, je me suis dit, on les a tous perdus, nos auditeurs, sous l'orage. Donc, ouais, là c'était l'anarchie là. Alors, tu vas nous raconter parce qu'il paraît qu'il y a eu des trucs de fou, des orages de fou. Racontez-nous, dites-nous. Et puis on aura Marion aussi qui doit être dans le coin. Alors toi t'es à Poitiers, Marion t'es à Angers toi. Salut Marion. Salut Marion. Salut. Salut. Toi aussi gros orage du côté d'Angers. Ah ouais, non mais c'est un truc de malade. Hein. Ouais, donc il y a une grosse zone là, qui est touchée. Hein. Bon, tu vas nous raconter un truc de malade pour Marion, truc de ouf pour Thibaut et Rihanna. Écoutez tout de suite sur Sky. This is a second song. Riri. Rihanna, c'est une tornade. C'est bien dit ça. Non, c'est joli, c'est bien ça. Dis ça à la télé. Rihanna, sur le son de Calvin Harris, This is a second song, les orages et la Belgique dans un instant sur Sky. Ouais. Planet. Ladies and gentlemen. Le jeu de la pièce, c'est simple. Des pièces de monnaie, des potes, un mur. Celui qui jette sa pièce le plus près du mur sans le toucher remporte la mise. À vous de jouer toute la semaine dans Planète Rap. La pièce, c'est le premier film du Watibé. Avec une pièce, on s'y fait. Je vais pas changer le monde avec ma musique, ça ne serait que Planète Rap reçoit les rappeurs de la bande-son et l'équipe du film. Planète Rap, la pièce. Planet Rap. Planet Rap. Le premier film du Watibé. Tous les soirs de 20h à 21h avec Fred sur Skyrock. Et sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Avec le vidéo live comme si t'y étais. Jolie course, t'as progressé. Ouais, si ça pouvait être pareil avec l'Inana. Pourquoi t'essayes pas de discuter par SMS? Envoie chat CHAT au 62333. Le chat avec photo. Chat CHAT au 62333. Le 3692 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes. Échangez vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 3692, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 3692. C'est très simple et surtout rapide. Télone 80 centimes.

With pleasure. With pleasure. Non. C'est ça. Tiens, il faudrait rappeler Marion de, qui est dans l'orage, que ça a recoupé. Ah ouais, Marion. Non, mais c'est la folie. Les orages, le bordel, c'est la folie. Bon, alors. C'est la folie, c'est le bordel, oui. Romano, est-ce que tu as été foudroyé dans ta jeunesse? Non, mais par contre, je connais. Alors, tiens, vous voulez une histoire glauque? Je connais un mec qui est mort. Alors, c'est la soirée. Depuis 23h, c'est la soirée histoire glauque. C'est super. T'as pas une musique de film, un truc. Non, je vais mettre un truc. Vas-y. Non, je vais chercher un truc. Hein. Vas-y, va chercher. Va chercher, Romano. Mais quand il y a de l'éclair, comme ça, on se met sous les arbres. On se met sous les arbres. Oui, Marie. Moi, je suis Romano. Qu'est-ce que tu dis, Marie? Mais faut surtout pas se mettre sous les arbres. C'est ce qu'ils disent, hein. Mais non, les arbres, ça attire la foudre. Mais non, mais t'es complètement taré. C'est le plus dangereux. Marie, sous un arbre. Le mieux, tu te mets sous un arbre avec une fourchette là-bas en l'air. Et les doigts dans la prise. Non, mais faut pas, Marie. Ah ouais? Mais non, mais Marie, dès qu'il y a un orage, elle se fout sous un arbre. Non, au contraire, faut se tenir dans un endroit le plus désert vide. Possible. Ouais. Genre au milieu d'un terrain de foot ou d'un champ. Et limite se mettre par terre à plat ventre. Ouais, voilà. Ah ouais, putain. Bah ouais, sinon ça tire la foudre. Ça, moi. Bon, attendez, il y en a qui étaient sous la foudre. Marion, on l'a retrouvé. T'es là, Marion. Ça attendez, pas longtemps, je cherche une musique pour mon histoire sympa. Oui, sympa. Parce que la soupe aux choux, c'était pas super, Romano. Non, mais c'est pas moi qui ai mis ça. Next, don't give it to you. Fuck, wait for you to get it. Ça, c'est Deadpool. Ah ouais. Ça c'est Pretty Woman, non moi cherche Romano. Alors, donc d'un côté on a Poitiers, c'est avec Thibaut. Thibaut t'es là aussi? Ouais je suis là. Et de l'autre Marion Angers, et on a plein de messages que vous nous avez laissés là. Tiens, il y a des orages qui ont détruit des volets du côté de Bordeaux, les volets de Léane qui nous envoie un message, qui a 21 ans, bisous Léane. Bah bon. Non, mais c'était l'anarchie. Alors raconte-nous l'anarchie Thibaut. Thibaut? Oui. Ah, je crois que t'as été foudroyé, tu me fais non, pas. Bah ouais, c'est clair. Déconnez pas dans des moments comme ça, déconnez pas. Ça a coupé un peu, ouais. Bon. Donc Thibaut. Ouais. Ouais. Ah bah qu'est-ce que t'as, putain, tu es en train de te mais pervers. Tu te branles ou quoi? On dirait un pervers, mais t'es en train de se lébran. Absolument, oui. Je suis le fils de Patrick. Ouais, je vous ai appelé pour me masturber. Exactement, oui. Ah non, c'était impressionnant à ce point. Peut-être qu'il est choqué aussi. Je sais pas ce qu'il a vu. Thibaut, il nous dit c'était l'anarchie. C'était l'anarchie chez toi aussi, Marion? Ah ouais, ouais, énorme. Ça s'est passé comment? Donc le ciel s'est obscurci. Ben moi j'allais dormir en fait quand tous mes volets ont claqué, etc. Donc du coup. Ah ouais, attends, ça a commencé par du vent en fait. Ouais, donc, ouais, voilà. Un gros orage. Mais ça a été inondé dans les rues parce que j'ai vu des images à la télé et des rues qui étaient inondées. Ben moi je suis à la campagne profonde alors. Il y a pas de rues, d'accord. Ok, donc oui, il n'y a plus de rues. Voilà. Les prés, non mais ouais, c'est tombé beaucoup, gros mais orage. Mais c'est quoi, il y a beaucoup de flotte, beaucoup d'éclairs, beaucoup de tonnerres. Bah, beaucoup de flotte, beaucoup d'éclairs, beaucoup de tonnerres. Ouais, c'est le déluge quoi. Ouais. Déluge. Et mon salon de jardin, il a volé dans mes volets, c'est un truc. Ah ouais, quand même, ouais. Ah ouais, ça devait souffler sacrément fort. Et toi, Thibaut, alors, tu nous as dit l'anarchie. Moi, ça a tout volé partout aussi. Hein. Moi, j'ai des poubelles qui ont traversé la route. Ah ouais, c'est que ça devait souffler quand même. Ouais, moi, j'ai ouvert mes volets. En fait, de base, moi, j'étais au foot. Vous voyez les éclairs au loin. Et je suis rentré et tout. J'ai mangé un bout. Je me suis mis sur la console, puis j'entendais du bruit. Et après, j'ai ouvert la fenêtre, mais j'aurais pas dû. Ah non, j'aurais pas dû. Idée. En plus, quand on fait des courants d'air, ça peut aussi attirer la foudre. Ouais. Ouais, c'est déjà arrivé, c'est une de mes tantes. Et t'étais en deux roues, t'étais comment? Ah, moi j'ai un pote qui avait pris la foudre. Ça avait grillé sa Freebox. Non mais tu sais qu'il avait appelé Free, les mecs ils lui demandaient. Ils ont rien compris. Ils ont rien compris. Le mec, donc il appelle, il dit ouais j'ai eu la foudre, j'ai fait bon tiens il avait fait déclaration à l'assurance. Et le mec au téléphone il voulait rien comprendre, il était là oui alors vous avez détérioré la Freebox, c'est 450 €. L'enculé. C'est clair. Et en fait il a pété un câble, il a dit mais tu comprends pas espèce de connard, ma baraque elle a pris la foudre. Et le mec il était là oui mais c'est 450 €. Oui, vous avez détruit la Freebox. Tiens, il est où? Il est à Nantes. Célim. Moi, je travaille à l'aéroport de Nantes. Tellement c'était le bordel et des avions qui ont du mal à atterrir. Ça pète de partout. De la pluie qui tombe de ouf avec un peu de vent, mais ça gronde très très fort. Et en plus, C'est Guillaume, 28 ans, du côté de Quimper. Tiens, il y a Alza Elka. Nous, à Tours, du jamais vu l'orage. Mais a priori, ça se déplace. Et il y avait des messages qui disaient que demain, ça arrivait sur Paris. Ah, des orages comme ça. Donc ça va. Ouais. Mais j'ai pas vu à la météo. Oh bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pas dit les cons à la météo. Les gens, ils sont vraiment bizarres. Non, j'ai pas regardé. Là. D'ailleurs, Romano, on va lancer un jeu en fin d'émission, le bug. Le bug mystère, on va faire. Ouais. Un bug à traduire, on vous le fera d'ici un petit quart d'heure. Ah ouais, demain, de l'orage, je prévois à 20h. Ah, à 20h, donc juste avant l'émission. C'est précis. Alors ouais, j'ai regardé le truc là pour les orages, et si t'es dehors, il faut pas rester debout, faut s'accroupir. Oui, ou même non, Marie, faut se mettre sous un arbre. Oui, c'est ça. Le plus grand, hein, c'est possible. En mettant vos mains sur les genoux, il faut retirer les chaussures si elles comportent du métal. Oui, bah oui. Et il faut rester le plus loin possible des clôtures. Non, mais c'est pour ça qu'une bagnole, c'est isolé, parce qu'avec le caoutchouc, avec la gomme. Et des points d'eau. Ouais, t'as raison, c'est isolé du sol, ouais. Le mieux, c'est la voiture, ouais, c'est vrai. Bon, alors, vous voulez que je vous raconte mon histoire? Ah, une histoire glauque. Musique. Allez. Oui, Romano, raconte-nous ton histoire. Bon, alors, il y avait deux mecs que je connaissais, quoi. Il y en avait un des deux que je connaissais moyen. Donc, il y en avait, ça veut dire qu'il y en avait un des deux qui est... Ah bah oui. Ah bah oui. Ah, c'est glauque, alors. C'est pas Walking Dead, la musique, là? Si, c'est ça. Ah, j'ai reconnu, putain. Bravo, Samy, mais c'était pas un quiz. Ah, mais je suis content. Putain, je suis content, moi, gros. Il y a un quiz, c'est trop heureux. Donc, il faisait du vélo, un peu, bon, à la campagne, dans la Beurche, vers Autun, là. Ouais. Et il y a un orage qui est arrivé, tu vois, là, il faisait beau et ça, le temps a tourné d'un coup. Et la foudre est tombée sur un arbre. Et en fait, elle est tombée J'étais dessous. Non. Non. Et en même temps, elle est tombée, tu sais, avec, je sais pas comment ça a fait, mais ça a touché. Ça a explosé, quoi. Ça a touché un des deux mecs et le mec, il est mort. Ouais. Putain. Bah, c'est normal après. Fait de la musique et le deuxième il était brûlé. Non mais ouais, ils disent sur le truc là que si t'es en deux roues, que ce soit vélo ou scooter, il faut absolument partir. Ouais, mais là il était en train de rouler. En fait, la foudre elle lui est tombée sur la gueule. Et si vous êtes en voiture, faut rouler très doucement. Mais oui. Pourquoi en voiture ça protège et pas en deux roues? Parce que t'as les pneus. Oui, mais en deux roues il y a fermé. Les pneus aussi. Ouais, mais toute l'armature elle en ferraille. Ouais, mais bon, si ça touche des pneus, ça. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas con ce que tu dis. Ouais, dans la bagnole t'es enfermé en. Il y a un isolant dans la voiture. Je sais pas. Ouais, en fait, la carapace de la voiture isole. Et sinon, voilà. En vélo, c'est toi la carapace. Ouais, bah, en tout cas, toujours est-il que ça fait flipper, ouais. Bah ouais. Ouais, t'as flippé, Marion, ou t'es du genre, bon, t'es habitué, t'as pas peur? Moi, j'ai flippé parce que j'ai mon chat qui est dehors, il est toujours pas rentré. Ah ouais, ouais, non, je comprends que tu flippes, ouais. T'imagines, t'as ton chat dehors, Romano, sous un orage? Non, mais je pense que les animaux, ils ont un instinct de survie. Tu sais, il va se mettre à l'abri. Ouais, tiens, le chat, il doit être terré quelque part. Ouais, il doit se dire, ça fait chier, c'est grave. Si ouais, vous êtes en voiture, oui, ouais, il faut toucher aucune partie métallique. Excuse-moi parce que je suis en train de dire le truc. Oui, et si tu as un arbre, tu n'hésites pas, tu sautes dessous, hein, te mets tout de suite. Il faut avoir ses deux mains sur le volant et rouler très lentement. Alors quand t'es côté passager, comment tu fais? Je pense que tu mets les mains sur le volant et également. Alors, si t'es à l'arrière, t'es dans la merde aussi. Là, t'y restes. Là. Achetez 4-5 volants pour votre bagnole. Et il faut pas faire de mouvements brusques. Bon, attention à la météo. Donc, non, mais de toute façon, c'est déjà arrivé. Moi, je me suis déjà retrouvé sous un orage. J'ai roulé, mais rien n'arrivait. Non. C'est la probabilité. Ralentir quand il pleut beaucoup. Non, mais la probabilité de chance que la foudre, elle te tombe dessus, c'est minime. Hein. Ouais, ça m'est arrivé. Mais c'est là, moi, je voyais pas à 5 mètres de moi. Hein. L'électricité choisit toujours le chemin le plus facile. Ouais, le plus direct. Ne pas toucher la carcasse métallique de la voiture. Bah oui, t'évites de t'allonger sur le capot, genre. Oh, il pleut, tiens, je vais prendre une douche. Non, mais genre, t'as la foudre qui peut toucher aussi des avions et ça compte. Non, mais les avions, non, il y a une cage de Faraday, ça passe à travers la carlingue en fait, pour sortir à l'arrière et pas passer. D'ailleurs, la voiture, nous dit Jay, fait office de cage de Faraday, pareil. Eh ben voilà. Alors, après, il y a toutes les églises où il y a les bâtiments hauts, il y a des paratonnerres. Paratonnerres. Ça attire le tonnerre. Et sinon, il y a des trucs de cassé dans je sais pas, à Poitiers chez toi, Thibaut? Ah bah, moi j'ai le barbecue qui a volé, le salon de jardin qui a volé. Ah ouais, t'as tout qui a volé. J'ai des branches un peu partout. Ah ouais, mais c'est quand même. J'aimerais bien savoir la force du vent parce que ça devait être. Voilà, je peux pas te dire, mais ça soufflait fort. Et toi, Marion, du côté d'Angers? Non, bah moi ça va, du coup les volets étaient fermés, donc le salon de jardin n'a rien cassé. D'accord, mais t'as pas su s'il y avait des dégâts, t'as pas appelé quelqu'un? Non. Tout le monde dort, chez moi, il y a que moi qui réveillais en fait. Bah, il y a que moi qui se me levait, ouais, c'est bien. Bon, super Marion, enfin un gros bisou. Est-ce que je peux faire une dédicace avant de partir? Vas-y. Je fais une dédicace à Maxence, à ma cousine et à Marion Rocher. Voilà. Et tu embrasses tout le monde et puis on t'envoie le t-shirt collector Skyrock. Ok, ça marche. Et Thibaut, merci à toi aussi Thibaut. Faites gaffe, il faut pas utiliser les appareils électriques. Ah putain Marie, t'as la relou. Tu sais que tu fais mal à la tête. Ah ouais, et d'avoir un ordinateur portable sur les genoux. Arrête Marie. Je vous le dis. Bon, on va aller faire un tour en Belgique. Et en Belgique, on va retrouver Orguian qui est avec nous. Oui, voilà. Un petit maillot. Vas-y, tu quittes pas, on t'envoie toi aussi. Salut Thibaut. Et donc, merci. Orion, c'est comme ça que ça se dit? C'est ça, Orion, ouais. Bonjour Orion. Allô? Bonjour, allô? Ouais, salut l'équipe. Salut la Belgique. Bien le bonsoir. Bonsoir la France. Et Marie, elle prend la tête, alors. D'accord, merci. Ouais. Ah ouais, putain, sympa. Moi aussi. Pire qu'une prof, hein, c'est un truc de. Ah ouais, un truc bah doux. Écoute, je donne les infos que j'ai lues. Oui, d'ailleurs, alors, sachez également que le PSG jouera ce soir contre Arsenal. Ça, c'est fait. C'est déjà passé, Marie, ouais. C'est passé. Eh, merde. 1-1. Alors, Orient, donc t'as 19 ans, et t'es où en Belgique, toi? Près de Mons. Près de Mons. Très bien. Et tu écoutes Skyrock comment? Sur la FM ou sur l'application? Sur Internet, Internet. Sur Internet. Vive Internet. Bravo, bravo. Bravo, bravo, Internet. J'aime bien ta petite accent, c'est bien. Alors, Orion, toi, tu nous appelles pour. Pourquoi? Pour un problème avec ta meuf, je crois, c'est ça? Voilà, c'est cocu or not cocu, en fait. Cocu or not cocu. Nous allons jouer dans cocu or not cocu avant de découvrir le bug mystère que je vous ferai écouter ce soir pour donner la réponse demain. Oui. Nous commençons par cocu or not cocu. Ouais, j'aurai quelques statistiques sur la foudre. Moi aussi. Alors, je vous déconseille de faire pipi quand il y a l'orage. Et de faire caca aussi. Non, tous les ans, il y a 50 à 100 personnes qui sont foudroyées. Mais qui meurent pas. Qui meurent pas. Il y en a, alors attends. Il y a 50 à 100 personnes qui sont foudroyées par an en France. Il y a 20 à 30% qui meurent. Et c'est pas le Karim Comedy Club, Romano. Non, mais c'est pas le Karim Comedy Club. Et en fait, il y a 1 million de coups de foudre qui touchent le sol par an en France. Ouais. Donc en fait, la probabilité d'être touché, c'est vraiment exactement faible. Exactement le nombre de coups de bite que j'ai pris hier. Et les zones où ça tombe le plus souvent, c'est en montagne au bord de la mer. Ah, t'as pas d'orage du côté de Monf? Non, il fait super bon, j'étais dans la piscine il y a quoi, il y a une heure? Oh putain, il a une piscine Ça vit à Mons, hein. Bah ouais, Belgique. Bon, et donc revenons-en à ton problème, donc cocu ou notre cocu, dis-nous. Voilà, bah au fait, j'étais... En fait, ma copine a caché son téléphone. Et j'ai pris les photos de son téléphone sur mon PC pour les remettre dans son nouveau. Très bien, pour les transférer. Voilà, merci avec l'accent, ça fait plaisir. Pas de problème, ok. Ça fait plaisir. Je peux te montrer qu'on se comprend. Voilà, et dimanche, tu vois, j'ai voulu remettre les photos sur son nouveau téléphone. Ouais. Et j'ai chopé des photos d'un mec en caleçon qui lui montrait ses abdos et tout. Un mec en caleçon qui lui montrait ses... Il bondait le mec dans le caleçon? Ouais, il avait une mimole, quoi. Il avait une mimole dans le caleçon. Et... Mais qui est ce mec, hein? Non, c'est son soi-disant meilleur ami que je connais pas, que j'ai vu une fois. Et... Ah ouais, son soi-disant meilleur ami qui lui envoie des photos de lui dans un caleçon en train de se mimoler, quoi. Est-ce que les photos ont été prises par une personne tiers ou c'est lui en selfie? Non, c'est lui. Il s'est parlé de cul, hein, Marie. Parce que, non mais quand t'as WhatsApp, par exemple... Quand tu prends des photos, ça rentre dans ton truc, dans ta galerie photo directement. Si t'es dans un groupe, si un mec envoie une photo, dans ta galerie. Tu l'as dans ta galerie. Ah, c'est vrai. Elle a raison, Marie. Ça peut peut-être arriver de là. Hein. Ouais, mais tu l'as dans ta galerie, mais quand t'as par exemple, WhatsApp, par exemple, dans l'iPhone, ça te crée un album. Dossier. Mais tu peux l'enlever, ça. Moi, c'est mélangé, moi. Tu peux l'enlever. Moi, ça se mélange, moi aussi. Ouais. Oui, parce que, par exemple, moi, tu vois, pour chaque appli qui utilise des photos, Instagram, par exemple, j'ai un dossier, toutes les photos que j'ai envoyées sur Instagram. C'est bien rangé, dis donc. Non, mais ça se fait automatiquement. Ouais. Hein. Ah ouais, mais c'est bien rangé quand même. Autoportrait, quand je me fais des autoportraits. Oui, moi aussi j'en fais plein. Panoramique. Pellicule, panorama, vidéo. Oh, la clavicule, Instagram, boomerang, layout, bon, tous les trucs. Non, mais moi aussi, mais ça se met. Donc, ouais, faut peut-être pas accuser ta meuf de. Va savoir si c'est lui qui a pris la photo. Oh, mais pourquoi elle a reçu ça aussi? Bah, parce que le mec, il lui a envoyé. Ah oui. Ah, tu l'envoies sans raison, toi. Toi, ça t'a énervé, mais moi aussi, ça m'a énervé. Non, mais ouais, je rigole, mais ça m'aurait foutu à l'heure. Non, mais qui a se faire enculer avec ses abdos, lui. Qu'est-ce que tu penses de mon torse ou un truc Ouais. Et puis après, je te montre ma bite. Qu'est-ce que tu penses de mes couilles? Mais c'est une mytho, ta meuf, surtout. C'est jamais son meilleur pote. Tu crois? Ouais, parce qu'en plus, elle me fait, il m'a montré ses abdos, s'il faisait de la muscu, machin et tout. En plus, le mec, c'est un gros pot, quoi. Ah, la vieille. Non, mais après, bon, c'est peut-être vrai aussi, tu vois. Non, mais bon, on voit le mal partout. Après, ça peut être, savoir. Ça non, peut mais être attends, pote, mais même si c'est ça, même si c'est vrai, moi je trouve ça abusé. Même si c'est ton meilleur pote, il a pas à te montrer son ventre, tu vois. Après, tu montres un ventre, c'est pas non plus. Mais rien, imagine le contraire, ça veut dire toi dans ton téléphone, Thibaut, tu reçois. Tu t'appelles pas Thibaut d'ailleurs. Non, il s'appelle Orion, moi. Et bien en France maintenant. Je t'appellerai Thibaut maintenant. Voilà. Hein? Ouais, imagine. C'est plus simple. Non, mais tu reçois une photo d'une pote à toi qui te montre genre ses nibards. Et tu dis non, mais ça va, elle voulait montrer ses seins, est-ce qu'ils tombent un peu ou pas? Ta meuf, elle va péter un pont. Ben, non, mais pareil. Et les seins et un ventre. C'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. Si, chez les mecs, c'est pareil. Tu sais, tu lui montres ton torse, c'est un peu pareil. Les abdos. Le torse et les seins. Voilà. Mais vous êtes taré. Il était pas obligé de baisser le bain pour montrer ses abdos. Donc non, mais de toute façon, c'est extrêmement choquant. Extrêmement choquant. Je vois des solutions que vous laissez sur les messages, on va en reparler tout de suite. Qu'est-ce qui est extrêmement choquant? Non, mais ouais, moi je suis d'accord. Tu serais extrêmement choqué. Non, mais la meuf, elle se fout de ta gueule, tu vois, c'est bon. Genre, le mec n'a pas d'autres personnes que ta meuf à envoyer la photo où il a le sgeg à moitié à l'air pour montrer les abdos. Il n'y a rien de plus sexy, sexuel. Non, mais. Bah, ça va. C'est déjà pas mal, hein. C'est un nombril. Non, mais le truc, est-ce que t'as déjà entendu parler de ce mec en étant son meilleur ami? Voilà. Est-ce que tu le connais? Ouais, je l'ai croisé une fois, mais elle m'en a parlé quoi, deux fois en un an, quoi. C'est du mytho, mais voilà. C'est du mytho. Et tiens, il y a Flo du 13, une des solutions que vous avez proposées. Il faut que l'auditeur se rapproche du meilleur ami de sa meuf. Au pire, ça fera de la présence et ça dissuade. C'est vrai que si tu le connaissais peut-être un peu mieux. Mais aussi, ça va être compliqué à un moment. Toi, Romano, moi je peux envoyer mon ventre à Cariole. Oui, mais ouais, mais je sais que je te connais, tu vois. Voilà. Voilà, bah, c'est ça que je disais avec le message. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est bon, tu vas pas devenir pote avec le mec pour qu'après le mec qui envoie des photos. Pour qu'il continue d'envoyer des photos. Attends, je te montre mon trou du cul, j'ai l'impression que j'ai des hémorroïdes. Là, c'est pas possible. Ça, non, ce n'est pas possible, Marie. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Hein. Donc, pour... Non, mais moi, je pense que c'est chelou cette histoire. Donc, cocu hors notre cocu. Eh ben, on va le faire. Donc, je lance la question, cocu hors notre cocu. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être pas cocu, mais on passe de lettres. Donc ça, c'est cocu, ça pue, quelque quoi. Part. Oui. Ouais. Bon, c'est cocu. Donc cocu pour Romano, cocu pour la Marie. Ça pue un peu. Ça pue un peu. Donc un peu cocu. Ça pue la merde un peu. Ouais. Ah, c'est pareil pour Karim. Moi, je dis c'est une mytho, t'es cocu. Cocu. Bon, bah, écoutez. C'est la vérité de Claire. Alors, non, on va demander aux auditeurs en rien. Hein. Oui, mais en tout cas, dans l'équipe, ça fait l'unanimité, bon. Ne t'arrête pas. Moi, je suis pas sûr, moi. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que, ouais. Il y a Jules qui vote cocu. Ok, Jules. Goetz qui vote cocu. XXL. Ah, cocu XXL. Baby Chou qui dit comment Mano, bientôt cocu. Ah. On va mater tout ça et puis on donne les résultats du sondage dans un instant, Orient. En fait, j'ai besoin de votre aide, c'est que j'ai cramé ça dimanche. Ouais. Donc, je l'ai ramené chez elle dimanche soir. Ouais. Et je lui ai envoyé un message après pour lui dire que tout ce que j'avais trouvé, tu vois. Ouais. Mmh. Et depuis, je sais pas si je dois continuer à lui parler, si je dois l'envoyer chier, je sais pas si. Bon, mais écoute... t'as cramé parce que t'es allé regarder dans son téléphone, non, en fait. Non, il a expliqué, Marie. Non, il a expliqué déjà, Marie. Tu m'as entendu. Non, mais c'est pas grave. Attention, Marie, va boire d'Arsenal. Ouais, Marie va boire un coup. Oh là là, on vient de perdre l'euro contre le Portugal. Ah ouais, mais ça, c'est terrible. On a perdu l'euro. Décidément, mais quelle soirée. Vous avez pas entendu. Ça, c'est émouvant. Puis à minuit, dans deux minutes, Marie, on fête la nouvelle année. Bonne année, alors. Allez, PNL, écoutez tout de suite sur Skyrock. Vous votez sur le 41759 et sur l'appli là pour cocu ou pas cocu. Je vous passe un bug à découvrir pour demain dans un instant. Ça sera vos devoirs. Exactement. Allez, ouais, des devoirs. Ah, on va donner des devoirs le soir. Ouais, c'est bien, ça, ouais. Ça, c'est bien. Et puis la roulette qui va tourner. Vous gagnez Soprano. Si vous voulez voir Soprano en tournée avec Skyrock, bah, c'est maintenant que vous vous inscrivez. 7-20-20, roulette. Voilà, ça au moins c'est au 7-20-20. Vous envoyez roulette au 7-20-20 et vous choisissez vos dates pour Soprano. Il tourne dans toute la France. Forcément, on a toutes les dates. Hein. Allez-y. Faites péter. C'est roulette au 7-20-20 et c'est PNL qu'on écoute tout de suite sur Sky. Depuis la rentrée, Difool a déjà distribué plus de 30 000 euros en cash. 30 000 euros en cash. Il faut me dire, quelle est ta radio préférée? Bah, Skyrock. Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. C'est Skyrock. Mais oui, c'est Skyrock. Ouais, c'est gagné. C'est pas vrai. Plus de 30 iPhone 7. Ton iPhone 7. Le tout dernier. Putain, ça c'est bon ça. Romano a déjà arnaqué des commerçants. Bah, que des familles. C'est encore une arnaque ça. Hein. Des vendeurs sur le bon coin. Et vous le vendez 50 euros, c'est ce qu'il y a marqué sur l'annonce. 550 euros. Non, non, bah t'enlèves les 500, tu me le lâches à 50. Et puis ça ira bien. Ouais. Ah bah j'arrive. Et ce n'est que le début. Que le début. 6h-9h. The Morning Show. Le Morning de Difool sur Skyrock. Braqueur. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que t'as fait? Quand un coup tourne mal. C'est pas des convoyeurs que tu vas braquer. C'est Skyrock. La guerre est déclarée entre les gangs. On est des braqueurs, on n'est pas des tueurs. Un face-à-face sous pression. Avec Samy Boisgila et Guillaume Gouix. Braqueur en Blu-ray, DVD et VOD. Avec Skyrock. The Morning Show. Envoie 1500 au 7-20-20 et multiplie tes chances de gagner 1500 euros toutes les demi-heures dans le Morning de Difool. Free Gun fait sa rentrée avec des centaines de fringues à prix canon. Sweat, t-shirt, casquette, parka, doudoune. Avec la nouvelle collection déjà en rayon et toujours tous les maillots et boxers pour un été trop stylé. Free Gun, le choix sans se ruiner pour toutes les nanas et les mecs d'aujourd'hui. Free Gun, dès maintenant sur le site officiel freegun.com et sur la page Facebook Free Gun pour suivre tous les délires de la team Free Gun Never Stop. Retrouve la ligne en exclu chez freegun.com et les points de vente habituels. Des problèmes pointent toujours le bout de leur nez, hein. Moment au 71777. Les astres vous guident vers la voie. Moment, M-O-M-E-N-T, au 71777. Nos astrologues vous apportent les réponses. L'amour, le travail, le succès. Vous voulez savoir? Envoyez Moment au 71777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Concert. MZ, c'est le nouveau collectif de rappeurs du 13e. Les nouveaux visages du rap français ont encore choisi Skyrock pour leur tournée dans toute la France. Le trio parisien de la MZ sur scène à Rouen, Bordeaux, Nice, Nantes, Toulouse, Grenoble, Brest, Le Havre, Marseille et Paris avec Skyrock. Plus d'infos sur skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Difool, radio libre, 21h minuit sur Skyrock. Et le son de PNL maintenant, comme promis, juste avant de faire tourner la roulette Soprano, place de concert à gagner, roulette au 7-20-20 et PNL avec, je suis QLF, je suis que la famille. On voyage. J'm'en bats les couilles, j'suis fire. J'vois que sur une plaquette taille. J'sais pas pourquoi j'déraille. Perdre lunettes sur le sel. Millions de vues en 24 heures. Mon frigo n'a plus peur. Petit frère change de père. Un clip on les met en sueur. Et lendemain dans le père. T'entends du PNL. T'entends du PNL. Dans le ou dans ville on a vie. La jungle elle s'envoie ravie. Et j'ai mes affaires. Du sucre dans ma bouche amère. La mif sous un soleil plein. Tu touches, on touche le salaire. Nico, on fait ce qu'on peut. Droit reste en chien, droit reste en chien. Le majeur traverse le ciel. On voyage. J'm'en bats les couilles, j'suis fire. J'vois que sur une plaquette taille. J'sais pas pourquoi j'déraille. On voyage. J'm'en bats les couilles, j'suis fire. J'vois que sur une plaquette taille. J'sais pas pourquoi j'déraille. Suce-moi, merci d'avoir douté de moi. J'prends mon oseille, je chante, j'me casse de l'or de bois. Elle est sombre, elle est timide. Ce soir, la lune rouge. J'pète nax, véritable. Le temps, c'est de la monnaie, j'ai pas de monde, j'ai des sous. TTF, IGT, EMZ, des bisous. Même adresse, personne ne nous inquiète. Personne ne nous inquiète. Personne ne nous inquiète. Dans le vide, j'vois le monde en entier. On voyage. J'm'en bats les couilles, j'suis fire. J'vois que sur une plaquette taille. J'sais pas pourquoi j'déraille. On voyage. J'm'en bats les couilles, j'suis fire. J'vois que sur une plaquette taille. J'sais pas pourquoi j'déraille. What the fuck? C'est la plus grande radio libre de France. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, c'est nous sur Skyrock. J'ai les résultats du sondage. Alors, attention, Orient, ami de Belgique. Orient de Mons. Ouais. Ouais, bah, les résultats du sondage. Donc les Français ont voté pour sauver un Belge et sauver le couple du Belge. Donc tu voulais faire cocu, pas cocu. Eh bien, tu veux les résultats? Tu veux vraiment que je les donne, Orient, hein? Ça va te sonner. Si vous venez d'arriver, de trouver des photos d'un mec en caleçon qui montrait ses abdos et qui avait une demi-molle dans le téléphone de ta meuf. En gros, pour résumer. Ouais. Alors, cocu ou pas cocu, d'après vous, dans l'équipe? Ah bah, cocu. Cocu, cocu, cocu. Ouais, cocu, ouais. Cocu. Alors, cocu à 87,5%. Ah ouais. Ah ouais, ça fait. Là, il n'y a pas photo, hein. On dirait un clash de la drague d'il y a 15 jours. Il y a photo, justement. C'est clair. Oui, il y a des photos, ouais. Des photos qui dérangent un peu, là. Et tiens, il y a l'inconnu. Cocu. Cocu. Voilà, il vote cocu. Oui. Moi, j'ai eu la même histoire et deux semaines après, j'ai appris qu'elle me trompait avec le mec. Donc maintenant, je regarde toujours dans son téléphone. Bien, ouais. Ça, c'est bien. Voilà, la confiance règne. L'amour rime avec confiance. Super. Quel enfer. Bon, je sais pas, mais il faudrait qu'il y ait une grande discussion avec elle. Et puis, ouais. Peut-être que tu connaisses un peu ce mec après. Non, mais déjà, tu peux lui dire que ça te dérange, tu vois. Oui. Ça les dérange. Ça lui dit, tu vois, mais après, maintenant, depuis dimanche, je sais pas si je dois lui reparler ou. Mais elle a essayé de te contacter? Ouais, mais moi c'est tombé, j'ai pas répondu. Non, mais sois peut-être pas trop dur non plus, parce qu'elle a peut-être rien fait, la pauvre. Ouais, attention. Il va savoir. Je t'ai dit, Romano, moi je peux très bien envoyer une photo de mon caleçon à Carriole pour lui montrer comme il est beau, le caleçon nouveau que j'ai acheté. Ouais, mais c'est toi, Diffoul. Ouais, mais la différence, c'est que je te connais. C'est vrai, on se connaît. Voilà. Comme le dirait Youssoufa. Voilà, exactement. Et oui. Bisous à lui. Bon, en tout cas, voilà, t'as vu le. Après, le seul truc pour me rassurer, je me dirais que si la meuf, elle avait un truc à se reprocher, elle aurait effacé ton téléphone. Ouais, mais elle pensait peut-être pas que t'allais. Non, parce que le téléphone, en fait, il s'est cassé, elle savait pas deviner qu'il allait se péter, tu vois. Donc, elle a pu penser, ou elle a zappé. Tiens, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a Philippe de Montpellier qui est au téléphone avec nous. Salut, Fifi. Ouais, Philippe. Salut, la team. Comment ça va? Ça va bien, Philippe. T'es à Montpellier 31. Déjà, Orion, t'es cocu. Toi aussi, t'es cocu. Un truc de ouf. Rassure en plus, c'est cool. T'es sûr? Ça fait plaisir. Oui, t'as vu. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et il appelle de loin, hein, parce que du sud de la France pour toi qui est en Belgique. Ah ouais, c'est ça, ouais. Et pourquoi tu penses ça, toi, Philippe? Parce que là, mais qu'est-ce que t'as une photo d'un mec dans ton téléphone pour une nana? Mais t'es en plus, il est en slip. Bah, oui, il est pas à poil. Déjà. Non, mais je te dis, tu peux avoir des potes. Non, voilà. Ouais, des potes. Bon, attends, franchement, je chope ma nana avec une photo de mon pote avec une mimole. Je pense que je le défends. Déjà? Ouais, bon. Attention, les potes, hein. Ah ouais, pour toi, donc lui, il faudrait qu'il arrête l'histoire. Moi, je dis qu'il faut laisser une petite chance. Tu nous diras ce que tu fais, Aurélien. Bah, ça va, je tiendrai au courant, l'équipe. Bon, bah, tu nous dis. Non, mais essaye de lui parler, de mettre les choses au clair. Ah, voilà, on en revient à mon idée. Ah non, mais ça, je disais pas de pas lui parler, hein. Mais ça sert à quoi, Romano, de lui parler si elle fait ça déjà today? Enfin, demain, elle fera la même chose avec un autre. Mais elle fait rien, la pauvre. Elle a juste une photo pour l'instant. On sait pas. Ouais, mais ça commence par une photo. Putain, je suis minoritaire parce que 87,5 disent cocu quand même. Non, mais je suis assez d'accord avec toi, moi. Moi, je suis pas sûr, mais bon. Non, mais je sais pas si elle l'a pas envoyé, tu vois. Moi, j'ai eu les photos qu'elle a reçues. Je sais pas si elle en a envoyé ou pas derrière. Ah ouais, ça, tu sais pas, ouais. Oui. Non, mais si tu connais des gens qui connaissent le mec, essaye de faire une petite enquête. Ouais, mais c'est bizarre déjà que ce soi-disant meilleur pote, tu l'as rencontré qu'une ou deux fois. Je suis d'accord. T'es en général, tu connais ses autres potes? Bah ouais, tous les autres potes, bah elle en a pas beaucoup, mais tous les autres, je les ai déjà vus, quoi. Bah, ouais, et genre son meilleur pote, tu l'as vu qu'une fois, tu vois. C'est que vous avez bien penché du côté cocu. J'en ai entendu parler deux fois, quoi. Ouais, t'en as entendu parler deux fois, ouais, je te dis, c'est pas clair. Non, mais c'est pas clair. Non, mais penché, attention, je vais tomber du côté cocu. Ah, c'est chelou quand même, ouais. Si tu connais tous ses autres potes et son meilleur pote, bien entendu, tu ne le rencontres qu'une fois. Oui, c'est bizarre, ouais. Ou alors son meilleur pote, c'est un ex. Ouais. C'est ça aussi. Ou alors c'est un mec qui est sur elle et elle est un peu sur lui aussi. Ou alors c'est un mec de Tinder et elle te le fait dans le dos. Ouais. En tout cas, dans tous les cas, là, c'est pas super rassurant. Ouais, c'est vrai. C'est clair. T'es à Montpellier, il y a eu des orages à Montpellier, toi, Philippe? Alors ouais, là, je voulais balancer l'info. Là, je rentre du taf, il y a mon collègue qui a reçu un message d'SFR en disant que tu allais couper la boxe et tout ça. Et en rentrant, je passe par les vignes et il y a tous les paysans qui sont en train de vendanger et tout. Ils attendent des grêlons de 300 mètres. Ah ouais, ils vont tout perdre. Ah ouais, ouais, ils ont intérêt de le faire avant les orages. C'est horrible, ça. T'imagines, tu soignes des plantes pendant des mois et des mois. Des plantes. Il suffit d'un orage, bah c'est des plantes. Ça va nous niquer tout notre pinard. Eh oui, exactement. Ah là là, comment on va faire? On va pas pouvoir picoler. Vite, il faut vidanger. Vidanger tout. Peine, hein. Mais Romano, c'est surtout que si c'est niqué, ça va coûter bien cher, le pinard. Ouais, ouais, je sais bien. Ah, ouais. S'il y en a moins, bah ouais. Demain, vendez par attendre. Oh, il y en aura. Allez, conseille pas cher demain matin. Oui, demain, attends, on va déjà voir les dégâts qu'il y a eu. Bah, attends, mais ils ont prévu des grêlons. Mais j'espère que ça va pas tout casser. De 3 cm, ouais. Des grêlons de 3 cm, ils ont prévu. Non, mais ouais, ça ravage tout. Bah, bon courage à ceux qui travaillent dans les vignes, en tout cas, parce que c'est pas facile. Donc, Aigues-Mortes, Carnon, faites gaffe, Montpellier, je sais pas, mais vers Aigues-Mortes, tout ça, faites bien attention, quoi. On en parlera demain matin dans le morning, on aura des nouvelles des orages, des gros orages qu'il y a sur la France, ça, vous n'y êtes au courant depuis tout à l'heure. Ouais. Ah bah merci Philippe. Merci Fifi. Rentre bien. Salut Philippe. Cool. Salut. T-shirt Skyrock à la maison. Bisous. Et Orion, tu nous tiens au courant et on t'envoie le t-shirt Skyrock en Belgique aussi. Orion? Oui. Ah, tu m'as fait peur. J'ai cru qu'on avait été trop dur avec toi. Ah ouais, grave. Bah voilà, en tout cas, ce qu'en pensent les auditeurs, essaye de te renseigner, en tout cas. Non, mais bon, au final, tu penses à peu près à la même chose que nous, parce que tu lui donnes pas de nouvelles déjà. Donc. Bah, je me doute, j'ai. Oui, mais bon. Les yeux, bon. Eh ouais. Bon, bon courage, Orion, et raccroche pas un t-shirt Skyrock en Belgique pour toi. Salut Orion, ciao. Salut à tous ceux qui nous écoutent d'ailleurs ailleurs, en Belgique, ailleurs, dans le monde. Oui, bah. Non, mais j'étais en train de voir parce qu'a priori, avec le 720-20, il y a une merdasse. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des protestations de merdasse sur 720-20. Non, mais il y a une merde sur le 720-20 parce qu'il y a le troll. Il l'a envoyé. Et en fait, a priori, ça n'a pas fonctionné. Ah. Parce qu'il a reçu un message chelou après. Nous avons essayé sans succès de vous livrer une information de la part du service Skyrock SMS. Mmh. Cet essai ne vous sera pas facturé. Mais ça, a priori, ça n'a pas marché. Heureusement, attends. Bah, sinon, oui, t'appelles Romano, c'est un problème comme ça, t'appelles Romano. N'hésite pas, ouais. Bon, on a la roulette à faire tourner. Ah, et le bug à vous faire écouter. Ah oui, alors attention, les devoirs pour demain. Voilà, pour demain, essayez de traduire ça. Vous pouvez envoyer des messages dès maintenant. Hein. Avec vos numéros sur le 41759 et sur l'appli, ça marche très bien. Il est dur? Bah, j'en sais rien, on va écouter, Romano. Un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que depuis la rentrée, je me suis dit, tu t'améliores au niveau de la diction. La preuve, écoutez bien. Qu'avec le quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'avec le quelqu'un. Ah, j'ai trouvé. Moi aussi, je crois. T'as trouvé? Vas-y, dites pas. Non, désiré pas. Remets. T'as trouvé? Je crois. Bah, écrivez sur une feuille. Non, mais écrivez sur une feuille et on garde la feuille pour demain. Qu'avec le quelqu'un. J'ai pas. Attends, je récupère les copies demain. Putain, moi, j'ai pas trouvé, moi. Marie, t'as trouvé? Non, vas-y. Non, mais Marie, dans l'état où elle est. Il veut dire Kirikou, on nous dit. Non, c'est pas Il veut pas dire Kirikou, c'est Morgane qui laisse un message. Karim, tu peux garder ta copie pour demain? Vas-y, donnez-moi un stylo, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a mis? C'est pas ça, Karim? Ouais. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça du tout. Il y avait quelqu'un. Non. Il y avait, en plus, c'est marrant parce que c'est un message qui revient à les pieds de Marie, nous dit il y avait quelqu'un. Avec quelqu'un, on nous dit juste en dessous. C'est quelqu'un. Eh bien, non. Avec quelqu'un. Non, c'est pas ça. Avec le. Le cactard. Vas-y, montre Romano. Non, c'est pas ça. Mais de toute façon, je dirais pas si c'est ça ou pas. S'il dit Romano alors. Vas-y, on va voir Romano. Ah, Romano. Il a trouvé ou pas? Il a trouvé. C'est chien le dernier mot? Ouais. Bah, c'est pas ça. Ouais. Eh ben, oh, qu'est-ce qu'il a mis? Qu'est-ce qu'il a mis? Qu'avec le chien. Qu'avec le chien. Qu'avec le chien. Qu'avec le chien. Oh, comme avec le chien. C'est vrai que c'est pas mal. Ça aurait pu, tu vois. Ouais, ou qu'avec le chat. Heureusement que tu parles pas tout le temps comme ça, mais le chien. Qu'avec Skyrock. Qu'avec le chien. Qu'avec le chien. Qu'avec le chien. Qu'avec le chien. C'est bien. Donc vous nous dites au 41759 et sur l'appli, vous laissez vos numéros. Et demain, on vous retrouve avec avec quelques bugs à traduire. Demain, entre 21h et minuit sur Skyrock. Allez. Et la roulette qui va tourner maintenant. Soprano. Ouais, Soprano a gagné dans la roulette. Soprano. Ah, pardon. Soprano. Salut Elodie. Salut Elodie. Salut. N'aie pas peur, hein. Non, pas de panique. Tout est normal. Tu nous connais, hein. Donc, oui, y a pas de soucis. T'as 28 ans, t'es à Tourcoing, toi, Elodie. Tu veux aller voir Soprano qui passe évidemment par le nord de la France. Mais j'ai pas entendu, excusez-moi. Mais tu n'es pas tout seul, tu es avec quelqu'un qui a bu. Non, pas du tout, il a pas bu. Non, c'est qui? Il a endormi. C'est mon chéri. Très bien, tu vas faire un gros stop pour bien le réveiller, d'accord? Ok, ça marche. Allez, c'est parti, on fait tourner la roulette. Skyrock t'offre 200 places de concert Soprano. Non, attends, calme-toi. Elodie, c'était juste le jingle. Tranquille. Du calme. Il faut d'abord lancer la roulette pour l'arrêter. La roulette. Là, à partir de maintenant, tu peux faire stop quand tu veux. Ok. Allez, ça tourne. Voilà, il est aussi bien que le premier. Hein. Bien joué. Si, ils sont bien. Mais je te fais 1€. Non. Deux places pour Soprano, c'est gagné, bravo. Ok, super. Deux places pour aller voir Soprano le 10, il sera à Lille le 10 mars 2017. Hein, 10. Ok, super. 10 mars 2017 à Lille, bravo Elodie, tu vas y aller avec ton chéri derrière? Oui, bah oui. Apparemment, j'ai pas le choix. Oui, je crois qu'avec lui derrière, en plus, t'as pas le choix. Gratuit pas cher. Justement, gratuit là, ouais. Conseil pas cher demain matin, retrouvé dans le morning. Bonne nuit, Elodie. Merci. Et ciao. Salut à toi. Et ouais, prochain rendez-vous, le morning entre 6h et 9h. Le morning avec vos 1 500 euros, bien sûr. C'est encore tombé deux fois ce matin. Hein. Ouais, bien joué. Ah ouais, profitez. Oui, profitez. Les 1 500 euros à choper, le morning demain matin, les conseils pas chers. On retrouvera également le réveil de star. Qui sera la star demain matin? C'est question que je me pose, j'espère que je vais arriver à dormir. Ça va être une fille ou un garçon? J'en sais rien, Marie. Je sais surprise. Pas. Ah, tu sais pas? Surprise. Demain matin, donc le réveil de star et tout le reste, venez faire les cons avec nous. Et puis demain soir, on se retrouve tous ensemble. Ouais. Pourquoi tu me filmes, Karim? Je fais un Snapman. Bonjour Snapchat. Je fais un Snapchat. C'est Snapchat. Donc demain soir. Danny Boone, ce matin, on a fait écouter des blagues de Danny. Non, c'est hier. Ah, c'était hier matin. Ouais, c'était marrant. Et non, c'était marrant parce que c'était pas drôle en fait. Ah ouais, voilà. Danny Boone, il a Snapchat, mais aussi Snapchien. Ouais. Olé. Olé. Pas madame. Eh ouais, monsieur. Ah ouais. Ça, c'est de la blague qui déchire. Ouais. Il a pas Facebook, il a face de book. Ouais. Olé. C'est bien, tu as bien écouté le morning, Karim. Bon, rendez-vous demain matin. Instagram, piqué, Telegram. Ah, mais ça ne s'arrête jamais. Non, mais c'est ça, c'est dans ce nouveau spectacle, hein, véridique. Et avec Twitter, il a rien? Si. Attends, c'est. Twitter. Attends, c'est quoi la blague de Twitter? Attends, ouais, si vous en rappelez, dites-nous. Elle doit être fameuse. Ça va me revenir. C'est pas Twitter, 10h, 11h? Si, c'est ça. Ah oui. Twitter, 10h, 11h, 12h. Celle-là, encore, ça va, celle-là. Ah, bah, ça plaît à Samy. Ouais, mais celle-là, mais les dates d'avant sont pourries. C'est des petits extraits du spectacle de Danny Boone qu'on va faire ce soir. Bon, allez, on vous donne rendez-vous demain matin, demain soir, dès 21h. On compte sur vous aussi. Et là, c'est Prisca que vous allez retrouver. Justin Timberlake aussi. Et Justin Timberlake pour démarrer la nuit. La belle Prisca Urban Music Non-Stop. Oui. Le gros son de Skyrock, la première radio urbaine mondiale. Bonne nuit. Et à demain matin et demain soir. Salut. Salut. Depuis la rentrée, Difool a déjà distribué plus de 30 000 euros en cash. 30 000 euros en cash. Il faut me dire, quelle est ta radio préférée? Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. C'est Skyrock. Mais oui, c'est Skyrock. C'est gagné. C'est pas vrai. Plus de 30 iPhone 7. Ton iPhone 7. Le tout dernier. Putain, ça c'est bon ça. Romano a déjà arnaqué des commerçants. Des familles. C'est encore une arnaque ça. Hein. Des vendeurs sur le bon coin. Et vous le vendez 50 euros, c'est ce qu'il y a marqué sur l'annonce. 550 euros. Non, bah t'enlèves les 500, tu me le lâches à 50 et puis ça ira bien. Ouais. Eh ben j'arrive. Et ce n'est que le début. Que le début. 6h-9h. The Morning Show. Le Morning de Difool sur Skyrock.